Space Phallus. Bonjour et bonsoir à tous. Salut mes deux compagnons, mes deux gros lourds chéris préférés que j'aime tant. Donc nous sommes, comme à notre habitude, réunis pour un petit BGS, mais un BGS spécial, qui va célébrer l'ouverture de notre grand projet secret. Oh, oh, oh. Alors d'abord je suis avec Monsieur Chauve, l'illustrissime, toujours présent, toujours aussi... One again. One again, a beast to fly, voilà, je vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre, donc bonjour. Bonsoir, Monsieur Chauve. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Baptiste. Et avec l'illustrissime et maintenant célèbre, et de par le nombre de podcasts qu'il fait. Et de son poids. Et de son poids, voilà, c'est un homme de poids, on peut le dire, effectivement. Ouais. Monsieur Stetson. Bonsoir. Bonsoir, le ténébreux Stetson. T'as vu comment il fait son intro de manière ténébreuse quand bon, même voit. Alors... Pour nos auditeurs nouveaux, qui seront très certainement nombreux, je n'en doute pas. Si, je n'en doute pas. L'iPod va être un vrai succès. Ici, en fait, ce podcast s'appelle le BGS, pour Belgian Geek Show. Ça, on se présente quand même. Hein. Nous sommes trois alcooliques, donc je suis Kirby. Je ne m'étais pas encore... Moi, je ne suis pas alcoolique. Acolyte. Ah, on a tous compris alcoolique. Vous interprétez mal. Hein. Ça commence mal, tout ça, les enfants. Donc, nous sommes trois alcooliques, si vous voulez. Donc, moi-même, Kirby, je ne m'étais pas présenté. Monsieur Chauve et Monsieur Stetson, que je viens d'introduire. One again. Monsieur One again et Monsieur Lourdeau. Et, Monsieur Grand Cul, ouais. Excusez-moi, Stetson me montre un doigt, mais je ne comprends pas très bien. Il essaie de me faire un signe. Ben, moi aussi. C'est particulier. Bon. Bon. Donc, nous sommes réunis ce soir donc, pour le BGS, qui est un podcast dont le concept est assez simple. On vous l'expliquera tout à l'heure. Ici, c'est un numéro un petit peu particulier. Parce qu'on a lancé on va le lancer normalement quand ce podcast sortira, le site sera sorti en même temps, un site internet qui se nomme bipod.be, où nous avons décidé de regrouper nos différents podcasts, d'essayer de lancer quelques autres projets, de faire du contenu rédactionnel, de proposer plus de choses de manière plus construite, plus sérieuse et surtout beaucoup plus régulière. Et donc aujourd'hui le podcast va être entièrement consacré à Bipod, on va essayer un peu de vous présenter notre projet, de vous expliquer de quoi il retourne. Et comment on voit un peu l'avenir. Donc voilà, je ne sais pas si mes deux acolytes ont quelque chose à rajouter avant qu'on ne commence. Je suis sûr qu'il a quelque chose à rajouter. Hein. Vas-y Chauve, on t'écoute. Merde. Voilà, donc ça c'est Monsieur Chauve, ne vous étonnez pas. Toujours très constructif, voilà. Vous aurez droit souvent à des insultes et à des mots un petit peu... des blagues un petit peu graveleuses. Et... Graveleuses. Donc si vous voulez écrire des lettres de menace, l'adresse c'est chauve@bipod.be. Voilà, comme ça, la messe est dite. Je vous répondrai en vous insultant. À la Steve Jobs. À la Steve Jobs, voilà. Non, pire. Bien pire. Oui, parce que Steve Jobs reste quand même poli malgré tout. Il n'est pas très sympa, mais il est poli. C'est une pédale. Bon, on va tout de suite entamer ce podcast alors. Et on va commencer donc par vous présenter un petit peu notre projet, vous dire de quoi il retourne, quels sont nos différents podcasts. Tout le tout team, quoi. Vous êtes chauds, les enfants ? Ouais. Hein. On again. Je tiens à préciser quand même que mes deux acolytes sont assez fatigués, donc... Moi aussi, mais moi, j'essaie de pas trop le montrer, contrairement à eux. Je fais un minimum d'efforts. Ouais, j'ai un travail. Mais bon, on va pas faire de commentaires. Donc, voilà, on est parti tout de suite. On se tait, s'il vous plaît. On est parti tout de suite pour la présentation de Bipod. Donc, première rubrique de ce podcast haut en couleur, hein, je vais dire ça malgré que mes deux compatriotes soient à l'article de la mort. Bon, enfin. Si, si, je peux dire à l'article de la mort. Vous avez l'air tous les deux d'être venus d'un autre monde. Non, surtout peut-être zombie, mais je crois que c'est son état normal. Il a toujours l'air d'être venu d'un autre monde. Zombie. Bon, ça doit être à cause du ventre. Du ventre, et surtout, regarde comment il a mis son casque, je crois. C'est un mélange entre Mickey Mouse et un extraterrestre. Et un connard. Surtout que la coupe de cheveux. Enfin bref, on va arrêter là. Hein. On va... C'est un peu sérieux. C'est... Quelle jalousie. Oui, je suis jaloux, c'est ça. Donc bref, deuxième partie de ce podcast. Première partie, pardon. Je mélange. On va donc vous introduire. J'aime bien ce terme ce soir. J'aime introduire des choses ce soir. Juste ce soir. Non, je vais m'introduire en général. Vous présentez donc le projet Bipod. Donc, pour résumer le projet Bipod, qu'est-ce que c'est, Monsieur Stetson? un site. Dépourvu, alors il ne sait pas quoi dire. Un site regroupant nos différents podcasts et contenant également du contenu rédactionnel. Contenant du contenu, c'est très très laid. C'est très laid comme formulation. Mais c'est pas ce que je voulais. Ouais, c'est jamais ce que tu veux. Exactement. Voilà, donc grosso modo, c'est ça. Donc, je vais essayer de retracer un minimum l'historique quand même pour situer un peu les gens. Les gens qui les gens. Les gens. Il n'y a pas une chanson, ça, les gens. Voilà. Si, hein. C'est Debrel, non? Il n'y a pas une chanson, les gens, voilà. Debrel? Jacques Brel. Sûrement, ouais. Jacques Debrel, tu as dit? Non, j'ai dit Jacques Brel. Debrel. Jacques Debrel, je me dis Jacques Debrel. C'est toi, la Brel. Bon, j'ai dit Debrel. Petite historique est très rapide. Donc, il y a maintenant... Kirby né en 1947 à Tanger. Ça, c'est la cité de la peur. Non, donc, laissez la police faire son travail. Let the police do its work. Donc, l'année dernière, il y a un an maintenant, on a décidé, avec M. Stetson, de créer un podcast. C'est ça, hein, comme ça que ça a commencé. Je t'ai parlé un jour, tu étais seul, comme d'habitude. En même temps, vu ta tête. Il se baladait sur l'avenue. Voilà, tu étais seul, tu te baladais sur l'avenue, ouvert à l'inconnu. Donc, j'ai remarqué en fait que c'était un gros geek, hein, y a pas... Un gros tout court. Mais geek de toute façon, il suffit de le regarder, tu comprends tout de suite. Hein. Déjà, il est gros donc. Voilà, le monsieur avait un Android, un HTC Hero, et je rêvais de le tester à l'époque, donc je suis venu vers lui. Après, il m'a largement dépassé au nombre de smartphones changés. Voilà, mais ça, bon, voilà, ça c'est moi. Hein, faut pas... Et donc, je lui ai proposé de faire un podcast parce qu'on écoutait tous les deux, on aimait bien ça. C'est là qu'un jour, je suis passé chez mon ami Chauve. Boire un petit verre, hein, si mes souvenirs sont bons, dans ta chambre chez tes parents, car oui, M. Chou vivait chez ses parents. Chez mes parents ? Tu étais chez tes parents il y a un an. Eh oui. Non. Eh oui. Mais non, il y a plus d'un an, parce que c'est le jour où je te l'ai annoncé, mais bref. Oui, bref. Donc on a décidé de créer un petit podcast où on se réunirait tous les trois et on parlerait de choses geek en général. Donc les débuts ont été très très laborieux. Légèrement. On a fait trois tests qui ne sont jamais parus. C'est, je le disais bien ça. Qui duraient très longtemps. Je crois qu'on aussi, a fait trois enregistrements avant d'arriver à voir réellement ce qu'on voulait, où les problèmes techniques se sont enchaînés. On finissait à 4-5 heures du mat minimum. Voilà, on arrivait à commencer, je vous rappelle, une émission, on a réussi à commencer vers 1h ou 2h du matin. Mais c'était un exploit. Hein, ouais. On a duré jusqu'à 3 heures. On était morts en sortant de là. Enfin bref, on y est arrivé. On a battu ces records depuis de finir le podcast encore plus tard. Ouais, mais bon. Oui. Bref. À 7h30 du matin. Oui, ça j'expliquerai après. Et donc, bon, après ces essais infructueux, on a enfin réussi à sortir un premier BGS, c'est-à-dire Belgium Geek Show. On n'a pas vraiment trouvé plus original, il faut bien le dire. Donc, mais on aime bien BGS. Tête, hein. BGS, moi j'aime bien. Ouais, ouais, au final. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que le nom lui-même, Belgium Geek Show, c'est un peu long, un peu. Mais le raccourci BGS. Moi, c'est court, c'est direct. Voilà. Moi, j'oublie même que c'est Belgian Geek Show à force de dire voilà, BGS. Oui, voilà, moi aussi je parle BGS, et sur le site il est nommé BGS, vous le retrouvez sous l'appellation BGS. Donc... On va l'appeler comme ça, ce sera plus simple, mais sachez que ça veut dire Belgian Geek Show à l'origine. Donc, on a sorti un premier podcast, techniquement pas encore totalement au point, mais ça allait, mais où le concept n'était pas encore totalement établi. Hein. Non. Sur le premier, on avait décidé avec Stetson de commencer par des news high-tech. Parce que c'est quand même à la base notre dada. Le problème... C'est que le troisième n'était pas fort intéressé par ces news high-tech. Pas vraiment, non. Voilà, Monsieur Chauve n'était pas très intéressé par le côté high-tech. C'est pas ce qu'on peut appeler un geek high-tech. Qui avait tendance un petit peu à l'endormir pendant la première heure. Donc le problème, voilà, on parlait pendant une heure, si pas plus, parce que quand on commence là-dessus, on aime beaucoup débattre. Et malheureusement, Chaume avait tendance à lâcher piquer du nez. Voilà. Donc quand les autres briques arrivaient, bah, il était déjà HS. Et ça gâchait un petit peu le plaisir quand c'était à lui de parler. Donc en plus, pas d'interaction sur la première rubrique, donc un petit peu dommage, quoi. Donc on a décidé de restructurer un peu tout ça pour le deuxième. Et de présenter chacun un sujet. Et de faire un petit jeu à la fin pour terminer de manière plus gay. Donc voilà, c'est la formule qu'on applique à peu de choses près encore à l'heure actuelle. Même si maintenant on a décidé plutôt de s'axer sur le côté débat de la chose. Donc faire un sujet préparé par les trois, un sujet bien précis, et puis d'enchaîner sur une question qui fait débat. Et de terminer tout ça toujours par un jeu, parce qu'on aime bien jouer, surtout Monsieur Chaud. Par exemple, Stetson est-il gros, mais... Voilà, question de débat. Comme la réponse est oui, il n'y a pas de débat. Voilà, on prend l'exemple de Stetson, le sujet principal de podcast. Ben, le premier, on va commencer par un sujet, donc le ventre de Stetson. On enchaîne sur une question de débat, Stetson est-il gros. Et on termine par un jeu, le quiz sur le poids de Stetson. Voilà. Ça, c'est l'exemple type. Voilà, la structure type. C'est la structure. Voilà, c'est très... Donc maintenant, c'est la formule qu'on a adoptée. Bon, elle s'est un tout petit peu modifiée par rapport au numéro 2, si vous l'écoutez. Mais grosso modo, on essayait de rester dans la même ligne éditoriale maintenant et de faire vraiment un débat de geek, en fait. Suite à ça, vu que Stetson et moi étions assez frustrés de ne plus pouvoir faire de news high-tech dans le BGS, à cause de... De Chauve. Chauve, hein, on peut le dire clairement. Ah, Monsieur Chauve. Je vous emmerde. Merci à toi. Tu nous emmerdes et tu rentres à ta maison ? Ouais, non, je vais encore attendre un peu, je crois. Donc, enlève ton pull, oui, parce qu'il fait chaud. Ouais ! Il fait environ 40 degrés dans la pièce où on enregistre. À peu près, oui. C'est un petit sauna, en fait. Voilà, on peut vous le révéler aussi. C'est... Ici, on perd du poids. Je bois de la chimée, mais au lieu de prendre du poids avec ça, ah oui, tiens, j'avais pas, j'en perds. Oui, j'aime bien la chimée, j'en ai reçu nos cadeaux cette semaine. Merci, Olivier, si tu nous écoutes. Enfin, pas que tu nous écouteras, mais merci quand même pour la chimée. Je bois ta santé. Bref, donc, Stetson, tu confirmes donc qu'on était frustrés de ne pas pouvoir faire nos news high-tech. Oui, bah oui, c'est quand même un petit peu à la base, on avait vraiment envie de parler de ça dans un podcast quand on l'a créé au début. Oui, c'est vrai, quand on l'a créé, on s'est dit que c'était un, voilà, c'est un sujet qui nous passionne à la base, le high-tech, c'est... Où on parle assez facilement. C'est notre dada, on peut débattre très vite de beaucoup de choses, c'est un sujet très vaste et qui peut prêter à débat. Donc, j'ai décidé de lancer Télécom, qui est notre deuxième podcast. Donc Télécom, c'est pas du tout la même chose que le BGS. Donc le BGS, il faut savoir qu'on est trois, pris dans une pièce surchauffée, comme vous avez pu l'entendre. Sombre. Autour d'une table, avec nos micros, et on discute. Et on boit des bières. Voilà. Ouais, toi t'as une table. Pour Télécom, c'est totalement autre chose. Ah oui, une dernière précision, j'ai encore oublié. Le BGS a lieu tous les mois, donc vous trouvez normalement un BGS par mois. C'est parfois difficile de s'arranger pour le faire en début de mois, mais on essaye de tenir le rythme d'un BGS par mois. Il n'est pas vraiment arrivé puisqu'on est au numéro 7 après un an, mais... plutôt toutes les 5 semaines. Hein. Voilà, on va dire grosso merde. Donc, on a créé à la suite donc, Télécom, que je présente avec mon ami Stetson, qui est, on peut dire, le chroniqueur principal, parce que tu as été présent du numéro 0 jusqu'à maintenant. En effet. Moi, je ne suis pas là parce que j'en ai rien à caler. Ça, les auditeurs avaient compris, je crois. Mais pour les nouveaux. Télécom, c'est un podcast qui s'enregistre toutes les deux semaines. D'ailleurs, on doit en enregistrer un dimanche. Ça va être chaud, mais soit. Qui s'enregistre par Skype, en fait, parce qu'on fait venir des gens un petit peu plus loin, on va dire. C'est un peu difficile de les avoir parmi nous. Hein. N'est-ce pas ? Donc, nous a rejoint pour Télécom Draven, que nous aurons tout à l'heure par Skype. Comme ça, il pourra nous parler un petit peu de Télécom et du coup, de l'aspect rédactionnel dont il va s'occuper également. Et donc... Draven qui vient de l'est de la France, si je ne dis pas de bêtises. Oui, hein, il me semble. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Pas très loin de la Suisse, sur non Skype, je suis désolé pour les bruits, je vais devoir dire de ne pas me déranger. Pas très loin de la Suisse, non, je crois. Parce que j'ai une personne qui d'ailleurs travaille sur Bipod aussi, qui me parle sur Skype. Et Kirby ne veut pas me répondre. Vas-y, ben, meuble, je réponds. Non, mais je crois, je crois qu'il est pas très loin de la Suisse, mais qui est un petit peu moins fan de gadgets que nous, mais qui s'intéresse au high-tech, aux compagnies high-tech et tout ça. Et peut-être un peu plus fan de musique et ciné. Enfin, non, moi je suis fan de ciné, mais. Et qui nous a rejoint au deuxième épisode, je crois. C'est ça ? Oui, un, deux, non, premier. Il n'a pas enregistré le pilote, ouais, mais donc le premier épisode. Déjà... Donc, et qui a... On a enregistré 5, on va enregistrer... Non, 6. On va enregistrer 7e, là, non ? J'ai un doute. Enfin bon, soit. Donc il n'a raté que le premier pilote et un autre épisode où il était en vacances, sans excuses. J'ai toujours pas reçu son certificat pour le coup. Oui, parce que si jamais tu veux être absent, il faut envoyer un certificat. Ouais, mais merde. Maintenant qu'on est des podcasts sérieux et engagés. Et donc, voilà, Draven. Alors, on a enregistré le cinquième de Bipod, de Télécom, pardon, on enregistrera le sixième dimanche. Voilà. Et il y a donc, deux épisodes. Donc, quand vous écouterez ça, normalement, si vous l'écoutez le jour de sortie, le lendemain, on enregistre le numéro 6. Et donc, il y a deux semaines, un mois maintenant, un autre chroniqueur nous a rejoint sur Télécom. Oui, il a fait le deuxième numéro, celui d'il y a deux semaines, c'était le deuxième qu'il faisait. Donc, c'est Thomas qui est... on peut le dire, ça ne me dérangera pas. Qui est le c'est chargé de communication, du site astel.be, qui est un site assez connu pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu au monde internet, high-tech, télécom, on va dire, pour faire général, qui donc a accepté a écouté en fait par hasard, puisque je l'ai ajouté sur Twitter, et il a écouté par hasard ce podcast, et disons que c'est un sujet qui l'intéresse également, et donc il a décidé de nous rejoindre et d'enregistrer avec nous. Donc voilà, maintenant on est 4 sur Télécom. Et j'espère, je dois l'avouer, agrandir l'équipe avec une cinquième personne pour pouvoir switcher. Pas à moi. Ne pas avoir les mêmes personnes toutes les deux semaines, en fait. Parce qu'il en a marre de nous, en fait. Non, mais pour pouvoir que, voilà, justement, vous ne deviez pas toutes les deux semaines être présentes, vous pouviez avoir un battement entre certaines, qu'on puisse parfois être trois, parfois être deux, que les gens entendent des personnes différentes. Je réfléchis encore à comment faire, mais je trouve que ce serait pas mal d'avoir un peu des... Enfin, bref. Donc voilà, donc Thomas nous a rejoint, on en est très content d'ailleurs, hein, merci à lui. Très content d'avoir quelqu'un qui se propose et surtout une personne en plus pour débattre. Et donc Télécom, ben voilà, c'est toutes les deux semaines, environ une heure et demie, plus souvent proche de l'heure. Plus souvent une heure et demie. Thomas peut aussi apporter des infos sur les... De par son travail... Les compagnies de téléphone. De par son travail chez Astel, il connaît beaucoup le monde de Télécom belge, donc effectivement il nous apporte... son point de vue sur tout ce qui est news télécom belge. Là, on est peut-être un petit peu moins fort. Bah oui. Bah voilà. Et donc, ça va là pour Télécom. Voilà, donc on a présenté Télécom. Donc ensuite, le podcast suivant, parce que ça ne s'arrête pas, décidément. Hein. Mais là, c'est Monsieur Stetson qui est en charge, pour une fois. Bon, pour le moment... Pour le moment, il n'y en a qu'un. Parce que c'est un pilote. Hein, il essaye de lancer ça, on va dire. Je vais te laisser peut-être le présenter, alors vas-y. Vu qu'on parlait principalement de high-tech pour Télécom, moi ce que je trouvais qu'il nous manquait, c'était plutôt sur le cinéma et les séries, vu que c'est un sujet que moi j'aime bien, que la plupart des gens aiment bien. Certes. Qui est assez, à la limite, plus facile au niveau des news à faire que le high-tech où les news sont très vite changées, les news de cinéma sont un petit peu moins... change moins vite. Et c'est moins important d'être un petit peu en retard sur une news cinéma que... Tout à fait, puis c'est un point qu'on n'avait pas encore vraiment exploré, même si on aborde ce genre de on sujet. On abordait déjà BGS. Dans le BGS, mais... Le BGS, c'est un podcast vraiment généraliste geek, donc on peut parler de tout et rien, en fait. C'est vraiment, on a envie de parler de conquête spatiale, on parle de conquête spatiale. Ouais. Tu veux que je prends un exemple, mais voilà. De sexe à plusieurs. Si, aussi. Oui, tu nous feras un débat un jour là-dessus. D'accord. On verra bien. Le sexe sur Internet... quelque chose comme ça. N'hésite pas, va chercher des chiffres et prépare-nous un beau sujet. Ok. donc voilà, 24 FPS, ce sera principalement concentré sur séries et films. Voilà, mais ce n'est pas vraiment un podcast de news. Hein. C'est plutôt un podcast où on se concentre sur un ou deux sujets principaux qu'on a. Principaux, pardon. Merci, monsieur. Le rédacteur bien, en chef. Il parle très bien anglais, mais pas bien français. En un ou deux sujets principaux où que les chroniqueurs ont vu et ont enfin un petit débat sur ça. Le premier épisode c'était sur 4 films fantastiques, mais c'était un petit peu exceptionnel. On a vu à l'occasion de la nuit du film fantastique. Donc même si c'est un pilote et qu'il y a encore un petit problème de son, de coupure, je vous encourage quand même à l'écouter parce que je trouve franchement qu'il est assez intéressant et le peu de personnes à qui je l'ai fait écouter l'ont trouvé intéressant aussi. Donc on peut juste noter qu'il y a une petite coupe, une petite faute au montage de ma part au début des 4 films. Je vais te reformer. Au début des 4 films, donc vous n'entendez pas dans le premier film dont on parle, qui est Mother's Day. Voilà, on n'entend pas l'introduction qui présente le film. C'est pas dramatique parce qu'on sait qu'on parle de ça, parce qu'on le cite dans la conversation. Mais C'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est un pilote, il faut parler. Et le prochain devrait parler plutôt de Tree of Life et de Game of Thrones, si on arrive à l'enregistrer la semaine prochaine. Ou ce samedi. Si, moi je suis partant, si tu es disponible. Alors bref, on en rediscutera en antenne, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. Donc voilà, donc, bon, ça c'est l'aspect podcast. Donc il y a encore d'autres choses qui vont venir. On est en train de réfléchir avec Monsieur Chauve sur un petit podcast vidéo qui traitera de bande dessinée. Certes, oui. Bon, je verrais bien faire des podcasts un peu plus axés sur le sexe, je crois, mais... Oui, surtout si c'est des podcasts vidéo, mais bon. Voilà, mais bon, c'est pas le corps de métier. Mais tu fournis les filles ou bien c'est avec lui que tu comptes faire ? Les deux. Non, mais c'est pas... De toute façon, c'est pas notre corps de métier, donc... Il faut étendre, hein. Si tu veux. Ah oui, tu voudrais bien qu'on achète bipod.xxx ? Pourquoi pas ? Tu sais que ça coûte $60, hein, pour XXX. Tu l'as payé, hein. Je savais même pas que ça existe, un point XXX. C'est nouveau, mais ça coûte très cher. C'est réservé normalement, enfin réservé non, mais c'est pour essayer de ranger les sites porno dans une catégorie, quoi. Qu'on puisse bloquer point XXX et basta, tous les sites porno sont bloqués, quoi. Bah, 60 dollars en même temps. Mais voilà, c'est quand même cher, quoi. Bah, c'est cher. Oui, si, c'est cher, mais. À moi, le point net, pour Bipod, le point BE, je paye 8,95€ par an. Hein. Mm-hmm. 60, c'est un peu plus. Ah bon, c'est quand même 7 fois plus. Bon. Bon, bref, là n'est pas la question. Donc voilà, on réfléchit à des concepts vidéo. Je réfléchis notamment avec Chroniqueur que je vous présenterai juste après à un projet sur le jeu vidéo. J'avais pensé à mon ami Stetson, mais bon, c'est pas encore. C'est juste une idée, hein, ça c'est pas encore. Mais bref, on réfléchit à de nombreux concepts pour essayer d'amener de la nouveauté et d'avoir du contenu dans Bipod. J'ai moi-même réfléchi à un concept. Ça vous la coupe. Hein. Accrochez vos ceintures. Mais c'est tout à fait. C'est tout à fait. Préparez-vous. Hein, parce que envisageable. Conseil sur la pédophilie. Non, même pas. C'est soit du scabreux. Soit... Mais non, je pensais faire. Mais ça n'aurait pas la même régularité que vous avec toutes les deux semaines. Mais un petit podcast audio ou vidéo sur les vieux machins du jeu vidéo. Les oldies. Ouais. Alors, je vais te répondre tout de suite parce que j'ai réfléchi aussi de mon côté. Et étant donné que, en fait, on a. Bon, là, je vais parler un peu de ma vie par la même occasion, mais j'ai pas le choix. Actuellement, je suis une formation dans le métier de l'audio. Et je me forme également un petit peu à la vidéo à côté le soir, pour essayer d'être assez complet pour les podcasts. Et voilà, donc j'ai réfléchi à des concepts que je pourrais créer. Et une idée qui est sortie, étant donné qu'une personne qui suit la formation avec moi a un frère qui est passionné de jeux vidéo, qui d'ailleurs nous a rejoint pour la partie rédactionnelle, je me suis dit pourquoi ne pas tenter de lancer un podcast vidéo qui serait fait d'une manière un peu plus... comment vais-je dire ? On répartirait peut-être un peu mieux les rôles, c'est-à-dire que je me chargerais de l'aspect production, où j'ai acquis une caméra, de filmer, de prendre le son, de faire le montage... Et je laisserai les commandes pour les sujets, la présentation à peut-être Stetson s'il veut bien, Ted donc qui vient de nous rejoindre, et j'en ai parlé également à Monsieur Morphal que vous connaissez qui avait été invité dans un BGS, qui serait très intéressé aussi puisque qui est également un joueur. Un BGS où je crois que vous pouvez nous entendre débattre sur le jeu vidéo pendant. D'ailleurs voilà, ce BGS là, il y a un débat sur l'avenir du jeu vidéo effectivement. Donc je pense qu'avec ces trois personnes, ça pourrait amener à quelque chose de pas mal. Donc voilà, c'est un projet qui est dans les cartons. Et je me disais effectivement, pourquoi ne pas... Parce que je ne pensais pas faire un podcast à part. Je me disais que c'était un peu trop. Pourquoi ne pas inclure une rubrique oldies, effectivement. Maintenant, si tu parles effectivement de faire quelque chose sur les oldies, pourquoi pas ? On peut envisager d'y réfléchir éventuellement, de faire un petit module, quelque chose dans le Mac. Enfin, tout est envisageable, effectivement. Bipod est ouvert et je crois que ce sera un petit peu notre labo dans un premier temps. On testera des concepts et on essaiera de lancer des émissions et de voir ce que ça... Comme l'anus de Stetson, ça. N'importe quoi. Ouvert. Ouais. Ouais, pardon. Bref, merci Chaud pour ce commentaire très joli. Donc, bref, revenons à nos jeux. Ah, écoutez, bon. Donc ça, voilà, c'est pour les projets à venir. On réfléchit à plein de choses. Et d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre ou proposer des thèmes, des sujets qui vous intéressent, débattre avec nous, n'hésitez pas. Venez sur le site, on est absolument ouvert et... On répond à tous les commentaires. Évitez de parler à Chauve, hein. Il est beaucoup si moins... Si vous voulez l'insulter, je rappelle l'adresse email, c'est chauve@bipod.be. Bah, bon... Voilà. Donc, bref. D'ailleurs, est-ce qu'on a dit l'adresse du site, en fait, au moment d'entrée ? Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr. J'ai un doute. Je réécouterai, sinon je la mettrai en écrit. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur bipod... www.bipod.be. Donc, je répète, www.bipod.be. C'est le site qui centralise un peu tous nos projets et qui... Voilà, vous pouvez nous suivre et avoir les nouveautés sur les podcasts, sur le contenu rédactionnel et autres. Donc, avant de venir au contenu rédactionnel, j'aurais juste une petite incartade. Il y a également une autre section qu'on a ouverte sur Bipod qui s'appelle le MAG. On a mis longtemps d'ailleurs, je crois, trouver ce nom-là. Donc en fait, le MAG, qu'est-ce que c'est ? C'est parti du fait que j'ai, pour tout vous dire, enfin, en tout cas moi, je ne sais pas si mes collaborateurs, c'est la même chose, j'ai pas mal d'idées en tête, pas mal de choses que j'aimerais bien faire, dont j'aimerais bien parler, et pas nécessairement que ça devienne des émissions récurrentes. Mm-hmm. Genre, par exemple, j'ai déjà fait 2-3 interviews de podcasteurs, il y en a une qui devrait arriver très bientôt, la personne attend depuis très longtemps que je la publie, mais désolé, j'ai été très occupé par l'ouverture de nouveaux sites. J'ai une personne que je connais, que je côtoie, qui aimerait bien essayer de commencer à réaliser quelques petits documentaires. Enfin, il appelle ça des web documentaires, mais à son échelle. Donc, ce genre de concepts qui ne sont pas des émissions régulières qu'on retrouverait toutes les semaines, tous les mois, sur un sujet bien défini, qui seraient plus des petits reportages, des petits magazines bien particuliers sur un sujet bien typé et qu'on diffuserait. Mmh. Également sur notre portail. Je pense que ça pourrait apporter un petit plus, et donc c'est dans ce optique-là qu'on est parti sur la création de la section Le Mag. Donc d'ailleurs, si vous aussi, mes deux collaborateurs, vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous avez envie de tourner quelque chose, le matériel est là. Quand j'aurai la caméra, je peux vous la prêter, vous prêter les micros, il n'y a aucun souci. Voilà, je sais que Chauve a envie de réaliser notamment une vidéo sur le football club de Chaltin. je suis sûr que c'est sa passion. C'est sûr. Donc, sur les vestiaires, surtout du football club. Ah oui, quand t'es... C'est pas le football club de Chaltin, c'est le... Je sais pas, moi. Enfin bref. Oui, bref. Chauve est passionné des vestiaires de foot. Ah. Non, mais bah, je pense que ça pourrait aussi apporter une petite patte en plus. J'ai notamment un projet sur la cuisine qui est dans le carton... Je vous expliquerai plus en détail quand ça arrivera. Pour le moment, moi, j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est pas encore fait. Voilà, donc ça c'est pour présentation générale de Bipod et de ses podcasts, de ses contenus audio et vidéo. Mais alors, en créant Bipod, on s'est dit aussi que ce serait bien d'apporter en plus des contenus audio et vidéo, du contenu rédactionnel. Et vu qu'on a quelques belles plumes parmi nous, notamment, bon, je vais être obligé de le dire, j'ai pas le choix. Hein. Monsieur Chauve, oui, a une plume assez incisive et poétique. J'aurais pas été jusque-là, mais bon, si tu veux, vous pouvez vous faire une idée. Il y a déjà des articles qui ont été publiés par lui sur bipod.be, donc n'hésitez pas, allez-y, hein, vous pouvez vous faire une petite idée. Donc, Chauve, je ne sais pas si tu as envie de parler un peu de ça, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Est-ce que tu as un objectif particulier par ce contenu rédactionnel, ou c'est ce qui te passe par la tête au moment où ça te passe par la tête, ou... Oui, c'est plutôt ça, ce qui me passe par la tête quand ça arrive, et essayer de parler de sujets pas forcément liés à l'actualité ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai publié un truc sur une série qui date de 2 ans maintenant. Mais Dead Set. Mais hein? Dead Set. J'avais hanté d'autres choses. Bon. Ah non, c'est... Oui, non, excuse-moi. Ouais, c'est parce que j'ai vu un anime qui s'appelait Dead Live et j'ai confondu. Oui, ça. Et donc voilà, c'est du geek en général, mais... C'est ce que tu vois, ce que tu joues, ce que tu entends, ce que tu... Oui, et puis j'essaye toujours de traiter ça... Avec un petit peu d'humour, si ça peut faire sourire, c'est pas plus mal, ça mange pas de pain. Et je crois, franchement, moi personnellement en tout cas, son humour, on va dire écrit, à la plume, est un petit peu moins scabreux que son humour audio. Ouais. Ah si, si. De temps en temps, tu lis pas, tu vas même pas sur le site. Bah si, ah, j'ai lu tes articles. Il a même mis un commentaire sur son podcast à lui, mais il a mis... C'est ça. J'ai répondu à une question. Ah, par exemple, ici, bon, pour Chauve, pour le moment, on peut retrouver une petite chronique sur la BD Kaamelott. On peut retrouver un article sur les Kennedy, la série. Et donc sur Dead Set. Et pour le moment. Tu peux peut-être l'utiliser sur les articles à venir ? Ou t'as pas encore de. J'ai un petit papier en préparation que je n'ai pas encore commencé. Qui est en préparation dans ta tête. Justement sur un vieux jeu vidéo. Mais j'avais parlé du 3, je pense, ou c'était sur le forum, c'était peut-être pas sur dans un BGS, Tropico, et j'ai acheté la réédition des deux premiers, mais qui date déjà de 10 ans. Donc pour le moment, je joue à ça. Ouais, donc vraiment, t'as l'impression sur ce que tu joues, ce que tu fais, ouais, ce que tu vois. Je pensais, je pensais l'incorporer dans une rubrique un peu vieillerie, mais ce sera écrit, filmé, j'en sais rien encore. Donc, peut-être les deux. Je sens qu'on va pouvoir s'entendre et en discuter plus longuement. En même temps, j'en ai pas 150 en projet, mais... Non, mais je pense qu'on... Vous n'allez pas reparler de Démon et Manon? Oh, bien sûr que si. Bien sûr que si, attends, ça c'est... Ça... C'est le sujet dont je veux parler depuis le début du BGS. D'ailleurs, on en a parlé dans le numéro 0. Il n'est jamais sorti. Jamais, voilà. C'est dommage parce qu'il était pas mal hein, comme sujet. On l'avait bien vendu. Je pense que dès maintenant, on reviendra dessus, c'est une certitude. Mais je sens que Chauve tient un truc là avec le Lise et on va en reparler hors antenne. Ouais. Donc attendez-vous encore à de nouveaux projets, de nouvelles expériences sur Bipod. Ça va être vraiment le laboratoire. Et du sexe à plusieurs. Et voilà, donc Chauve est accessoirement... responsable, c'est un bien grand mot, mais... Rédacteur en chef. Oui, si tu veux, on peut dire ça, allez. C'est plus facile de l'appeler rédacteur en chef que responsable. Ouais, oui, parce que responsable, il est rédacteur en chef. Bon, il gère pas du tout ce qui est podcast, il est pas du tout webmaster, il est rien, mais bon, bref, il est rédacteur en chef. Je suis rédacteur chef. Parce qu'il aime bien ce terme-là. Et voilà, donc si vous voulez écrire pour Geeks League... C'est à moi, par moi qu'il faut passer. Pour Bipod, pourquoi Geeks League, moi c'est l'interview qui va arriver et qui me perturbe. Donc si vous voulez écrire pour Bipod, je sens que Wally va être content, n'hésitez pas à contacter Monsieur Chauve ici présent. Donc je répète l'adresse comme ça, tout le monde l'a ton adresse, hein, c'est chauve@bipod.be. Ouais. Même si je pense pas que tu vas la consulter très très souvent. Non, mais je vais l'ajouter dans Gmail. Oui, exactement. Mais Stetson aussi a son adresse, hein, Stetson@bipod.be. Vous pouvez me contacter sur kirby@bipod.be. Il y a l'adresse générale qui est contact@bipod.be. Enfin... Il y a Draven qui est disponible, tout le monde est disponible sur Bipod. Et voilà, donc bah, Bipod, donc, pour résumer, c'est du podcast, pour le moment audio et de la vidéo qui arrive, des mags pour essayer de faire des petits reportages, plus des one-shots, des choses comme ça. One-shot, c'est le mot que je cherchais. Et du contenu rédactionnel, le tout pour le moment axé geek, mais bon, on n'est pas contre l'ouverture et éventuellement d'autres choses qui peuvent arriver. Hein. Stetson, si tu as envie de nous parler voiture, faire quelque chose sur la Formule 1, n'hésite pas. Hein. On pourrait commenter les Grands Prix, tiens. Oui, en live. Sympa. Non, ouais, ça pourrait être. Ouais, ou même en live. Même en live. Hein. C'est vrai qu'on pourrait y réfléchir. Ouais. Ça, en plus, ça rendrait les Grands Prix plus intéressants. Maintenant, je me pose une question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée? Parce que je ne trouverais plus jamais le temps de tout faire. Ah, ça. Ah, ça nous ferait des gros dimanches avec Télécom. Hein. Grand Prix, Télécom. Avec celui sur BD qui va arriver, je m'occuperai de 3 podcasts. Si Chauve me propose un truc sur les oldies que je produis sur le oui, mais ça n'aura vidéo, ça n'aura rien de régulier. Et qu'on fait un truc sur la Formule 1, j'ai plus de vie. Mmh. J'ai intérêt à gagner ma vie avec Bipod. Donc, bon. Alors, on va te prostituer, hein. Ça prend pas beaucoup de temps par jour. Ouf, oui, non. Mais bah, tu peux te prostituer ici. Qu'est-ce que tu veux qu'avec mon physique fasse soit. En commentant Télécom, je me ferai prendre par des vieux de 40 ans qui... De quoi? Les riches de 40 ans qui ont envie de se faire un petit jeûne. C'est quoi vous parlez? J'ai zappé pendant quelques secondes et... De prostitution. Ah, d'accord. Bah putain, c'est mon créneau, ça, normalement. Mais il dit qu'il lui manque de temps et d'argent, donc la prostitution, ah, ça oui, prend okay, pas trop de temps. S'il faut, j'ai un chien aussi. Si les gens aiment bien les chiens de 5 kilos tout blancs, qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se... Ah, ça doit lui l'intéresser. Hein. Ça va aller, ouais. Chauve, non, il préfère les enfants. Il préfère les petits garçons. D'ailleurs, ça me tracasse parce que, bon, on va quand même être parrain de ma fille, donc je commence à me poser des questions. Ouais, mais bon, voilà quoi. T'aimes bien les enfants quand ils sont pas de ta famille et de ton. Mm-hmm. C'est ça en fait. Ouais, ouais, ça. Voilà. Les petits Thaïlandais par exemple. Ou les Cambodgiens. Bon, on va arrêter là parce que les gens vont encore nous dire qu'on est vulgaire, etc. Ouais, donc, Bipod, donc, c'est tout ce que je viens de citer. Et alors, bon. Pour, disons, pour plusieurs raisons, pour un, essayer éventuellement d'avoir un petit peu de monnaie, hein, pour faire des éventuels investissements ou rentrer dans nos frais, et aussi pour pouvoir faire un peu de promo et de pub et montrer que vous nous aimez, on a également ouvert une boutique, que vous trouverez la bannière. Où Stetson vend son corps. Non, ça s'appelle Live Stetson. Mais non, mais on t'a vendu, toi. C'est Live Stetson, vous avez ouvert 24 heures sur 24. On a mis des caméras chez toi, en fait, t'as pas remarqué. Non. Vous entrez votre numéro de carte Visa et vous voyez Stetson en live toute la journée. Oh. Donc c'est pas compliqué, il se lève à 14h, il s'assied devant la Xbox, il joue en mangeant un paquet de chips, et puis à 18h, il se dit, zut, j'aurais dû aller au cours, je suis à la bourre. Il se lève, il monte dans sa mini orange tapette. Et... Bon, bref, je vais arrêter là parce qu'il va... Il va me tuer, je le sens. Ouais, en ce moment, c'est plutôt à la PS3 que je joue. Ah, et puis je me lève un peu plus tard quand même. Mais il enlève l'Xbox, il est PS3. Un peu plus tard que 14h. C'est tôt, 14h. C'est vraiment un gros geek. Bon, bref. Donc, il y a, je disais, cette boutique où vous pouvez retrouver des différents articles Bipod qui sont créés, j'ai oublié de le citer, par Ben, qui est notre graphiste, entre guillemets, attitré, je vais dire, parce qu'il a créé le logo Bipod, il a créé la bannière de la boutique, et il s'occupe depuis peu de gérer la boutique et de proposer des articles de qualité. Donc, lui, il est graphiste de profession. Et, parce que nous, on n'est pas fort doués. Non, on n'est pas très doués en graphiste. Hein. C'est pas vraiment mon créneau, ni celui de Stetson. Non. Chauve, je crois pas non plus. Je l'ai été, mais non. Doué ? Non, tu t'es démerdé en graphisme. Ouais. Ouais. Par exemple, Ben est quelqu'un de doué. Ouais. Hein, pour le logo Bipod, on s'est réunis un soir et on lui demandait de changer de couleur toutes les deux secondes et nous renvoyer logo sur logo sur logo. Il fait ça à une vitesse assez ahurissante. Hein. Bon, bref, donc c'est lui qui a créé tout ça, qui s'occupe de la boutique pour vous proposer des articles de bonne qualité, quoi, des articles... beau à regarder, voilà. Que vous n'aurez pas honte de porter, donc vous n'aurez pas honte de porter les couleurs de Bipod. Voilà, donc je crois qu'on a fait un peu le tour de la présentation. Donc juste avant d'appeler notre ami Draven pour qu'il parle un peu de son expérience parmi nous et de ce qu'il va nous proposer, son cours. je vais juste refaire un rapide récapitulatif des membres actuels de l'équipe. Vous savez un peu qui fait quoi et qui est quoi. Alors, donc nous avons moi-même Kirby, je vais pas me faire chier, je vais commencer par moi. Hein. Maître en chef. Voilà, maître en chef, hein. Gérant de Bipod. Hein. Dieu. Je suis le patron, on va dire. Allez. Mm-hmm. Bon, bah bon, à l'origine du projet, je préfère ce terme-là. Non, c'est plus. Créateur original. Créateur, voilà. Donc, bref, je fais un créateur de toutes choses. Je vais pas vous énumérer tout ce que je fais sur Bipod parce que je crois que je touche à tout, là. Je crois que là, s'il y a bien quelque chose qui va me forger une expérience dans tous les domaines, c'est bien Bipod. Parce que je fais aussi bien du développement web que de l'encodage audio, du vidéo, du marketing. Du proxénétisme. Du proxénétisme, enfin je fais de la technique audio, je fais un peu de tout. Sinon, ben, je suis l'animateur du BGS, de Télécom, et bientôt du podcast sur la bande dessinée, dont le nom n'est pas encore totalement arrêté, il faut que j'en discute avec mon ami Chauve. Oui, parce que moi, j'ai aucune idée. Mais j'ai une idée, je vais t'appeler, je te dirai tantôt. Voilà, c'est ma présentation, c'est rapide. Ouais, c'est vrai que j'avais noté producteur, animateur, webmaster, rédacteur en chef, monteur. Il aime bien se J'aime mousser. Bien, mais... Il aime bien se faire un peu mousser. Je vais faire un test, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec des copains. Donc, j'aime bien me masturber, faire comme ça. Normalement, vous avez entendu un bruit plus ou moins de masturbation. Donc, bref. Oui. Mais ils ne savent pas ce que t'as fait. Pour eux, peut-être que tu t'es masturbé. Bah, tout à fait, je me suis dit. Vite. J'adore me masturber. Bref. On n'a pas dit qu'il avait fini. Nous avons le gros Stetson. Un doigt d'honneur. Désolé, mais c'est tentant. Il a une queue du pied en plus. C'est chaud, bah, il ne peut rien m'annoncer. Donc, bref, nous avons Stetson, qui est le responsable de 24 FPS, du podcast 24 FPS. Je suis pas responsable de lui. Alors. Qui est censé être à l'origine du projet Bipod avec moi, bien que j'en doute de plus. Non, il est à l'origine avec moi du projet Bipod. C'est moi qui ai trouvé le nom. Et c'est lui qui a trouvé le nom Bipod. Tout à fait. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Bon, faut avouer que pour le moment, je vais être gentil pour une fois avec toi. Stetson est en examen. Il arrive à une période très difficile puisqu'on arrive en approche du mois de juin et il va terminer son année. Donc c'est vrai que t'as pas beaucoup de temps. Donc ça, je dois te le reconnaître. J'espère que pendant les grandes vacances, tu auras la possibilité de plus t'investir dans Bipod. Je précise que je suis en examen aussi, mais en plus j'ai un métier. Mais bon. Mais bon, non, pas la même chose. Toi, tu fais éducateur. Bah, c'est pour les glandeurs. Lui, il est informaticien. Bah, tiens. Bon. C'est moins pour les glandeurs. Donc, il est présentateur et producteur, on va dire, de 24 FPS. Et chroniqueur, on va utiliser ce terme-là, même si je ne l'aime pas, sur BGS et sur Télécom. En effet. Voilà. Alors ensuite, nous avons mon ami Chauve, qui est en face de moi. Bonjour. Qui a une posture très sexy. Dommage qu'il n'y ait pas de caméra, d'ailleurs. Donc, Chauve, il est animateur sur le BGS. Certes. Enfin, connard, oui. Oui, voilà, c'est le connard de service sur le BGS. Celui que vous entendez dire des insultes et des obscénités tout le long, c'est lui. Qui est en train de jouer Angry Birds, c'est lui. Non. Ah, je consulte ma fiche de paye sur Internet. C'est vrai que c'est un bon. Bah écoute, je t'écoute, hein, voilà. Il sera donc présent avec moi devant la caméra pour le podcast sur la bande dessinée qui va arriver un jour. Je ne vous promets pas pour tout de suite, oui, hein, ça va prendre un certain temps quand suite, même, non. Mais on va y arriver. J'aimerais bien qu'il arrive en rôle l'été, avant les grandes vacances quand même. Faisable. Ensuite, il est également rédacteur en chef, puisqu'il aime bien ce terme-là. Donc, c'est lui qui gère tout le contenu rédactionnel, qui corrige les vilaines fautes d'orthographe. Ouais, ça, j'ai pas encore pris le temps d'appeler. Quand, voilà, quand il a le temps, j'allais le dire. Et qui veille à ce que Bipod soit bien écrit. Et surtout, au-dessous de tout soupçon au niveau moral. Oui. On va parler de notre bord pirate, de nos... Bah. C'est ton chien. Donc mon chien fait du bruit. Vous ne savez pas si vous entendez une respiration bizarre dans les micros, mais c'est mon chien fait du bruit. C'est le surpoids. Il est en train de mordre son jouet, si tu veux tout savoir. Ah d'accord. Voilà, donc bon, comme ça vous savez qu'on enregistre chez moi. Bref, donc ça c'était pour show. Ensuite nous avons Draven, que nous allons avoir par Skype d'ici quelques minutes, qui travaille donc avec nous, qui est chroniqueur pardon, sur Télécom, le premier chroniqueur qu'on me l'expliquait. Et qui fait également du contenu rédactionnel, puisqu'il a un blog, il tient un blog, et on lui a proposé, puisqu'il écrit pas si mal que ça non plus, de venir écrire quelques articles pour nous. Il a accepté avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est le seul qui m'appelle patron. J'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous commenciez également. Je crois pas que ça va arriver. Mais couille. Donc ensuite, on a Thomas, qui nous a rejoint récemment, et qui est chroniqueur sur Télécom également. Et avec grand plaisir que nous l'accueillons. Il apporte une petite touche en plus, on va dire. Et alors la dernière, la dernière, last but not least, nous avons Monsieur Ted, enfin Shadow Ted si on veut être précis, mais ouais. On l'appelle Ted, qui vient de nous rejoindre et qui va faire du rédactionnel, et pourquoi pas, futur projet jeu vidéo, c'est en réflexion on va dire, il y réfléchit et je pense que j'ai envie de le mener à bien ce projet jeu vidéo. Donc voilà, donc lui nous proposera surtout des articles sur les jeux vidéo, mais également manga, animation, puisque... C'est un sujet qui l'intéresse. Ah oui, Chauve. Oui. Tu n'as pas précisé ça. Pour écrire, tu vas plutôt écrire sur des sujets en particulier, parce que tu n'es pas très animation, manga, pas très high-tech. plutôt cinéma, série. Ouais, moi c'est plutôt ça, cinéma, série, musique éventuellement, littérature, sexe à plusieurs, sexe interracial. voilà. Après, j'ai une tendance un peu à me disperser, mais il faudra peut-être que je réactive mon blog personnel pour ça, parce que ça risque de pas voler très haut. Oh, mais non, mais tu peux poster ce que tu veux sur Bipod, tant que c'est du contenu, on est content, nous. Hein. Ça nous amène des visiteurs, ça nous fait gagner plein de fric, parce que tout le monde sait qu'on est vénal, qu'on se fait des millions avec le podcast. J'ai déjà du mal à payer un casier de bière pour venir boire ici le soir. Bon. Sur ces bonnes paroles, on va peut-être appeler Monsieur Draven pour qu'il puisse un peu parler de lui, se présenter. On va discuter un peu avec lui. Stetson le connaît déjà, parce que le connaît même très bien, parce qu'on passe parfois de longues soirées de dimanche soir à discuter après Télécom. N'est-ce pas ? En after de sujets divers. Télécom dure 1h30 et on discute 3h. Voilà, en gros, on discute le double de l'émission par après, en fait. Moi, j'aime bien, on passe un bon moment à chaque fois. Et Chauve ne le connaît pas encore, mais voilà, tu vas pouvoir faire connaissance avec lui. C'est un français, donc tu vas l'insulter directement. Si tu veux bien mettre ton casque, monsieur Chauve. Mais qu'il n'est pas canadien. Ouais, on appelle monsieur Draven et j'espère que ce coup-ci, ça n'a pas posé de problème technique. Vous entendez Skype qui compose. Très magnifique sonnerie de Skype version Mac. Elle est meilleure sous Windows quand même. Ah, c'est pas la même sous Windows. Allô. Allô, bonsoir. Ah, voilà, monsieur Draven est parmi nous. On applaudit monsieur Draven. Ouais. Alors, comment tu vas ? Ça va, très bien, très bien. Ça va, la soirée se passe bien ? On ne t'a pas appelé trop tard ? Non, c'est cool, il n'y a pas de souci. Parfait, alors. Donc, on vient de présenter, en fait, ici Bipod. On a essayé de faire très sommaire, mais en fait, on a fait très long, comme à notre habitude. Hein. C'est une mauvaise manie chez nous. Mm-hmm. Donc, on t'a présenté, toi, par la même occasion. On a parlé un peu de toi. Hein, Et donc, Peut-être présente-toi tout d'abord pour nos auditeurs, explique un peu qui tu es, parle-nous peut-être de, je sais pas, donne l'adresse de ton blog. Ok, alors... Vas-y, n'hésite pas. Ok, cool. Alors, oui, j'ai un blog, effectivement, qui se nomme Draven's World, dont l'adresse est Draven's World, donc ça s'écrit DravensWorld.net. Oula, il y a un nom de domaine. Et oui, il y a enfin un nom de domaine. C'est la révolution. Ouais, j'ai investi, ouais. Il faut savoir que depuis, c'est vrai qu'on chérit avec ça sur tous les télécoms depuis le début. C'est clair. Parce qu'avant, c'était dravensworld.blogspot.com. Mmh. Tout à fait. Ouais. Et disons qu'on se moquait un petit peu du fait qu'il n'y ait pas de nom de domaine. C'est une adresse qui fonctionne toujours, d'ailleurs. Donc, les deux adresses fonctionnent, voilà. Mais le point .net est quand même plus classe, hein, tu l'avoues. Ouais. Ouais. Bon, mais content de t'avoir parmi nous, parce que surtout qu'à la base tu ne devais pas venir. Donc, si j'ai bien compris, t'as des mauvais potes qui t'ont fait faux bond. Ouais, en quelque sorte, ouais. Bon, des genres de chauves. Voilà, ah oui, juste une parfaite présentation, excuse-moi. Tu connais Stetson évidemment, puisque oui. On présentait comme ensemble, mais tu ne connais pas Chauve et j'ai oublié de te présenter. Bonsoir, salut. La petite voix suave et sensuelle que tu viens d'entendre, c'est Monsieur Chauve qui anime le BGS avec nous. Ok. On m'a dit que tu étais français. C'est exact. C'est vrai? C'est pas trop dur à vivre au jour le jour? Ça va, je m'en sors pas mal. Ça va alors. Désolé, mais bon, on t'avait déjà parlé de lui, donc tu t'attendais au personnage. Hein. Ouais, non, mais de toute façon, j'ai écouté tous les BGS précédents, donc il n'y a pas de souci. Donc tu sais que tant que t'es pas canadien, ça va. Bon, français, c'est pas top, on est d'accord, mais ouais, si c'est pas canadien, faire. Ok. En même temps, okay. Il n'a plus rien, il n'a pas choisi. Hein. Ouais, ah, c'est non, bah, quand même. Quoi. D'ailleurs, il a choisi, il va s'expatrier en Belgique. Quand Bebot fonctionnera bien, il a prévu de venir vivre avec nous. Ah ouais, clairement, ouais. Tu peux l'annoncer, c'est bon, hein, là, tu peux l'annoncer à l'antenne, ta famille l'apprendra comme ça. Ok, c'est cool, ouais, mais j'ai commencé à remplir les papiers, tout à fait. Tu vas être naturalisé belge très bientôt, c'est bien ça. Donc, bon, nous on t'a présenté évidemment, on n'a pas parlé de ton blog, mais tu viens d'en parler. On t'a présenté comme chroniqueur sur Télécom. Ouais. Depuis le premier numéro, tu n'as pas participé au zéro, mais tu as participé dès le premier numéro. C'est vrai. Tu as juste été absent une fois, et ça c'est noté quand même dans un carnet. Au bout de 3 absences à justifier, n'oublie pas que... C'est un jour de retenue. Ok. Je ferai attention. Voilà, donc prochaine fois, certificat, s'il te plaît. Non, 3 absences et tu vas le voir et tu le punis. Ah oui, Chauve vient te voir et te fait la punition du Chauve. J'attends ça avec impatience. Ouais, je suis pas trop impatient quand même. Non, à ta place, je serais pas vraiment impatient. Ok. Et donc, par la même occasion, tu as aussi accepté de faire un petit peu de contenu rédactionnel sur Bipod, alors, puisque... Oui, tout à fait. Tu écrivais déjà sur ton blog à l'origine, et on s'est dit, ouais. Pourquoi pas, une petite... Carrément. Une belle plume qui nous rejoint. Mm-hmm. Bon, Chauve veut garder l'expression « belle plume » pour lui. Hein, oui, forcément. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour Draven, alors? Qu'il écrit pas mal, c'est ça? Comme un français. Comme un français, mais qui ne fait pas trop de fautes d'orthographe, c'est ouais, ça? Ouais, voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Et toi, tu vas plutôt écrire sur quel type de sujet? Eh ben, j'ai pas encore totalement décidé, mais... Ouais, mais non, un peu de sérieux quand même. D'accord. Alors, je vais donner mon avis sur des sujets divers, hein, concernant la culture geek. Je pensais revenir peut-être sur des vieux trucs, je sais pas, des vieux films, des vieux jeux, des machins comme ça... C'est ce qui me trotte un peu dans la tête. Tu t'entendrais bien avec Monsieur Chauve qui vient juste à l'instant. Bon, tu n'étais pas en ligne, tu peux pas savoir, mais de nous parler d'une idée qu'il avait sur les vieux jeux également pour un podcast. Enfin, il faut encore qu'on en discute, mais ouais. Il a des idées de cet ordre-là aussi. Et est-ce que tu t'intéresses au sexe interracial à plusieurs? Ah oui. Oui. Ah ok, on va être potes, c'est bon. T'es français, mais ça ira, c'est pas grave. Okay. Ça irait de. De passer outre. De zapper ça de mon esprit. Je vous laisse poursuivre. Moi, j'ai une autre question subsidiaire quand même. Est-ce que tu connais Démon et Manon? Ah non, ça va. Oh. Là, tu les déçois. Là, par contre, tu les déçois. Ah ouais. Donc, pour nos auditeurs, Démon et Manon, c'est un jeu, vous pouvez chercher sur Internet. Un mauvais vieux jeu. Il est disponible. Quoi? Il date de 1995. Non, ce n'est pas un vieux jeu. 96 ou 97. S'il te plaît. Non, il a été créé en 95. Ouais, enfin, il est sorti chez nous en 97, ouais, il a été créé en 95. Ok. Mais bref, vous le trouverez en abandonware si vous voulez sur internet. Mais qui voudrait? Chauve et moi on adore. Et d'ailleurs, je l'ai là, il est là, voilà, dans mes étagères. Mais c'est un jeu que Chauve et moi on adore et je pense qu'on fera encore on refera un sujet dessus un jour, ça c'est sûr. On fera un podcast D'accord. vidéo dessus. Un podcast vidéo sur des mois maintenant. C'est des fans. Hein. On fera niveau si par tu niveau. Tu ne peux pas l'entendre. Ça va durer 60 heures. Il y a combien 30 niveaux, c'est ça 30 et... Ouais, 30 niveaux, donc raison d'une heure et demie par niveau. Voire de 5 heures. Voire de 5 heures pour les derniers. Enfin bref. Bref, revenons à nos moutons. Donc tu ne connais pas des mois maintenant, donc c'est déjà un tort, effectivement. Je suis déçu. Donc bref, toi tu es donc chroniqueur sur Télécom. Ouais. Est-ce que tu... Bon, j'avais juste envie de te demander de revenir un tout petit peu sur l'expérience Télécom. Et de dire ce que tu en avais pensé. Alors si tu as envie d'insulter Stetson, surtout n'hésite pas. Et j'en ai pas l'intention. Bah si, vas-y, mets-toi dans le bain. Quoi. Non, je, bah, en fait, j'écoutais déjà des podcasts consacrés à l'actualité tech et moi-même, de mon côté, je me tiens au courant au jour le jour de tout ce qui se passe dans ce petit monde-là. Donc, c'est vrai que quand l'occasion s'est présentée, j'étais ravi de pouvoir essayer. Je savais pas, j'étais pas sûr de pouvoir suivre. Je savais pas si je me tenais assez au courant pour que ça en vaille vraiment le coup. Mais visiblement ça se passe bien. Ouais, c'est cool. Et je suis content, justement. Bah, je suis très content de pouvoir discuter avec vous régulièrement de ce qui se passe dans ce milieu. Ça bouge tout le temps, c'est super intéressant et vraiment, je suis ravi. C'est bien, moi c'est un retour positif. Hein. Ouais. je m'attendais à pire. Je m'attendais quand même à ce que tu insultes un petit peu Stetson parce qu'il le mérite. Mais par contre, il t'insulte toutes les deux semaines. Quand tu pars, vu que tu pars souvent avant nous. Ah, après, quand vous restez tous les deux. On fait que t'insulter. Quoi. Ah ouais, on te pourrit, ouais, c'est clair. Bon, ben merci Draven. Donc je vais raccrocher là alors. donc te laisser. C'est pas la peine de venir dimanche pour le prochain Télécom. Ah. Ni le dimanche à venir d'ailleurs. Ah merde. Tu peux. Ouais, on est à la messe. Tu peux oublier mon Skype et. Ouais, voilà, on va faire un podcast sur le jour du Seigneur. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant pour les gens. C'est sûr. Bon, ben salut. ciao, c'était cool. c'est pour rire, évidemment, tu t'en doutes. Tu connais un petit peu l'humour belge, comme on dit. Ah, hein. Ouais. Oui, je suis fan, même. Ouais. D'ailleurs, quand est-ce que tu viens vivre en Belgique? J'en sais rien du tout pour l'instant. J'ai rien de ce genre au programme, mais c'est vrai que il faudrait prévoir ça. Au lieu de te déguiser en albator et en chirurgien, en docteur Ross chez toi. J'ai pas vu, moi, ça. Mais je te montrerai les photos. Mais viens vivre en Belgique au lieu de te déguiser comme ça et de... Ouais, on en a déjà discuté une fois. Hein. Faudrait que j'ouvre une antenne peut-être de la société pour laquelle je travaille en Belgique. Et là, si j'arrive à convaincre mon patron... Oui, parce que Draven m'a quand même dit par email qu'il rêvait depuis tout petit de participer à BGS. Ah ouais, c'est ça. Depuis tout petit. Ouais, donc ça veut dire qu'il a un an, grosso modo. T'as vieilli très vite, en fait. Ouais, je suis un clone, c'est pour ça. Ah d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux maintenant un peu tout. S'explique. Tout s'explique, tout, je me dis. Donc, je suis déjà content parce que tu as une expérience positive sur Télécom. Ouais. Même sur le dernier où Thomas nous a rejoint, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bah carrément, ouais. Et en plus, le son s'est amélioré au fil des épisodes. Et justement, dans le dernier où on est à 4, je trouve le. Enfin, c'est vraiment bien équilibré, on entend bien tout le monde, c'est chouette, quoi. Merci. Pour une fois qu'on me jette des fleurs quand même, c'est pas mes deux compatriotes ici présents qui me jettent des fleurs parce que je suis en train de faire ici en direct con, devant eux. C'est vrai que c'est parfois un peu laborieux, mais au moins j'arrive toujours à trouver des solutions. Hein. Mm-hmm. Bon, il faut pas de commentaires, merci les amis. Hein, au moins Draven il me soutient. Hein, Mais Draven n'a pas subi les premiers BGS. Oui, c'est vrai, il n'était pas là au début, il n'a pas connu un peu toute cette période noire, mais bon. Il a quand même été là pour le premier télécom. Oui, il n'y a pas eu de problème. Hein, il a été là sur un télécom notamment assez épique. Bon, je ne reviendrai pas dessus, mais ça a été assez élaboré. On a dû enregistrer en 3 fois. La famille. C'était très très bon. Des histoires de famille, des histoires de problèmes techniques aussi. Il y a eu vraiment un ensemble de choses. Ouais, c'est clair. Enfin bon, bref, on ne reviendra pas là-dessus. Donc, donc toi maintenant, tu es membre de la part entière de Bipod. On t'a accepté parmi nous, on t'a adopté, ça y est, on a envoyé les papiers. Fantastique. Tu peux te marier avec Chauve, comme ça. Non, Chauve était son père. Okay. Voilà, t'es adopté par Chauve, c'est ton père. D'accord, ça promet. Donc maintenant, il va te mener à la baguette, il va t'éduquer. Il va falloir couper les cheveux et tout ça. Oula, là, il va falloir qu'on discute. Ah, il s'appelle pas Chauve pour rien. Bah, ah oui, c'est vrai. Justement, avant, il s'appelait pas Chauve pour rien, maintenant... C'est plus trop ça, hein. Il y a un peu beaucoup de cheveux maintenant sur la tête à chaud. Ouais, bon. Bref, on va pas revenir sur notre vie non plus. Donc je sais plus ce que je voulais dire maintenant avec tout ça. Des conneries. On s'en mêle et je voulais introduire quelque chose mais je ne sais plus. Parce que ce soir j'aime bien introduire. Ouais, Stetson. Introduire Stetson, non, c'est pas trop mon truc. Oui, donc bref. Donc ce podcast normalement sortira samedi. Donc toi on pourra te retrouver dès le lendemain on enregistre Télécom. Ok, ouais. Tu seras bien présent dimanche. Hein, oui, tout à fait. Ça va alors. Tu n'as pas de mots d'excuses ou de certificat. Non, pas besoin cette fois-ci. C'est parfait alors. Ça va, je peux compter sur toi, c'est déjà bien. Donc on enregistrera un Télécom certainement à la suite qui sera le premier officiellement à être présent sur Bipod. Donc ce sera une grande révolution. Ouais. Et est-ce que tu achèteras un t-shirt Bipod? C'est la question importante quand même. Ah, ça dépend des couleurs. Oh, il y a beaucoup de couleurs qui seront disponibles. Il y a un graphiste qui est en train de s'occuper de ça et de nous créer pas mal d'objets, de vêtements de couleurs différentes avec plein de logos. Faut que tu ailles faire un tour sur le site, tu verras, c'est assez sympathique. Ok, et, ça marche. Alors, dernière question, à quand un premier article signé Dramon? Eh bien, je l'attends moi-même pour ce week-end, je pense, quelque chose comme ça. Ah, pour l'ouverture? Ouais. Chauve, tu as de la concurrence. Il va falloir que. Si tu veux être en tête de liste pour l'ouverture, il va falloir que tu. Tête de liste de quoi? Le premier article. Le premier article, puisque Dramon va nous poster ce week-end à l'ouverture. Oh, Ouais, si, à moyen. Ça va être la compétition de vous deux. Hein, je m'en fous, chez Rédac-Chef, on peut le censurer, son article. Ah ouais? Eh ouais. Ah oui, c'est juste. Oui, c'est vrai, Chauvet, le rédacteur en chef, il s'occupe de la partie rédactionnelle, donc... Mais on a tous les pouvoirs, non, si on voulait... Nous, l'administrateur, c'est encore pire, on a vraiment tous les pouvoirs. Donc, on peut supprimer le compte de Chauve si on veut. Ouais, moi, je vous emmerde. Mais Chauve peut faire ce qu'il veut des articles, effectivement. Donc méfie-toi, parce que je connais, c'est un fourbe. Ah, ok, je ferai gaffe, je surveillerai de près. Attention. Et alors peut-être teasing, ou peut-être pas, parce que ce podcast sortira peut-être après, mais ton premier article sera sûr? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah, c'est, ah bah c'est voilà, un bon c'est début. Vraiment comme Chauve. C'est facile d'annoncer un article qu'on avoue que je sais pas sur quoi. C'est un très bon sujet, je pense. Oui, oui, je pense aussi. Ça peut porter très loin, comme ça, il y a matière à débat. J'en ai pas la moindre idée. Ah, je le vois comme un challenge, moi. Tu peux le voir comme tu veux. Hein. Non, mais n'hésite pas, de toute façon, poste sur ce que tu veux. Mais... Ouais, ouais. Comme tu as vu, il y a plusieurs catégories. Ah oui, j'ai oublié peut-être de préciser ça dans la présentation de Bipod. Dans les articles, on a prévu des catégories assez variées. On a prévu cinéma, séries, jeux vidéo, animation, high-tech, musique même, lecture, donc sur bande dessinée ou roman. Je crois que c'est tout, hein, Chauve, j'ai bien énuméré... Je crois, oui. Monsieur le rédacteur en chef. Donc on a vraiment prévu toutes sortes de catégories, donc n'hésite pas, s'il y a une catégorie où tu te sens à l'aise, où tu as envie de parler de quelque chose, fais-toi plaisir. Mm-hmm. Ça marche. La catégorie musique est ouverte à tous les styles? Monsieur le rédacteur en chef. Pardon? Est-ce que la catégorie musique est ouverte à tous les styles? Bah, ça dépend. À quoi tu penses? Je pense à de la douce musique que j'écoute assez régulièrement, qu'on nomme métal en général. Ça marche, ça passe. Ouais. Je crois que Chauve voulait dire toi que ce n'est pas du Lady Gaga, du. Oui, voilà quoi. Ce genre de Black Eyed Peas, ce genre de choses, ça lui va en fait, je pense. Il y a peu de chance avec moi. Ok, c'est bon. De toute façon, je crois qu'on est ouvert absolument à tout, même au niveau film. Si on a envie de parler d'un film de merde, si c'est pour les descentes, c'est pas grave, on peut en parler. Donc, Chauve est très fort dans cet exercice. Ah, surtout que c'est plus marrant. Ah oui, de descendre un film que de la clame. Ouais. Chauve aime bien les nanars. Il n'y a qu'à voir son blog, même si. Il n'a plus mis à jour depuis 8 mois. Très très longtemps, mais le dernier film que tu as chroniqué sur ton blog? C'était La Horde, je crois. Film de merde? Gros film de merde, oui. Ouais, c'est vrai. Et celui avant, c'était pas celui sur le bobsleigh ou sur le skate? Le bobsleigh? Non, je sais plus, il y avait un truc. Enfin bon, bref. Non, sur le paintball. Ah oui, c'était sur le paintball. Ça s'appelait paintball, je crois. Oui, ça s'appelait paintball, simplement. Ça s'appelle merde aussi, ça y est. Donc voilà, Chauve est coutumé des films de merde, donc n'hésite pas. De toute façon, tu postes ce que tu veux, il veille au grain. Mm-hmm. Et moi aussi. Ça marche. Un peu moins, parce que bon, Stetson n'est jamais connecté, hein, on le sait. J'ai validé un commentaire hier en attendant mon rendez-vous. Non, celui de. Un de Thomas, non? Non, le tien. J'ai vu ça hier, donc je sais que tu as validé ton propre commentaire, Stetson. C'est très bien, donc Stetson vient poster un commentaire, se rend compte qu'il n'est pas validé, le valide. C'est très bien. Tout le site. Mais pas du tout, j'étais sur mon téléphone. Bon, bref. Là, je pense que mon blog n'est même plus en ligne, en fait. Non, il y a un petit problème pour le moment, je discuterai avec toi en antenne. Mais ça, donc on attend ton premier article pour très bientôt, donc si j'ai bien compris. Je ne sais pas si mes deux acolytes ont éventuellement une question, une petite remarque à adresser à Draven. Dites-moi ce que vous voulez. Ce que vous voulez, oula. Je vais pas donner ça à Conjoie alors. Non, moi j'ai posé ma question tantôt, quoi. Mais t'as pas d'autres questions sexuelles tant que. Je sais pas, est-ce qu'il aime les petites filles ou. Non, je suis français, moi, monsieur. Justement. Belge, plutôt. voilà. Non. Non. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus, hein. c'est pas le thème du podcast. Stetson, une question pour notre ami Draven. Bon, je sais que tu le vois souvent, hein, mais ici, t'es à l'antenne, donc tu peux peut-être poser une question particulière. Mais non, j'ai pas de question particulière, hein. Je suis désolé. Oui. Voilà, Draven, il n'a rien à te demander, désolé. Ok, c'est pas grave. donc, en tout cas, tu pourras dire à tes parents que ça y est, j'ai participé à BGS. Ouais. Ça, je suis pas sûr qu'ils vont comprendre, hein, mais c'est clair. À un moment, je suis passé au BGS. J'en rêvais depuis tout petit, souvenez-vous. Je crois qu'ils vont te prendre plutôt pour un fou qu'autre chose, mais bon, bref. C'est pas grave. Ouais, j'ai déjà essayé d'expliquer le podcast à mes parents, mais j'ai fini par laisser tomber. Excellent. Je crois que je n'y arriverai jamais. Donc voilà, donc on peut, comme je disais, te retrouver donc sur Télécom. Ouais. Sur le podcast Télécom qu'on enregistrera encore ce week-end, donc il sera certainement disponible peu après ce BGS. Il suivra l'ouverture du site. On attend alors ton article, hein, de pied ferme. Surtout Monsieur Chauve qui veille au grain. Et tout à fait. Qui essaiera sûrement d'être en tête de liste pour l'ouverture. Excellent. Ok, on verra. Bon, tant que tu ne supplantes pas le BGS pour l'ouverture, sinon je te supprime ton article, purement et simplement. Je suis un chef tyrannique. Ok. Et voilà, merci en tout cas pour ta patience, parce que si tu as dû en avoir, avant que je puisse te prendre en ligne. Désolé, ouais, ça va. On a souffert de quelques problèmes techniques, malheureusement. D'accord, y a pas de souci. Merci d'avoir participé à ce BGS. On se dit à très bientôt alors pour un prochain Télécom. Ouais. À dimanche. Voilà, exactement. Je te souhaite une bonne soirée alors. Merci, de même. Ciao. On entend Skype qui s'arrête. Voilà, mais c'est pas grave, c'est justement, ça donne de l'interactivité. N'est-ce pas ? Voilà, donc on a fait un peu le tour de ce qu'était Bipod, de qui on était, de qui on travaillait. Je crois qu'on a beaucoup insisté là-dessus. Donc maintenant que vous avez un peu plus découvert qui on est, quels sont réellement notre objectif. Enfin, notre objectif, on l'a pas vraiment précisé, mais si on l'a précisé, notre objectif c'est proposer plus de contenu, de meilleure qualité, mais on ne veut sûrement pas devenir une chaîne de radio ou TV. Hein. On veut rester complètement libre, indépendant et pouvoir proposer ce qu'on veut, comme on le veut. Par exemple, même du sexe à plusieurs. Voilà, j'ai envie que Chauve puisse continuer à dire sexe à plusieurs ou merde s'il a envie. Merde, sexe à plusieurs. Merde, sexe à plusieurs. Merde, sexe à plusieurs. Stetson, merde, sexe à plusieurs. Je devrais enregistrer un jingle comme ça pour toi. Ouais. Donc on vous a présenté un petit peu Bipod, on a fait un peu le tour. Donc maintenant on va passer à l'autre rubrique. Donc on a pour invité Monsieur Wally de Geeks League, qui est un autre podcast belge. alors que Chauve me fait des signes cabalistiques très spéciaux. Donc bref, on va l'interviewer ici par Skype. C'est ta structure mentale qui me pose problème. C'est pas grave, je t'expliquerai. Donc on va l'interviewer ici par Skype et on va discuter un petit peu de l'avenir de son podcast et du podcast en général en Belgique. C'est parti. Yes. Here we go. Here we go now. Here we go now. 1-2-1-2, the Atari Group. We're geeks. We're geeks. Here we go now. Geeks, geeks, yo, yo, hello, hello, hello. Allô, allô. Oui, est-ce que tu m'entends? Ah, bonsoir. Oula, alors, il y avait du bruit autour de toi. Oui, il y a du bruit, je suis dans un café. Quelle idée de téléphoner dans un café. J'ai pas internet pour l'instant, donc voilà, je suis en plein déménagement là. Ah oui. Y a pas de soucis. Voilà, on a enfin réussi à t'appeler. Désolé pour le retard, mais on a eu quelques petits soucis techniques. Oui. Ça arrive souvent. je vais présenter mes acolytes, hein, que tu fasses quand même connaissance. D'accord. Donc, avec moi, il y a Monsieur Chauve. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Tu l'as entendu, ça va, tout fonctionne bien. Très bien. Tout bien, tout marche bien. Ouais. Voilà. Alors Monsieur Chaud, c'est un peu le on va dire le troublion de la bande. Ouais. Non. C'est si t'entends des mots un petit peu scabreux ou des vannes un petit peu pourries, c'est lui. Et si je t'insulte, y a rien de personnel. C'est qui t'aime en fait. Non, voilà. Il ne t'insultera pas, mais il est un peu rude. Un peu extrême dans son humour parfois, on va dire. Je préfère te prévenir. Et ensuite il y a Monsieur Stetson, un peu moins extrême, voilà. Bon, c'est plus gros par contre. Bonsoir. Voilà, un peu moins extrême, mais plus gros, exactement. Et voilà, donc c'est mes deux co-animateurs pour le podcast BGS. D'accord. On va essayer de t'inviter pour discuter un petit peu, pour que tu nous présentes d'abord Geeks League, et puis qu'on discute peut-être un petit peu de l'avenir du contenu web en Belgique, des podcasts, etc. Ça va ? Ouais, pas de souci. Tu es prêt ? Tu es en forme ? Je suis en forme. Alors, je parle tout seul dans le bar, là, ça va, il n'y a personne, donc oui, ça va. Peut-être des gens qui vont débarquer pour voir ce que je fais. Ça va, les gens ne te fustigent pas, je n'arrive plus à parler du regard. Non, ça va, il n'y a personne dans la salle où je me suis mis, mais on doit m'entendre. Les gens, on peut se demander pourquoi il y a Zozo qui parle tout seul dans son bar. Mais... J'ai ma bouche près du micro pour que vous m'entendez bien, donc voilà. Bah ça va, on t'entend bien, enfin, je ne sais pas si mes amis t'entendent. Mais... Ouais, c'est vrai que vous m'entendez bien, il y a la musique derrière, mais je ne peux pas faire autrement. Oh, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Écoute, avant de commencer un peu la discussion, on va peut-être parler un petit peu de toi et de Geeks League. Donc si tu savais nous présenter, nous résumer un petit peu ce qu'est exactement Geeks League, ce qu'est le blog, le podcast... Alors, Geeks League, c'est né il y a plus ou moins un an et demi, donc au départ c'était un projet de blog de news, d'actu, geek en général, et vraiment ciblé, si possible, sur l'actualité belge et geek. Bon, en général, c'est l'actualité geek et internationale, mais on essaye toujours d'axer l'actualité geek avec un regard belge, en fait. Donc, par exemple... la musique on the cloud, bon, on va essayer de voir ça avec la vue belge, qu'est-ce qu'on a à disponibilité, etc. Pour chaque, voilà, pas pour tout, hein, pour d'autres, on balance des trucs qui nous fait marrer, etc. Mais on essaie chaque fois de voir ça avec un regard belge. Et donc on parle de tous les sujets, internet, actualité, manga, jeux de rôle, vraiment la culture geek en général très large. Oh, c'est assez vaste, il y a beaucoup de sections sur le site. Alors l'objectif c'était d'engrouper en fait différentes personnes qui avaient chacun un peu leur spécialité, donc j'étais un peu chercher des gens un peu dans tous les domaines, j'ai des informaticiens, j'ai des mecs qui sont fans de manga, j'ai des gros gamers, et l'objectif c'était de recréer un petit peu le graphe social de toutes les sortes de geeks possibles et imaginables, même si pour finir on s'intéresse quand même tous à tout, etc. quoi. Ouais, de toute façon, à partir du moment où on est geek, on s'intéresse généralement un petit peu à tout et ouais, on touche tout à fait. Et puis ensuite, je dirais 3 mois après, on décide. Ben, moi, j'étais un grand fan de podcasts. J'écoutais notamment au tout début ce que Patrick Béja faisait dans A0.fr. J'étais assez fan de ce genre de médias et puis je me suis dit pourquoi nous on pourrait pas le faire. Il y avait le modèle du Captain Web qui s'est lancé il y a plus ou moins 3 mois avant qu'on commence Geeks League, un peu plus quand même, hein. C'est 6 mois, un truc comme ça, donc on s'est dit bon, pourquoi pas nous, on peut le faire aussi. Donc voilà, on s'est lancé comme vous, hein, on a décidé de faire un podcast. Bon, au début c'était très misérable parce qu'on avait... Ça, c'est normal, nous aussi, encore ici on a eu des problèmes techniques pour réussir à t'appeler. Ah oui, je crois qu'à chaque enregistrement, je peux confirmer, on a des problèmes techniques. Alors je vous rassure, ça c'est les 5 premiers, après ça va aller mieux, vous allez... On est au 7ème, hein, donc... Oui, on est au numéro 7. Ah, au 7ème, pardon, désolé. Donc tu peux dire que c'est les 10 premiers, et puis après... Ouais, tu peux dire aussi que Kirby est un connard. Non, mais en fait, c'est parce qu'ici, on prend des risques, on appelle par Skype. J'avais jamais essayé ça avant, donc ouais. Ça change un peu la donne. Nous, au début, on avait 2 micros, des sales micros, tu vois, jack pour tout le monde. Enfin, c'était vraiment horrible. Et puis, on a décidé de s'équiper un petit peu, donc maintenant, ça va mieux. On arrive à une qualité acceptable, j'ai envie de dire. Et donc, on s'est lancé dans le podcast. Et pareil, dans la même mentalité, le but, c'est de se marrer. En général, Geeks League, c'est bonne ambiance, assez patoche. Et voilà, on essaye de se marrer, de parler d'actualité, comme le blog, en fait, d'actualité belge et geek en général. Ouais. C'est bière et pizza, quoi. C'est bière, pizza, frites, tout à fait. Pour le moment, on a les bières, mais on n'a pas encore les pizzas ici. Mais je crois qu'avant la fin de la soirée, on mangera un bout parce que... Oui. J'en connais qui ont faim. Ok, et donc, et tout ça en live, comme ça, on trouve que... Ah oui, c'est vrai, vous faites en live, en plus. Ouais, parce que le live apporte quelque chose, déjà, il n'y a pas de montage à faire après, donc c'est bien, c'est de la fainéantise, mais... Mais il n'y a pas de montage, mais le problème c'est que s'il y a le moindre bug en live, non seulement ça bug pour les gens qui sont là, mais en plus tu dois refaire un montage après de toute façon. Oui, tout à fait, c'est à double tranchant, mais ça apporte un petit patch, un petit punch en plus, je trouve. Voilà, ça c'était personnel, on a voulu faire ce système là et voilà. Oui, moi j'aime bien, moi je m'amuse bien sur votre chat avant de décarrelage. Oui, décalage Kirby. Voilà, une petite joke. Tout à fait. Mais je ne nous vois pas faire du live par contre. Ça, c'est... Je pense pas qu'avec les soucis techniques et les retards qu'on a habituellement. Hein... Moi, j'aimerais bien faire du live. T'aimerais bien faire du live? Ah, tu pourrais pas me contrôler. Ah, ouais, là, je crois que ce serait une catastrophe pour te contrôler. Parce que moi, je peux le censurer si on enregistre, tu vois. Ouais. Si on enregistre en live, Chauve a tendance à être un petit peu excessif parfois et je dois parfois le limiter. Excessif. Ah, c'est vrai qu'il faut tenir ses chroniqueurs. Hein. Voilà. Nous on a fait juste ici avant, enfin on l'a pas fait réellement, on va la faire après, mais au montage les auditeurs l'entendront avant. On a présenté notre nouveau projet, donc tu as peut-être dû voir le site, je t'avais donné l'adresse, oui. Oui, j'ai été voir un petit peu, mais en diagonale j'étais au boulot. Voilà, donc sur bipod.be tu pourras retrouver un peu tous nos podcasts, parce qu'on est une équipe en fait et on fait plusieurs choses en différents groupes. Mmh. On a des podcasts ici, celui-ci c'est plus des débats de geeks pour s'amuser, un peu comme Geeks League. Mmh. On a également un truc de news high-tech et un truc sur le cinéma. Et on essaye un peu de développer plusieurs concepts comme ça. D'accord. Ouais, on pourra peut-être vous inviter une fois, ça pourrait être sympa. Ah bah écoute, on est disponible et on est... Nous on voyage partout. Hein. Il y a une petite bière à Liège, tu pourras venir répondre aux insultes de Chauve en live. Tout à fait. Tu pourras lui montrer qui c'est le plus fort, parce qu'il fait de son nez comme ça derrière un micro, mais en vérité... Ouais, en vérité... C'est un grand couillon, c'est ouais, un grand ouais. C'est ça. Bon, bah, merci pour la présentation. Donc si on veut te retrouver, c'est... Alors c'est www.geeksleague.be, Geeksleague sur Facebook et @geeksleague. On est aussi sur Pod Radio, 3 fois par semaine, et on est sur Radio Passion, 106.5, mais ça c'est justement du côté du Brabant Wallon, voilà. Oula, mais c'est vous devenez célèbre, ma parole, vous faites de la radio maintenant. Oui, on fait de la radio, c'est nouveau, bon, bah, c'est une radio amateur, mais c'est assez fun, hein. On fait un live une fois par mois chez eux. Et c'est en dehors de Geeks League en fait, ce n'est pas le podcast qui est diffusé chez eux. Alors, il y a l'Ardif, tous les 15 jours, ils passent notre émission, mais une fois par mois, on va chez eux faire un live. Bon, c'est marrant parce qu'on a... Ils ont des sous avec la SACEM, etc. On peut passer la musique, on peut un peu faire la radio. Quoi. Peut-être qu'un jour, nous aussi, on sera à la radio. Hein. Peut-être Radio Campus à Bruxelles, par notre ami Cetex. Mais il y a facilement moyen. Hein. Franchement, vous contactez les petites radios amateurs ou indépendantes. Alors, on a déjà un contact, vous avez proposé, on devrait y aller. On a une connaissance qui s'occupe de la radio de l'ULB à Bruxelles, qui nous avait proposé de venir une fois faire un petit tour et... enregistrer une petite émission, et je pense que si un jour on est chaud, pourquoi pas. Ouais. Si je peux lâcher des conneries qui seront diffusées dans le couloir de l'ULB, je suis partant. Il en rêve. Et je crois qu'il ne rêve que de ça, oui. Oui. Excuse-moi, je t'écoute. Non, vas-y, je t'écoute. Mais j'allais juste te demander, en fait, puisque ici on va faire un rapide débat, on va dire, hein, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps, et je sais qu'il ne te reste plus beaucoup de batterie. Mais je peux peut-être négocier une prise, hein. J'envoie une là-bas, donc je vais place. Négocier une prise. Non, mais de toute façon, bon, faut pas que... On a beaucoup de monde à appeler, notamment des membres de Bipod. Mais je voulais un peu savoir comment tu voyais, toi, l'avenir de Geeks League et du podcast en général, que ce soit en Belgique ou de manière générale. Enfin, comment tu vois déjà ton avenir, l'avenir de Geeks League? Alors, l'avenir de Geeks League, ça tombe bien que t'en parles, parce que justement, Geeks League, on est en pleine, pas restructuration, mais on est en pleine refonte, pour voir un petit peu comment... Donc, la saison 2, on va lancer la saison 2 bientôt de Geeks League, à partir de septembre. Donc là, on va définir nos nouveaux objectifs, donc ça tombe bien que tu poses cette question. Ah bah, c'est un peu comme nous, quoi. On recommence ici à zéro avec ce numéro 7, enfin zéro, on recommence avec ce numéro 7, une nouvelle aventure, et on fait une refonte aussi complète... Tout à fait. Bah, écoute, moi, l'avenir de Geeks League, disons pour l'instant, c'est un petit peu un bazar parce qu'on était tous basés sur Namur. Donc maintenant, on se retrouve un à Lille, un à deux à Arlon, un à Wavre. Donc tu vois, on se retrouve un peu dispersés dans la Belgique. Ça a l'air très pratique. C'est très pratique, mais je pense qu'on a trouvé un compromis. On va tous se retrouver à Namur. Donc enfin voilà, ça c'est un autre compromis. Mais sinon, oui, je pense que. On va continuer dans cette lignée, je pense qu'au fur et à mesure, au début quand on a fait le podcast, c'était assez difficile, parce que, bon, pas difficile au niveau technique, etc., mais au niveau de se faire connaître, c'est un peu dur au début, on rame un peu, on a l'impression de faire l'émission dans le vide. Mais je trouve que voilà, après un an, on commence à avoir à être connu, on commence à avoir des petites, je trouve pas le mot. Des groupies, on dit. Ouais, des fans, et ça devient que je pense que voilà le. Je pense pas qu'ils ont des groupies, je pense que c'est plutôt des mecs généralement les fans. Ouais. Je crois qu'on a 2-3 gonzesses maximum, quoi. Donc c'est vrai que niveau, on a plus des mecs, ouais. Bah c'est nous aussi. Dans les femmes qui nous écoutent, je sais qu'il y a la mienne déjà. Et ouais. Après, à part ça, je crois qu'il n'y a pas personne d'autre. Ouais, bah oui, bah moi aussi, hein, c'est ma copine. Et puis, non, on a quand même 2-3 filles qui nous écoutent de temps en temps. Parce qu'on a un fort noyau dans l'école. On est tous originaires, plus ou moins, de l'école d'infographie à Bergeacar. Disons que là, il y a quand même des filles dans une école d'infographie. Et donc, sinon, pour l'avenir de Geeks League, donc, nous, on a vu, c'est continuer dans cette lancée, bien sûr, avoir plus de démat possible, hein, autant faire quelque chose, autant que ça pense à écouter. Et on va essayer de multiplier les canaux de diffusion, c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant sur Radio Passion. Donc, en fait, tout simplement, on garde, voilà, on essaye de rediffuser le maximum de capsules à gauche, à droite, comme ça, ça va permettre d'avoir un meilleur audimat. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, ça va venir, et voilà. Et pas de nouveaux podcasts à l'horizon Alors, si, on a un nouveau podcast dans la boîte, un truc beaucoup plus court, parce que comme Geeks League, c'était tous les 15 jours, on a normalement prévu un podcast qui viendrait combler la semaine où il n'y a rien, mais vraiment un truc très très speed, genre 10 minutes, mais ça c'est encore dans les boîtes, on n'a pas encore beaucoup évolué, mais il y a un autre podcast qui devrait arriver normalement. Qui serait sur quoi? Qui serait beaucoup plus technique, je pense que ce serait vraiment visé sur le web et beaucoup plus technique. Donc, ce serait une autre cible, hein, que Geeks League, assez généraliste et plus déconnade. Est-ce que ce serait plutôt du genre, je ne sais pas si tu connais le podcast de Nowatch, Techno IT? Ouais, alors j'ai pas écouté beaucoup de Techno IT. Oui, c'est ça. C'est un podcast à destination de l'informatique professionnelle en fait. Alors c'est pas l'informatique, public, c'est le web design. Oui, mais je veux dire, c'est le même concept, c'est plus dans. D'accord. Oui, c'est ça. Plus professionnel, plus. Voilà. Mais beaucoup plus speed, genre, je pense, à mon avis, maximum 20 minutes, quoi, histoire d'avoir. Donc ça, c'est encore dans les boîtes. Et oui, voilà. Ça, c'est les projets. C'est déjà pas mal à long terme, et puis une refonte du site qu'on va faire pour septembre, une grosse refonte du site, parce que pour l'instant parce que on n'est pas satisfait de la mise en évidence du podcast. On trouve que les news sont bien mises en évidence, mais le podcast n'est pas assez à son avantage, donc on va faire une refonte graphique. On est tous web designers, donc on aime bien aussi faire ça. Stetson avait un petit reproche sur le site, si je me souviens bien, tout à l'heure. Je trouvais que non, mais c'est vraiment une petite chose. Hein. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de... Là où vous avez Facebook, Twitter, plus... Les boutons de réseaux sociaux, quoi. Ouais, en dessous de la barre de recherche. Il y en avait que j'avais même jamais entendu parler, que Kirby a dit me dire ce que c'était. Alors, pour te dire, c'est un module que j'ai installé et qui les prend tous. Les réseaux sociaux, comme ça, je me fais pas chier. Mais c'est vrai qu'il y a un moitié que je sais pas non plus ce que c'est, ça sert à rien, quoi. Mais de toute façon, Stetson est un peu... J'aime bien te critiquer. Hein, il n'y a pas de souci, mais je te dis que c'est juste pour faire bien, quoi. Ouais. Ça remplit. C'est genre, on a beaucoup de réseaux sociaux, on inscrit partout, on se fait connaître. Et je crois qu'on est même pas inscrit sur tout. Je crois qu'on est... les deux gros canaux, c'est Facebook et Twitter, hein, comme tout le monde, hein, je pense. Ouais, bah ouais. Bah nous aussi, on est sur Facebook, sur Twitter, et à part ça, c'est vrai que... Il n'y a pas grand-chose comme autres réseaux sociaux qui sont vraiment... qui peuvent attirer du monde et qui sont très développés. Ou alors ça vaut pas le coup, quoi. Il y a tellement peu de personnes dessus que ça vaut pas le coup de développer l'effort d'aller dessus pour avoir. Enfin voilà. Je trouve que. Oui. Non, faut Facebook, Twitter, c'est bien, ouais. D'accord. Alors, bon, avant de passer à mes questions plus sur l'avenir du contenu web, on va dire, je ne sais pas si mes deux camarades avaient éventuellement une question à poser, que ce soit sur le site, sur le podcast ou autre, ou ça va, vous êtes comblés. Le podcast. Il dure combien de temps que le podcast que vous faites? En général, hein, enfin. En général, on est à 2 heures. Ok. Ah, ça va, c'est assez long, mais disons que l'alcool fait durer le podcast encore plus longtemps d'habitude. Donc oui, voilà, c'est assez variable. Disons que parfois on est 2 ou 3 autour de la table, comme vous, mais parfois on est 6. Donc là, si tout le monde vient avec 2 sujets, forcément c'est plus long. Voilà. Ouais. Le dernier, le 25, ça a duré 3h20. Donc là, j'ai dû recouper dedans, c'était trop long, quoi, mais voilà. Ah, bah, 2 heures, c'est bien, c'est pas trop trop. 2 heures, c'est bien, mais j'imagine que 3 heures, il n'y a personne qui réécoute, quoi. Notre dernier podcast faisait, si je ne me trompe pas, 3 heures. 3h10 3h20, non ? Ouais. Le dernier qu'on a enregistré, ouais. Il faisait quand même 3h20, c'est vrai que c'est un petit peu excessif. Ouais. Maintenant, mais on le fait qu'une fois par mois, nous, ça évidemment. Voilà, on le fait qu'une fois par mois et ça dépend un peu de la, du podcast en question, parce que par exemple, on fait un podcast qui s'appelle Télécom, qui présente les news high-tech. Mm-hmm. Là, on est 3 ou 4, ça dépend des fois. On essaye généralement de ne pas dépasser l'heure 30. Parce que pour des news comme ça, une suite de news avec des commentaires sur des sujets très high-tech, on trouve que voilà, au-delà d'une heure 30, ça deviendrait trop long et trop chiant, on va dire, à écouter. Par contre, pour un podcast comme ici, on est en train de faire le BGS, qui est plus à la cool, on boit un verre, on discute entre potes de sujets et d'autres. Enfin, mm-hmm. Entre potes. Oui, merci ouais. Stetson. Je pense que ça peut durer quand même un petit peu plus longtemps. Mais non, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ce soit excessif, parce que 3h20, c'était quand même un peu beaucoup. Ouais. Il n'y a que l'apéro du Capitaine qui peut aller aussi haut et qui peut durer 5 heures et continuer à être intéressant. C'est vrai, à partir du moment où tu décroches quand même. je crois qu'il est vraiment imbattable à ce niveau-là. Ils sont vraiment... réussir à faire un podcast toutes les semaines qui dure au minimum 3 heures. Ouais, c'est toutes les semaines surtout. Et ils se la foutent chaque fois. Et chapeau pour l'endurance. Hein. Et ils travaillent le lendemain et ils commencent toujours vers minuit et demi minimum. Ouais, ouais. C'est quand même assez extraordinaire. Quand ils vont parfois coucher à 5h30 après leur after et qu'ils travaillent à 9h, c'est toutes les semaines. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils tiennent. Ils prennent de la coke ou. À mon avis, ils prennent quelque chose, mais c'est pas possible autrement. Bah, Stetson aussi, il prend de la coke. Non, c'est bien. Tu verrais le physique de Stetson, c'est bien le dernier, à mon avis, à prendre ce genre de substance. et sinon, dans une question que je me posais, enfin, moi je sais la réponse puisque je vous écoute. Mais dans Geeks League, grosso modo, est-ce que vous êtes organisé autour de rubriques récurrentes? Vous avez des sujets qui reviennent? Je sais par exemple que vous avez la rubrique Girly, vous avez... Oui, c'est ça, on a des rubriques qu'on garde en général. Girly donc, oui, on a une rubrique Girly. En de tapette. Ça va, là, mais c'était chaud. C'est le côté féminin de Geeks League. Ah, d'accord. Oui, non, je... C'est notre narc, il est un petit peu féminin, c'est ça? Je te laisse. Ouais, voilà, c'est parce qu'au début, on a fait une rubrique sur le premier podcast, et on présentait, enfin, à chaque fois, on présente un peu des trucs, genre l'application Hyperiod, on présente des gods, on présente, voilà, des trucs qui nous font marrer. Et vu comme ça, oui. Parce que ça s'appelle Girly, mais je ne suis pas certain que c'est vraiment destiné aux filles et que ça leur plaît. Pas du tout, bah, ça nous fait rire. C'est comme envie des trucs de filles vus par des mecs. Oui, voilà. Et la rubrique Girly, maintenant, commence tout doucement à être supprimée. On a une rubrique un peu musique pourrie, people, qui la remplace, parce qu'on a fait le tour, en fait, de tout ce qui était Girly. Bon, je suis sûr qu'il y a encore moyen de trouver. Oui, de temps en temps, on trouve, mais sinon, voilà, ça commence à... on commence à tarir. On a fait tous les trucs débiles qu'on peut acheter en connectible, en USB. Donc maintenant... cite-nous des exemples, vas-y. Oh là là, on avait vu plein de trucs. On a fait... Oh là là, je sais plus vous dire... Je sais qu'il existe des barbecues USB, des choses comme ça. Ah, on a des barbecues USB. Mais... des fondus au chocolat, des... Des fondus au chocolat en USB. Des aquariums, des lance-missiles, bien sûr. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre ouais. Si on veut vraiment chercher sur Internet, on peut trouver de ah oui, choses, tout ce qui est Père Noël dansant, guirlande, sapin Noël. À Noël, c'est pas mal. Hein, je sais même qu'il existe une caméra vaginale USB. Si on veut vraiment. Si y a des gens qui ont envie de pousser le vis, assez loin. Il y a des tailles XXS. Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas. Ouais, même non, c'est USB 3.0 seulement. Je vois où tu veux en venir, mais je sais pas comment. Oui, j'ai mis le temps aussi à le... Je crois que Shaw voulait ce genre de caméra pour un anus, mais bon, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Ah non, c'est pas ça que je pensais. Non, c'était plutôt des petites filles, à mon avis. Ouais. Ah, enfin, on connaît ça. Voilà, donc là, je censure, tu vois. Quand Shaw dit ce genre de choses, généralement, je censure. Il sait bien que la pédophilie, c'est interdit, mais il sera pas s'en empêcher. C'est sport national belge, hein. Ouais. Bon, bref. Excusez-moi. Et une dernière question, alors, pour ma part. Oui. Qui serait la parole aux autres, je ne sais pas s'ils en auront encore. Vu que tu as déménagé et que vous allez tous habiter dans un endroit différent, ouais. La rubrique du colloque va disparaître? Alors, c'est un peu la question, hein, on se demande. Alors, non, normalement, non. Soit elle se continuera à se faire par Skype, Et le coloc qui a aussi un peu de la famille du côté d'Arlon où il descend assez souvent, donc je pense que non, le coloc viendra toujours faire son émission parce que là il y prend goût, hein, mine de rien. Au début il faisait ça genre juste, allez, juste pour se marrer. Hein. Oui, il me semble que dans les derniers je l'ai vu faire le fantôme de Pac-Man, je l'ai vu. Maintenant il y prend goût, hein, il aime bien rester au micro, donc je pense que non, il va revenir assez souvent. Et, Pour situer peut-être à mes compagnons et nos auditeurs ici, en fait la rubrique du coloc c'est chaque fois dans leur podcast vu qu'ils faisaient ça dans ton appartement, c'est ça? Ouais, c'est ça, mon appartement à Namur, ouais. Voilà, donc vu qu'ils faisaient ça dans son appartement et qu'il vit en colocation. Il y a chaque fois le colocataire qui était dans le fauteuil derrière à jouer ou autre, et au fur et à mesure des podcasts, il s'est mis à venir intervenir au micro et a commencé à avoir sa rubrique. Mais bon, est-ce qu'il est réellement geek ou réellement. Disons que je pense que je l'ai un peu transformé. Il n'était pas du tout geek avant, et maintenant, on peut l'avouer, il joue à Dofus. Il décroche plus de Dofus. Hein, quand c'est je vois dans les derniers podcasts que j'ai suivis en live, par exemple, je l'ai vu arriver déguisé en fantôme de Pac-Man pour faire je ne sais plus quel jeu. Et pour... Donc c'est vrai qu'il commence à. Ah, c'était quand on avait eu le magnétiseur. C'est quand on avait eu le chasseur de fantômes. Ah oui, vous avez invité un chasseur de fantômes, c'est juste. Tout à fait. Alors, en fait, le concept, c'est que tous les dizaines, on fait un truc un peu spécial. Donc, on a eu. Bon concept. On a eu un chasseur d'ovnis, enfin, on ne dit pas chasseur d'ovnis, mais comment on appelle ça, un ancien membre de la SOBEPS. Donc un ufologue. Un ufologue, oui. Donc, il a vraiment fait partie d'une société d'observation. Ce qui s'appelle le SOBEPS, ou le COBEPS maintenant. Et puis après, on a reçu donc, justement un chasseur de fantômes qui a fait fusionner une cuillère en direct. C'est très original, oui. C'était très drôle. Vous pouvez écouter, c'est le numéro 20, c'est un numéro épique. Voilà. J'imagine bien le personnage. Et pour le numéro 30, il suffira de nous inviter alors. Hein. On viendra boire un verre à Namur. D'accord, il faut faire fusionner au moins deux fourchettes. Hein. Ah, pour être invité, il faut fusionner des couverts. Ah, ouais. Bon, ben, Chauffe, il t'occupe de ça. Bien sûr. Sans aucun souci. Pas de soucis. Ça va. Bon, je ne sais pas si mes deux compagnons ont encore une question à poser. Moi, j'ai pas de questions. Pas spécialement, non. Ça va. Alors, on va prolonger un petit peu la discussion au-delà de Geeks League maintenant, si tu veux bien. Ouais, le podcast. Voilà, en Belgique ou ailleurs, mais un peu l'avenir du podcast. Parce que nous, en fait, ici, avec. Avec Bipod, en fait, on a. Enfin, pour tout expliquer réellement, j'ai décidé ça un jour sur un coup de tête en étant à mes cours. J'ai eu l'envie de transformer notre aventure de podcast en quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus. Un peu mieux fait, mieux préparé, avec plus de contenu, plus régulier. Et donc, j'ai été au restaurant avec mon ami Stetson ici à côté. Car oui, nous sommes des gens riches, nous mangeons au restaurant. Et. On a on a discuté un peu et on avait envie en fait de faire quelque chose de plus sérieux, quitte même à ce que cette aventure puisse nous rapporter quelque chose, pas nécessairement en termes financiers. Bah si. Oui, bien sûr, Chauve, oui, mais pas nous. On n'a pas envie de devenir vraiment un nouveau No Watch, à parler du sponsor à chaque émission, parce que je pense que ça peut lasser très vite les gens, bien que certains podcasts le font très bien, mais plutôt dans le sens d'avoir un... Comment vais-je dire ? Être un peu comme les blogueurs, une sorte d'organe de presse, et qui nous permettent par exemple de recevoir des produits de grandes marques en test, qu'on testerait par exemple devant une caméra, de pouvoir aller avec des invitations spéciales à des conventions, à des festivals, un peu plus dans cette optique-là en fait. Et on pense réellement, enfin moi en tout cas je pense, et je crois que Stetson tu es comme moi, et Chauve aussi à mon avis, moi je pense que le podcast est quelque chose qui est plein d'avenir, notamment en Belgique, et encore un terrain inexploré contrairement aux blogueurs. Je donne mon avis, là, je pense un peu, et qu'il y a moyen de développer quelque chose de très bien et d'amener à quelque chose de, entre guillemets, professionnel, en fait. Tout à fait, ouais. Voilà, donc je sais pas si c'est ce vers quoi tu penses aller aussi avec Geeks League et éventuellement ton autre podcast, si tu... Si, bah écoute, justement, ça tombe bien que t'en parles, parce que, oui, c'est aussi un des objectifs de Geeks League, c'est que de se faire connaître au-delà de la Belgique et de la France. Monde, en fait, on est vraiment au-delà du petit monde geek très restreint ou du petit monde de nos connaissances. Le problème, c'est que justement, on a, tu vois, par exemple, en Amérique, tu fais une émission geek, tu auras 2% de la population qui sera intéressée, mais 2% de la population américaine, c'est beaucoup plus de monde. En Belgique, plus de monde que la Belgique, oui. En Belgique, tu fais la même chose, c'est 2%, bah, t'as 20 pays, quoi. Tu comprends la différence? C'est grosso modo. Déjà en France, je vois qu'ils ont du mal. Déjà, Noach, ils le disent, alors que la France est quand même peu plus peuplée que la Belgique. Alors, c'est vrai que nous, c'est encore plus. Mais voilà. Mais je pense qu'on peut aussi très bien s'exporter dans le monde francophone. Et Voilà, je pense qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Quoi. Donc on a la France, le Canada. Voilà, mais ça, on a cet avantage effectivement de parler français, je pense, et de pouvoir effectivement s'exporter vers la Suisse, la France, le Canada, certains pays africains, même si on veut. Soyons fous. Je sais pas s'ils ont encore la DSL. Je sais pas s'ils ont déjà la DSL là-bas. Pas d'ordinateur, de toute façon. Hein. Faut déjà qu'ils trouvent de quoi manger. Voilà, merci Chaud pour ce joyeux commentaire. Il ne fait pas attention à lui. Non, t'inquiète pas. Ouais. Il a bu un verre, à mon avis, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Non, il est comme ça habituellement. C'est sa nature. C'est sa nature, voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des podcasts américains, mais ça, Stetson pourra plus le confirmer parce qu'il en écoute plus que moi. Beaucoup ont actuellement un sponsor et le gèrent très bien, le présentement. Ouais, la plupart. Mais c'est déjà les plus gros podcasts que j'écoute en général. C'est pas vraiment des petits podcasts amateurs. T'écoutes quoi? T'écoutais avant? J'écoutais un gadget. J'écoute Buzz Out Loud tous les jours. Puis deux trois autres podcasts de Cinet. Ils ont tous des sponsors. Ouais, moi j'écoute Revision Tree, c'est pareil. Ils ont un sponsor également. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'anglais ou est-ce que c'est le fait qu'on ne connaisse pas la marque? Mais ça me dérange peut-être moins que ce soit un système du style No Watch. Malgré que je les aime beaucoup et j'adore leur podcast, le sponsor a tendance un petit peu par moment. Numericap commence un petit peu à. Mais je trouve par exemple que le sponsor dans This Week in Tech, enfin avant c'était, ça fait quelques semaines que j'ai pas écouté, mais avant c'était Audible et c'était toujours bien présenté. C'était pas du tout. Il faut aussi que le produit soit bien de base, quoi. Mais qu'il soit intéressant pour le public. Simple. Ouais, c'est ça que je trouve qu'ils font mieux. Enfin, Buzz Out Loud ne fait pas mieux. Buzz Out Loud, c'est des pubs pendant le podcast, quoi. Et ils arrêtent et puis ils reprennent 30 secondes après. Mais dans le cas de This Week in Tech, quand c'était sur Audible, le produit était intéressant, donc c'était pas une pub qui dérangeait vraiment, quoi. Mais enfin, moi je vois mal aussi casser la pub dans mes podcasts. Après, c'est vrai que bon, pour l'instant mes frais sont pas énormes, hein. C'est-à-dire que le Geeks League c'est pas excessif, hein. On utilise Live Stream pour envoyer, on a un serveur OVH. C'est un peu de bière pour les podcasteurs et... Ouais, voilà, c'est ça. Nous, si on peut avoir un comme sponsor, je sais pas, ma masse, il nous file un casse tous les 15 jours, moi ça me convient. Hein. Ça me dérange pas de dire que mes masses. C'est pas bon la masse. Ah ben, on est plus masse chez Geeks League. Ah donc. Merde, on est plus Jupiler. Mais on crache pas sur Jupiler non plus. Moi je vois tout. Ou le sponsor top, ça serait Orval, tu vois. Non, Chimay, Beach Chimay alors. Ben, voilà, mais. Plus des avantages en nature comme ça tu vois, mais non, pour l'instant je me vois mal aussi avec cette pub. C'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup No Watch, je suis un grand fan d'eux, mais quand ça arrive le moment numéricable, je peux te dire que j'avance, hein, parce que j'en peux plus, hein. Bah, après, c'est que je les écoute en voiture et pas tout le temps atteindre le, parce que j'écoute sur mon téléphone et hein? J'ai du mal à le prendre parfois pour zapper la pub, donc je vais la supporter tous les matins quasiment, et après un moment, numéricable. Ouais, voilà. Surtout que nous, on ne peut pas avoir numéricable, alors ça me fait chier. Voilà, le problème, c'est que c'est aussi un des problèmes des pubs sur les podcasts qui sont parfois fort ciblés. Quoi. Mais là, c'est tout le temps la même sur No Watch, et comme ils font plein d'émissions, ils ont une vingtaine d'émissions maintenant. Chaque émission, c'est la même. Pas chaque, il y en a qui ne sont pas sponsorisés, mais dans 10-12, il y a la pub numéricable au milieu, et c'est la même dans toutes. Elle change tous les temps, mais c'est la même dans toutes, c'est toujours numéricable. Ouais, c'est un peu problématique, ça. Si au moins ils avaient un autre sponsor... Ouais, après, ça doit être chaud de trouver des sponsors aussi qui s'engagent à... Mais je les soutiens et je les écoute et j'adore ce qu'ils font et je les soutiens franchement dans cette initiative et je comprends leur but. Mais pour un utilisateur, c'est vrai que c'est parfois un petit peu exaspérant d'entendre la même rengaine sur numéricable à longueur de journée. Mais après, je suis pas dans les petites affaires de No Watch. Je sais pas trop s'ils font du bénéfice, s'ils rentabilisent juste leurs frais. Ou est-ce que je sais pas trop comment ça fonctionne chez eux, je sais pas trop, c'est vrai que j'ai pas non plus, je suis pas dans leur petit secret, mais je crois pas que pour le moment ils ont déjà du bénéfice, je crois qu'ils rentrent juste dans leurs frais. Ouais, mais je pense ont une grosse masse de téléchargements à gérer et d'avoir du mal avec leur serveur et après tu vois qu'ils fassent une petite boutique, si tu veux tu peux acheter des t-shirts. Nous on pensait faire ça avec Geeks League, tu vois, nous on l'a fait. Voilà, vous l'avez fait. Je peux te dire qu'on l'a fait pour le nouveau Bipod, tu vas aller voir dessus, il y a une bannière boutique au-dessus qui est en train de se monter et on commence à mettre des articles. Voilà, bah c'est ça. Ça mange pas de pain. Je pense que nous, si on sort un t-shirt Geeks League, on va en vendre 5, et puis voilà, c'est tout. Et puis bah, c'est toujours ça, quoi. Voilà, moi, je pense que ça fait plus, c'est pas spécialement pour le gain, c'est plus pour le plaisir de. Voilà, pour le plaisir. Les gens ont envie de porter de entre guillemets, nos couleurs qui nous aiment. Il y a quelqu'un qui bouge une chaise à côté de toi. Oui, c'est la serveuse. Elle se demande pas ce que tu fais, ça va ? Si, si, elle regarde, non, mais qu'est-ce que c'est ? Elle peut parler si elle veut, venir commenter non, elle, sur le podcast. Elle est passée. Non, mais nous, ce qu'on a fait, il y a juste un truc, c'est que, mais je sais, je m'interroge encore là-dessus, j'avoue qu'on doit y réfléchir, c'est qu'on a mis une petite pub Google AdSense sur le site, mais je m'interroge encore si ça peut déranger les gens ou pas, si ça... Et puis si ça rapporte réellement quelque chose aussi en termes... Ouais, c'est ça, il faut déjà une bonne visibilité pour que ça commence à rapporter quelque chose. Bon, nous, voilà, on s'est dit que sur le blog, il n'y aurait jamais de pub, bon, pour l'instant, on s'y tient, mais voilà. Et pour revenir un petit peu au podcast belge, hein, si tu veux bien. Oui, vas-y. Justement, je pense que pour qu'on ait un peu cette force et cette capacité justement à être invité à recevoir des produits, à être invité plus à des tests. Voilà, j'allais y venir aussi parce que c'est vrai que l'aspect financier c'était une chose. Je dis, c'est pour ça que je parlais de la pub en fait en dernier, parce qu'on a mis la pub en se disant peut-être voilà, si on a un petit apport financier par là, voilà, pour éventuellement un jour, si cet apport s'accumule, faire pourquoi pas un investissement de matériel. Mais en dehors de ça, c'est pas l'aspect financier effectivement qu'on recherche. C'est là que j'allais venir. C'est vrai que c'est la reconnaissance. C'est plus la reconnaissance et ouais, le fait, comme tu dis, de pouvoir recevoir des produits, par exemple. Parce qu'à la base, on est geek, on aime bien tester toutes les nouveautés. Tout à fait. Et donc, et recevoir des nouveautés comme ça, ce serait un vrai plaisir. Puis c'est des trucs comme pouvoir aller à un Mobile World Congress pour nous qu'on avait parlé. Voilà, ce genre de choses, par exemple. Et je ne sais pas si vous recevez des invitations. En tout cas, Geek League, de temps en temps, je reçois des invitations pour des trucs à gauche, à droite, avec des cartes presse. Ben, je trouve que ça, c'est toujours sympa. Vu qu'à l'heure où on parle, on n'est pas encore ouvert, on n'a pas encore reçu d'invitation. D'accord. Bon, ben voilà, sachez que ça. Enfin, nous, on a déjà été invités plusieurs fois. On était au salon de l'animation à Lille. C'est vrai que c'est assez sympa de se balader avec sa carte presse. Bon, voilà, c'est tout. Et ça nous permet d'avoir plus d'informations parce que d'office, quand les stands vous voient arriver avec votre carte presse, ils viennent directement vers vous, on chatte plus. C'est plus facile, je pense. On est plus facile d'accès, ouais. Voilà, oui, c'est vraiment cet objectif-là. Et en plus, on est, on en a discuté parce qu'on a avec nous... je sais pas si tu connais le site astel.be. Non. Ah, bah, c'est quand même connu, mais oui. C'est un courtier télécom et ils sont vendeurs, ils ont une boutique GSM également. Ah, ils ont surtout un gros forum. Oui, un très gros forum. Oui. Voilà. Oui. Mais bref, on n'est pas partenaire avec eux, hein, mais on a le Thomas qui travaille chez eux, en fait. Qui nous a rejoint pour présenter Télécom, enfin pour être chroniqueur sur Télécom. Mm-hmm. Et il nous expliquait également, il nous dit voilà, enfin, le site sorti, effectivement, lui peut avoir des contacts avec différentes marques et peut effectivement nous. Alors, il va falloir que je trouve un accès à une prise, donc continuez, je cherche à une prise, ça va. Il n'y a pas de souci. Hein. Et donc, donc Thomas peut nous trouver. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'il avait dit. Comme il disait, peut nous avoir des accords des contacts, quoi, enfin, surtout. De quoi ? Des contacts, surtout. Voilà, des contacts avec des marques pour recevoir notamment des produits et pouvoir les tester. On pensait notamment à Telecom Lab. Ouais. Qui aurait pu être sympa pour tester les produits devant une caméra vidéo. T'imagines ? Mm-hmm. Nous deux devant une caméra. Oui, j'imagine. Avec vos physiques de radio. Et t'imagines un peu chaud pour recevoir des cartes de presse et qu'on irait se balader dans des salons et qu'on irait... Tu viendrais avec nous à Mobile World Congress ? Pétrier. Tu viendrais avec nous quand même. À Mobile World Congress, tu viendrais si on en pouvait ? C'est quoi ? Lui, Mobile World Congress. Oui, j'imagine moins. Ça, on est pas sur Lille, peut-être. Oui, ça, oui. Super. Mais le Mobile World Congress, non, parce que c'est tout ce qui est... Mais en même temps, Barcelone, ça lui plairait bien. Barcelone, oui, tout de suite. Barcelone, mais... Non, il faut attirer le petit avec les points positifs. Bah écoute, moi je vais boire un verre qu'on a besoin d'aller tester. À part ça, on prend le café, c'est arrivé récemment. Il y a eu le Yahoo Hack Day, là. Ah, j'ai pas vu. Non, c'est un truc sur le... Réunion de codeurs, etc. Notre ami Wally fait du bruit, mais c'est normal, il est parti là. En quête d'une prise. Voilà, c'est bon. Allez, il a trouvé. Je suis en train de dire que tu faisais du bruit. Voilà. Ouais. C'est bien de trouver une prise. Vous m'entendez toujours, oui. Ah, ouais. On t'entend toujours. Okay. Tu nous entends encore ? Oui, très bien, oui. Ah, c'est beau la technique. Et on était où ? Oui, et donc je disais, ça serait bien justement. Donc ça, c'est aussi un des autres projets qui est en carton chez Geeks League, que je vais vous livrer en avant-première, je pense, ici sur Bipod. Oh, retenez votre souffle. Voilà, retenez leur souffle, tu peux y aller. C'est ça, à mon avis, ça va arriver d'ici un mois, je pense. Oui, d'ailleurs, on va recontacter Bipod à la fin. On aimerait bien, on s'est dit que, voilà, il y avait plein de podcasts belges un peu pick-up pour l'instant, qui avaient chacun leur force, mais... On a toujours raison, par exemple. On a toujours raison. Qui vous êtes très potes, je sais. Ouais, voilà, avec qui on est très potes, et parce qu'on est dans la même ville, donc ta fille, on s'invite, on se prête du matos, donc voilà, ça aide à se connaître. Alors on s'était dit, pourquoi ne pas créer un petit peu, bon, la comparaison, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire, mais créer un Overwatch, mais belge. Bon, après, il y a des points sur lesquels je suis pas d'accord avec No Match et dans lesquels j'aimerais pas inclure dans cette chose. Mais voilà, c'est créer plus une fédération de blocs belges pour se représenter, avoir une plus grande puissance. Enfin, j'y ai pensé parce que c'est vrai que j'y ai songé, mais je ne voyais pas l'idée de vraiment faire un No Match où tous les podcasts allaient sur le même portail avec le même site, le même système. Plus un système, comme tu dis, effectivement, où chacun garde son identité propre, garde son site internet, ce genre de choses, et c'est ça que tu veux dire, en fait. Oui, c'est ça. Garde vraiment son identité et son site, et se regroupe, comme tu dis, dans une sorte de fédération. C'est vrai que ça a peut-être un bien grand mot, mais je trouve tout pas fait, mal. Oui. Et donc, ce serait plus un label, alors, ou quelque chose comme ça, qui représenterait, alors, le podcast belge et la qualité, enfin voilà quoi. De qualité, on serait le bleu blanc belge du podcast. Bleu blanc belge. Mais ça va arriver hein, d'ici un mois ou deux. C'est encore un projet en valise chez Geeks League. Ah, donc vous allez nous écouter, et voir si on fait quelque chose de qualité qui pourrait éventuellement vous convenir, c'est ça? Ouais, oui, vous êtes sur la liste. On va être casté. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, vous avez un petit livre avec les noms et vous barrez quand c'est pas bien. Oui, voilà, et ça marche aussi avec des offrandes de bière. Hein. J'allais dire justement, est-ce que tu peux me donner hors antenne ton numéro de compte en banque et on s'arrange D'accord. On parlera pot de vin en dehors, hein. On va pas discuter de ça en live. Il y a aussi des podcasts flamands, hein. Contrairement. J'ai regardé juste 2-3 coups d'œil, mais il y a des podcasts tech flamands. Ah ah, là tu m'apprends quelque chose par contre. Faudrait que tu m'envoies l'adresse, même si je pense pas que je vais comprendre grand chose. D'accord. Mais moi non plus je comprends rien, mais voilà, ça pourrait être intéressant. Ils sont aussi belges, hein, ces gens-là, vous savez. Ah bon? Et donc ça serait peut-être que si ça l'intéresse. Mais je pense qu'on se connaît pas du tout à cause de la barrière de la langue, mais je pense qu'il y a moyen aussi de faire un truc sympa avec eux. Hein. Mais il y a moyen de communiquer en anglais, hein, de toute façon. Mais, je suppose qu'ils parlent français. Hein. Au contraire de nous. Au contraire de nous, oui, voilà, qui parlent pas du tout néerlandais. C'est généralement comme ça que ça marche en Belgique, effectivement. Ouais, tout à fait, oui, tout à fait. Et bah, franchement, c'est une excellente idée. Et, si on est sur la liste, on va faire des efforts pour sortir les prochains épisodes, qualité. Un show. Si tu veux bien, écoute Télécom. Et écoute alors ce BGSI qui seront de bonne qualité. Ne écoute pas pour le moment 24 FPS sur le cinéma parce que. Il y a un petit problème de montage. Mais je n'estime pas encore Geeks League de bonne qualité. Vous imaginez alors. Enfin voilà quoi, c'est. Vous inquiétez pas, on n'est pas non plus à niveau. Hein. Je crois qu'on ne. Moi personnellement j'ai un doute sur le fait que je m'estimerai un jour de bonne qualité. Après, il faut que ça reste amateur, un podcast, sinon ça perd son charme, hein, je trouve. Ah oui, non, voilà, on veut pas non plus devenir professionnel. C'est plus le même but, enfin, il y a des podcasts très bons qui sont professionnels, voilà, mais... Oui, tout à fait, mais alors à ce moment-là, c'est plus la même chose, c'est plus le même but, c'est plus le même... c'est un travail, et c'est... Ouais. Tout à fait. Nous aussi, on a monté le projet BGS à la base pour s'amuser. C'est vrai qu'on essaie de le faire plus sérieusement, et surtout les autres podcasts, par exemple Télécom, j'essaie de préparer un maximum, et mes chroniqueurs aussi, mais... ça reste dans la bonne humeur et on peut dire ce qu'on veut sur n'importe qui, et... enfin n'importe quelle marque, n'importe quel sujet, on peut les aborder comme on veut. Quoi. Tout à fait, et on peut dire ce qu'on veut, voilà, dire des gros mots, voilà. Si on a envie de dire merde, Sinon je crois que Chauve ne pourrait pas être là. Ouais, il pourrait pas être présent. Je crois que Chauve ne pourrait pas faire de la télé ni de la radio parce que vu le niveau de l'engagement du rire. Alors, je vous rassure, je ne pouvais pas non plus avoir un autre narc dans Geeks League. Oui, il est fort aussi, oui. En général, fin de podcast, il y avait pas mal de choses atroces. Oui, c'est l'alcool aidant, généralement. Oui, tout à fait. Je connais ça, oui. J'ai parfois du mal à maîtriser mon show, mais tu dois avoir le même problème avec notre narc. Bah, écoutez, vous pouvez écouter, si vous voulez vous marrer, le podcast Geeks League numéro 2. Ok. Où tous mes chroniqueurs sont arrivés déjà sous avant l'émission. Ah oui, d'accord. Ça devait être pas mal, effectivement. C'était ingérable. On écoutera ça. On écoutera ça. Juste pour essayer de regarder un minimum le sujet, je réfléchissais aussi à une chose, parce que nous, avec le Bipod ici pour le moment, l'objectif des prochains podcasts à venir, parce que comme je te l'ai dit, on est une petite équipe, donc chacun fait son... Enfin, chacun, non, par groupe, mais on fait chacun des projets différents. C'est des podcasts vidéo qui vont arriver. Ah oui. Tu n'as jamais songé à faire de la vidéo? Alors, on en a déjà fait un, mais qu'on n'a jamais diffusé. C'était le podcast du Nouvel An. Tu étais encore bourré? Non, ça allait. C'était avant le Nouvel An, en fait. On avait fait un podcast Geeks League vidéo, mais on l'a jamais, parce qu'on l'a jamais monté. En fait, c'est notre marque qui devait le monter. On l'attend toujours, mais il est toujours là. Il est dans les tiroirs, mais Ça sera dans le ça sera DVD. Pour le prochain nouvel an. Le DVD collector. C'est comme notre numéro 0. Peut-être que je vais le sortir bien, du placard. Non, il était pas bien. Si. Non, c'est pour ça que je le garde sur le fond de mon disque dur et que je ne le diffuse pas. Je le veux, moi, d'ailleurs. Donc, tu l'auras. Mais après, c'est du matos en plus, tu vois. C'est des pieds, c'est des micros en l'air, c'est une ou deux caméras. Donc, c'est énormément de contraintes et énormément de boulot en plus, effectivement. Enfin, c'est beaucoup de boulot en plus. Et puis, il faut pas juste. Toi, si c'est juste pour nous voir parler, autant faire de la radio. Il faut avoir un apport en plus, un intérêt en plus. Effectivement, mais c'est pour ça que je me forme actuellement. Je vais débuter à Final Cut. Et ouais. Je suis la journée une formation de son également, de monteur audio. Et pour essayer d'être assez complémentaire, effectivement, et d'avoir. Parce que mon but était, par la formation audio, d'avoir des podcasts audio de qualité. Mm-hmm. Avec Final Cut, ajouter alors la vidéo pour présenter. Parce que le projet de podcast qu'il y a ici pour le moment dans les cartons, pour le révéler aussi, c'est un podcast sur la bande dessinée. Mm-hmm. Et je pense que présenter de la bande dessinée en audio, c'est pas nécessairement l'idéal. Il y en a qui le font très bien. Hein. Le One Night Club, par exemple, est génial et je les écoute. Mais un petit apport vidéo, effectivement, je trouve que ça manque. Ouais, voilà. C'est vrai que, par exemple, quand on veut parler d'un jeu vidéo, c'est intéressant de montrer les images ou montrer un film. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir les images. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on a fait le compromis. Quand on est en live, on a la vidéo. Et quand on est en diffusion, on a juste l'audio, quoi. Effectivement, mais le problème, c'est qu'avec ce système-là aussi, si tu dois montrer quelque chose... En live, tu peux le montrer, mais après, au montage, les gens ne pourront de toute façon pas le voir. Et... Exact. Voilà, Il faut savoir doser aussi à ce niveau-là. Quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'un podcast vidéo, c'est très sympa aussi. Mais je trouve, personnellement, qu'on a moins l'occasion de les... Parce que moi, les podcasts, je les écoute quand je suis en trajet, quand je vais au boulot, quand je prends le train, quand je marche. Ouais, et du je suis d'accord avec toi. Ouais, moi aussi, mais de temps en temps, j'aime bien j'ai des podcasts vidéo que j'apprécie particulièrement et j'aime bien quand je suis chez moi, au lieu de mettre la télévision en fond quand je fais quelque chose, je mets des podcasts. Tout à fait, c'est vrai. Mais ça demande plus d'attention. Voilà. Ouais. Le podcast audio, on peut le laisser. Non, c'est une autre pratique de toute façon. Mais ça dépend. Alors, podcast vidéo de 3 heures, par exemple, ça sert à rien. C'est vraiment. C'est plutôt des plus petits podcasts, genre 40 minutes, 1 heure, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, je consomme moins de podcasts vidéo à cause de ça, en fait. Mais. Voilà, c'est, je pense que chacun après a son. Voilà, mais c'est vrai que je les consomme dans l'optique de remplacer la télévision parce que je trouve rien vraiment à mon goût à la télévision à part de temps en temps une série. Sinon, j'ai rien qui me. Donc, quand j'ai un soir à meubler ou je vais mettre quelque chose en fond quand je fais quelque chose chez moi, c'est d'office un podcast vidéo. Donc, c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes, je vais l'avouer, c'est généralement du No Watch. Mais voilà, j'en regarde et je me dis pourquoi pas essayer. C'est une autre pratique, on va dire. C'est donc, et si ça amène quelque chose de particulier, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai. Oh, ça s'énerve dans ton café. Bah, il commence à avoir du monde. Il y a des gens qui ont bu un verre et qui n'aiment pas te voir parler tout seul. Oh, ça va, ça va. Pour l'instant, ça va. C'est le café de Harlon, ça que vous voulez. Et j'ai pris le plus soft, hein, je peux vous le dire. T'as cherché celui qui acceptait que tu te connectes au wifi aussi. Je suis dans un bar à vin, c'est pour ça. Tu veux quoi, pardon? Dans un bar à vin. Un bar à vin? Ouais. Ah, oui, d'accord. Ça, c'est sympa. Mais tu vas boire un petit verre là? Non, je bois un café. Enfin, tu pourrais boire un petit verre à notre santé pour fêter le morceau de bipote quand même. Oui, tout à fait. Mais je savais que boire tout seul, c'est un peu crevard quand même. Oui, non. Voilà, j'étais sûr que Chauve allait dire non, donc c'est pour ça que j'ai hésité. Bon, sinon. Confédération, c'est ça, comme ça que tu as appelé? Fédération. Oui, voilà. C'est ça, oui. Fédération, oui. Vous tout avez à fait. Déjà un nom? Non, pas encore. C'est une idée, en fait, simplement. On a l'idée, on a déjà les grands traits de ce qu'on veut faire. Hein. Notre objectif est défini. Mais après, il y a quoi, le nom, et puis le graphisme du site web qui va arriver. Donc, il y a quoi, tout ça qui va venir. Quoi. D'accord. Donc, on en reparlera de toute façon, je sens. On en reparlera de toute façon. Ça va arriver pendant les vacances, je pense. Tu as mon email, tu as mon Skype, tu as tout. J'ai tout. Ne t'inquiète pas. Et toi, tu as même mon numéro de téléphone si jamais j'oublie. Ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai ton numéro de téléphone. Tu peux le harceler, donc. Je peux le harceler pour qu'il accepte, oui, effectivement. On va négocier ça. Peu de vin, harcèlement, tu vois, voilà, tu trouves la bonne balance. Et... Tout à fait. Et bien, gérer quelque chose, je le sens bien. Bon, mais écoute, on va tout doucement... te laisser boire. Pas mal de choses à faire. Mm-hmm. Juste avant de terminer, faut d'abord nous rappeler où on peut te retrouver. Hein. C'est déjà une petite chose, ça ne mange pas de pain de faire un peu de pub. Tout à fait, donc www.geeksleague.be, tous les 15 jours en live sur www.geeksleague.be/live à partir de 22h. Donc là, c'est pas samedi d'ici, mais c'est le vendredi prochain. Sur Facebook, Geeks League, sur Twitter, @GeeksLeague, et sur Pod Radio le lundi, le mercredi et le vendredi, et sur Radio Passion 106.5. Joli, ça fait beaucoup, à la fin, t'énerveras plus à tout oui, commencer. On a un autre projet encore pour une autre radio, je pourrais plus tout dire, à un moment, ça va être fini. Après un moment, tu ne sauras plus suivre, parce que tu travailles en même temps. Et oui, je travaille, j'ai un nouveau boulot depuis 2 mois, là, donc oui. Ça va devenir chaud, tu vas voir. Et voilà, donc juste avant de te laisser, tu as été faire un petit tour sur Bipod. Exact, oui. Et j'aurais juste voulu savoir, parce que à mon petit niveau de... Je ne suis pas du tout développeur web ni graphiste. Mm-hmm. Que penses-tu du site? Toi qui es graphiste, je pense. Écoute, j'aimais bien le concept du slider hein, avec les épisodes. Justement, ça m'est bien en évidence. J'ai eu beaucoup de mal à le customiser comme je le voulais. T'es parti d'un thème tout fait, ouais. Ouais, c'est vrai. En général, quand tu pars d'un thème, après, t'as plus de mal à te décrocher, à arriver vers ton objectif. Alors. Je sais pas si tu te connais un petit peu en HTML, en CSS. Un petit peu, mais je développe plutôt en C, ce genre de choses. Mais le web, je m'y suis mis en autodidacte et j'apprends quoi. Mais ouais. Alors, c'est vrai que pour Geeks League aussi, je suis parti d'un thème parce que j'ai eu la fainéantise de la mort, tu vois. Mais en général, si tu veux atteindre, tu vois, plus ton graphisme, il faut mieux partir à zéro et reprendre sur tout. Mais sinon, j'aime bien le site, je trouve qu'il est assez sympa, il passe bien, hein, franchement. Ça va, tu nous confortes un peu dans nos choix, parce que on a discuté longtemps, on est passé par plusieurs designs avant d'arriver à celui-là. Non, j'aime bien le logo aussi. Ça par contre, c'est un graphiste professionnel qui l'a fait. C'est un cousin à moi qui est dans le métier, qui a fait Albert Jacquard d'ailleurs. D'accord, donc, d'accord. Et c'est vrai que vous avez une pub là... du web, oui, c'est les annonces Google, d'accord. Ouais. Oui, okay. Voilà, mais ça, bon, c'est une hésitation, mais on verra bien ce que ça donnera. Non, sinon, il est très très clair, moi j'aime bien, hein, franchement. Ouais. Ça va, alors. Et il ne te restera plus qu'à écouter nos podcasts, alors, pour écoute, dire ton avis. Je vais tout de suite me brancher mon iTunes sur vos podcasts, comme ça je reçois, et puis ça fait quoi. D'accord, alors si je peux te donner un tout petit conseil, écoute d'abord le dernier télécom. D'accord. Je pense que celui-là était sympa, cette zone ne me contredira pas. Les télécoms ont toujours été, à part celui avant où on a eu deux, trois petits problèmes techniques. Avec ma voix, mais bon, ça arrive malheureusement. Mais sinon, les télécoms sont généralement assez sympas. Et vous savez que pour un podcast, enregistré par Skype, c'est une qualité honorable. Mais écoute, en tout cas, je te remercie déjà pour avoir dit que le site était sympa, ça me réconforte. J'ai beaucoup travaillé dessus. Et merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation alors. Mais pas de soucis. Je ferai un peu ta pub sur le site également dans le billet de ce podcast qui sortira très certainement samedi. D'accord. Et on se recontacte alors pour la suite des événements. Hein. On se tient un peu. Ne t'inquiète pas. Au courant. Et de toute façon, je crois qu'on vous invitera un jour. Ah bah écoute, on est disponible, hein. Tu sais ce qu'il faut pour qu'on vienne. La table est un peu petite, c'est peut-être ça en train de me regarder parce que la table est un peu petite. Non, mais je ne regardais pas pour ça. Vous êtes un peu gros surtout. Oui, nous on est gros aussi, d'accord. Sauf moi. Mais on nous trouvera un moyen, on mettra dans mon salon, on trouve toujours. On n'est pas trop gros, donc ça va. Ça va. à part le coloc. Ah ouais, mais bon, on trouvera de toute façon, il y a toujours moyen de réussir à caser des gens. D'accord. On y arrivera. Un peu de bière, on verra, pas de soucis. Voilà, c'est ça, un peu de bière, un peu de chips, et je pense que tout se passera bien. Bon, mais écoute, je te remercie en tout cas d'avoir fait le déplacement jusque dans un bar à vin pour nous appeler. Pas de soucis. D'avoir attendu, désolé pour les problèmes techniques. Non, je comprends, c'est le début. Je te souhaite une bonne soirée alors et bois quand même un verre de vin à notre santé. Allez, bonne soirée. Amuse-toi bien. Bonne soirée, bonne fin de podcast. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Salut. Allez, ciao. Voilà, donc merci à lui. Donc voilà, comme ça vous avez fait un peu connaissance avec Monsieur Geeks League. Et je pense qu'on sera amené à se reparler, à mon avis, pour cette fédération des podcasteurs. Enfin, on verra, mais je pense que ça peut être intéressant. Voilà, mais donc maintenant qu'on a présenté un petit peu tout ça, ben, on va passer à la rubrique en vrac hein, pour terminer ce podcast en beauté. C'est parti! Donc après toutes ces péripéties et ces numéros difficiles du point de vue technique, mais très intéressant je pense. Et qui la faute encore oui. À Kirby. En même temps, qui s'occupe de la technique? Si j'étais pas là, il n'y aurait pas de technique du tout, donc il n'y aurait pas de podcast. Hein, donc, ouais. À partir de ce postulat, vous n'avez aucun commentaire à faire. Putain, mais tu ne peux pas savoir si il y a... J'ai formulé des phrases cohérentes, avec des mots compliqués en plus, comme postulat. Ça postule, c'est compliqué, postulat. T'imagines? Pour lui, oui. Ouais, bah, surtout vu l'heure, vu mon état de fatigue et vu l'alcool. Toujours en train de se plaindre de la fatigue. On va revenir un peu hein, sur le cœur du sujet. Donc maintenant qu'on vous a présenté Bipod en large, qu'on a un peu parlé de notre projet, en travers surtout, et qu'on a parlé de l'avenir du podcast, un peu avec M. Wally de Geeks League, on va terminer cette émission à la cool par la rubrique habituelle en vrac. Où chacun parle de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a aimé, pas aimé, ce qu'il a vu, lu, joué, peu importe. Voilà, donc c'est un peu le fourre-tout, on va dire, du BGS. Chacun commente ce qu'il a envie et parle de sujets qu'il a envie. Donc, je ne sais pas si un de vous a envie de commencer sur un sujet en particulier, sur quelque chose qu'il a... Je vous laisse là. À vous l'honneur. Stetson? Tu as joué à quelque chose? Tu as vu quelque chose? J'ai joué à deux choses dernièrement. Ah, mes deux derniers jeux, c'est Elle est noire. J'en ai beaucoup entendu parler de celui-là. Bien testé aussi. Moi aussi, donc tu vas nous dire quoi? Parce qu'on est intrigués tous les deux, je pense. Bon, bah donc on va commencer sur celui-là. Et je ne dis pas le deuxième jeu auquel j'ai joué. Tu le diras après. Elle est noire. Rockstar, Elle est noire. Team Bondi. Team Bondi publié par Rockstar et développé en accord avec Rockstar. Je sais pas ce que vous me l'avez déjà expliqué, mais ouais. C'est pour ça que j'ai dit exprès. Je me doutais bien. Team Bondi, c'est un nouveau studio, mais principalement c'est le chef du studio avait Team Solo avant qui a fait pour c'était des jeux qui n'ont pas super bien marché, mais c'était The Getaway 1 et 2 sur PlayStation. T'attends, mais quelqu'un aurait-il un petit chips pour ce pauvre Kirby? Le rhum. Désolé pour le bruit. Brûler le bosier. Oui, excusez-nous pour le bruit. The Getaway, qui était des GTA-like à Londres, qui avait des problèmes, mais où l'histoire était fort. Dans le bruit. L'histoire était plus importante que dans un GTA, c'était plus scénarisé. C'était pas des mauvais jeux au niveau de l'histoire, c'était un peu des mauvais jeux au niveau du gameplay qui avait des gros défauts. Et soit. Elle est noire, c'est un projet qui date déjà de. Il y a fait bien 5 ans qu'il est en développement, quelque chose comme ça. Et l'histoire. J'y arrive. L'histoire, c'est espèce dans les années 50 à Los Angeles. Le Los Angeles des années 50 est différent de celui de maintenant, évidemment. Ouais, c'est sérieux? Beaucoup plus petit. C'est une bonne époque pour Los Angeles. C'est là où ça a commencé à grandir et tout ça, donc ça se prête bien. Et on joue le rôle d'un. C'est un vétéran de la guerre qui revient au pays et qui devient policier. Un peu toi, quoi. Oui, moi je suis vétéran de la guerre, j'ai fait la Deuxième Guerre mondiale en fait. Ça se voit pas. Hein, mais... Non. Peut-être au Vietnam, tout ça, on y va. Ouais, bah oui. Et donc. Ouais. Donc voilà, il devient policier. Tu as tué Ben Laden et qu'il a tweeté. Ah, c'est Stetson. Je sais pas. Bon, c'est pour ça que je suis si occupé. Tu comprends maintenant. Tu chasses les terroristes. Mais oui. Au nom de la démocratie. Donc voilà, il devient policier. Ensuite. Jason Bourne, ouais. Ensuite, il devient plutôt inspecteur, enquêteur. Vous voyez l'intérêt qu'il portait à l'histoire. Hein. Dès que j'ai commencé à en parler, ils ont commencé à déconner. Excuse-nous, Jason Bourne. Jason Bourne, vas-y, continue. Bah voilà, c'est un jeu d'enquête plus qu'un GTA-like. Donc ça suit une structure d'aller sur... on nous donne une affaire et ensuite on va sur les scènes de crime ou d'enquête. On analyse la scène, on récolte les indices. Donc ça se fait avec un système un petit peu dans le style d'un point and click. On passe près d'une zone, la manette vibre et ça nous dit qu'il y a un indice, alors on tourne un petit peu. Est-ce que c'est dans le jeu de... dans le style de ton jeu fétiche sur PS3 Heavy Rain, mais c'est pas mon jeu fétiche sur PS3, mais je trouve que c'est un bon jeu. Je le confirmeras. Oui, il me semble. Tu te masturbes souvent devant, du cas comme des GS. Non. Mais bon, soit. Donc... Heavy Rain est encore beaucoup plus linéaire, il n'y a aucune liberté vraiment dans Heavy Rain. Ici, on a quand même. Oui, mais je veux dire, au niveau récolte d'indices, enquête, tout ça, non, pas du tout. Non, pas la même. Heavy Rain, ça jouait beaucoup sur des gimmicks, sur des QTE et tout ça. Eleanor joue plus comme un GTA-like, mais plus centré sur des enquêtes. Pour les non-geeks qui ne seraient pas QTE, Quick Time Event, je précise, on ne sait jamais. Hein. Cupuc, question pour un champion. Donc, Eleanor. Cupuc. C'est plus un mélange entre un jeu d'enquête et un GTA, parce que quand on est les zones entre les scènes de crime et les interviews, je viendrai aux interviews après, ben on se balade dans la ville, on peut pas voler des voitures, mais on les réquisitionne en montrant son badge. Et... Par contre, grosse différence avec un GTA-like, ben vu qu'on est policier, on n'a pas le droit de foncer dans les voitures des autres, on n'a pas le droit d'écraser des patients. Des patients. Je me demande si j'ai pas le générique de Cupuc sous le... D'écraser des... J'ai oublié le nom. Des passants, voilà. Tout ça, sinon, ça... Il est passé, vous l'avez pas entendu, parce que vous n'avez pas votre casque. J'ai diffusé le générique de questions pour un champion. Laisse-le parler. Excusez-moi. Et donc, ça, tout ça, ça, à chaque fin de cas, donc chaque fin d'une enquête, on a une note. Et par exemple, si on écrase des passants, ben, ça se répercute sur la note finale. Une prime de fin d'année moins importante. Et donc, c'est l'inverse de GTA, quoi. Quand tu renverses une pute, tu gagnes X points. Oui. Avant, dans les premiers GTA, il y avait vraiment ça. Et donc, ben, ça, c'est les phases qui sont un peu répétitives, les récoltes d'indices, parce que bon, on arrive toujours sur une scène, on tourne autour de la scène pour trouver les indices à avoir. Et puis ensuite, on va faire les interviews. Alors là, par contre, le jeu est vraiment impressionnant parce qu'ils ont utilisé une nouvelle technologie pour capturer les visages. Et l'interview te donne vraiment un effet de quand tu dois, donc tu dois poser des questions, voir si tu doutes de la réponse de la personne, bah tu peux le dire. Si tu penses qu'elle ment, tu peux le dire, mais il faudra que tu apportes une preuve. Ou bien si tu dis qu'elle dit la vérité. Et grâce à la technologie de capture faciale, on pense arriver à distinguer quand ils mentent ou quand ils mentent pas en fonction. Certains, c'est plus visible que d'autres. Et c'est vraiment super bien fait, c'est AD. Alors, il y a plusieurs fins possibles, alors, non ? Selon comment tu mènes ton enquête, si tu crois un ou l'autre ou... Tu peux avoir des mauvais cas. Moi, j'ai eu un cas où j'ai eu vraiment une mauvaise note, mais ça n'a pas l'air d'avoir un impact sur la fin du jeu. Tu dois faire, par exemple, un innocent, puis qu'après ça te joue. Ah, vous, t'avais violé un suspect. Non, mais j'ai accusé un innocent. Il a caché la caméra, tu vois, il est arrivé, il a mis sa veste sur la caméra, et puis, personne ne sait ce qui s'est passé après. T'as accusé un innocent ? Ouais. C'est comme Michael Jackson. Michael Jackson est innocent. Quand il a tripoté 2-3 gamins, c'est tout. Et DSK est innocent. C'est un homme, DSK, arrêtez avec ça. C'est un homme, il a des besoins comme vous et moi. C'est tout. Moi aussi, de temps en temps, la famille est bénale. Bon, bref, allez-y. Mais cette technologie-là est vraiment le. Justement. Cette technologie-là est vraiment un des points importants du jeu, au point où c'est vraiment tellement bien fait. Ça apporte beaucoup, beaucoup à la réalisation du jeu. Kirby fait des drôles de visages. Ouais, mais le rum est plus fort que ce que je m'attendais, en fait. Mais c'est pas grave. Même chose pour le rum Morito, ici. Mais c'est normal, j'ai rajouté du rum dedans, mais il est plus fort que ce que j'imaginais. Bon, bref. Ouais, bah, moi aussi. Bah, voilà, donc c'est un jeu d'enquête et d'interview, et on grimpe les échelons dans notre carrière. On suit des serial killers et tout ça, c'est intéressant. franchement, le jeu est très bien réalisé, la ville est comme n'importe quel jeu où il y a le nom de Rockstar, c'est, la ville est superbe, ça n'a rien à voir avec tous les autres GTA like. La musique est superbe aussi, c'est du jazz des années 50. Pour revenir, ça c'est cool. Pour redevenir sérieux de 3 minutes, parce que vous ferez qu'on partait un peu en vrille, mais honnêtement, s'il y a bien un jeu qui me tente pour le moment, c'est celui-là. Ouais. Bon, très franchement, c'est le jeu que je pense essayer prochainement. Le seul défaut que je lui trouve, c'est fort répétitif sur la structure du jeu, mais ça se veut un peu en avec temps, l'histoire. Quoi. Voilà, c'est la structure du jeu qui veut ça, ils peuvent pas non plus faire de miracles et changer mais tout au tout. Et c'est, voilà, c'est... Donc. Le jeu est fort. Il y a des petits des journaux dispersés dans les lieux où on va qui donnent des informations sur ce qui se passe par des vidéos qui sont vraiment très sympas. Les acteurs, le doublage est excellent. Il y a pour les fans de Fringe. C'est pas en VO ? Ah si, c'est en VO. Hein ? Enfin, ça a quand même du doublage. D'accord. Mais oui, c'est en anglais, t'inquiète. Parce que les jeux vidéo ne parlent pas encore, n'ont pas de voix à eux. Donc pour les fans de Fringe, ah ouais, je sais que tu as toujours pensé que Mario avait sa propre voix. It's me, Mario. Mais malheureusement, c'est un doubleur. Bah, je suis déçu. Là, j'imagine. Donc pour les fans, le kangourou de Walibi n'existait pas. Oui, oui. Ça t'a fait mal à ton petit cœur. Mon petit cute. Pour les fans de Fringe, il y a Walter Bishop, enfin l'acteur de Walter Bishop, qui joue un personnage. Et je le savais pas avant. Et il n'a pas la même tête que... Enfin, il a des points communs avec son et visage il a pas, IRL, il a mais... Il a pas les traits autour du Bishop, quoi. Ben si, justement, mais quand il parle, il a les mêmes traits. C'est ça qu'on voit à quel point le jeu est bien fait, dû au fait que son visage reprend vraiment les mêmes expressions faciales qu'il a dans la série. Je sais pas s'il les a... Il ressemble à Walter Bishop, quoi. Tu l'as jamais regardé Fringe, si. Si, mais je dis, justement, il a plus de la série, je sais pas si... Ben si, je sais pas s'il est comme ça dans la vraie vie ou bien si c'est pour Fringe, mais il ressemble un peu à Fringe dans ses... Mais j'ai vu une interview de lui, dans Fringe il accentue quand même le côté un petit peu savant, un peu cinglé, un peu... Oui, c'est pas spécialement ça, c'est plutôt les expressions vraiment faciales. Oui, c'est l'expression de visage pour le coup, mais la seule chose qui l'accentue vraiment dans Fringe, c'est l'aspect, les yeux un petit peu... Comment... Vague perdu, et tout ça. Un peu vague, toujours l'air ailleurs et absent. C'est surtout ça qui l'accentue, parce que sinon... Et il est vraiment, enfin, c'est un personnage important vers la fin du jeu, mais sans savoir que c'était lui, j'ai clairement reconnu grâce aux expressions et tout ça, et à la voix évidemment. Hein, mais à part le reproche que c'est répétitif, mais qui en est pas un parce que c'est la structure du jeu se veut comme ça, il n'y a pas vraiment le choix d'avoir fait autrement, à part s'ils avaient voulu faire beaucoup de rebondissements. Mais voilà, on a dit quoi, tu peux pas faire de miracle non plus. Non. Et le jeu, il a une structure pour une bonne raison. Et on ressent les côtés de Getaway qui étaient plus scénarisés. Lui aussi, il est plus scénarisé. Un peu plus linéaire aussi de ce fait-là. Mais voilà, c'est un très bon jeu. C'est pour moi, c'est le jeu de du début d'année. Franchement, c'est le prochain jeu que j'essaierai, à mon avis. Et l'autre jeu alors, puisque tu... Ouais, l'autre jeu, c'est beaucoup moins... Ça va vous plaire beaucoup moins, mais c'est Dirt 3. Toys. C'est quoi ? Dirt 3. C'est un jeu de bagnole, ça. Ouais. Ça me plaît pas vraiment. J'ai bien aimé, moi, le précédent. Donc, c'est... Enfin, avant, ça s'appelait Colin McRae Dirt. Bah oui, moi, j'ai bien aimé. Depuis qu'il est mort, ça s'appelle plus Colin. Non, mais ils essayent d'effacer le nom depuis quelques temps. Mm-hmm. Mais ça peut... Enfin, est-ce que c'est... Bon, à mon avis, comme des choses, c'est peut-être plus... C'est plus trop rendable, Colin McRae, à l'heure actuelle. Non, avant, c'était non. Un nom qui était vendeur. Ouais, puis ils ont plus viré... Avant, c'était un vrai jeu de rallye, quoi, Colin McRae. Maintenant, ils ont viré plus arcade. Ouais, un petit peu plus arcade. Il y a d'autres courses que du rallye, quoi. Il y a du Land Rush et tout ça. Des courses de buggy, tout ça. Donc, maintenant, c'est plutôt... la personne qui représente le jeu, c'est plutôt Ken Block, quoi. Qui ? Ken Block. T'as jamais vu les vidéos de Jim Cana ? Je vois que tu n'arrives pas à boire, vide-moi un peu de ton rum burrito, là, non ? Si t'arrives pas à le finir. Donc, toi, tu sais qui est Ken Block ? Oui. Bah voilà, maintenant, c'est plutôt celui qui représente le jeu, c'est plutôt lui, quoi. D'ailleurs, qui est Ken Block ? Un pilote de rallye, c'est aussi le patron de DC Choose. Et il a fait des vidéos qui s'appellent Jim Cana 1, 2 et 3, qui sont très impressionnantes. Tu les vois au porno, à chaud. Jim Cana, il fait de la gym en maillot. D'accord. Et d'ailleurs, le Gymkhana est une des nouvelles disciplines de Dirt 3. Bah, moi, j'aime bien Dirt, j'aime bien jouer au volant, ça m'amuse. Mais j'aime bien même. Mais c'est pas comme Elle est Noire, quoi. Ça a rien non, à voir. Ça s'appelait... Il ne faut pas croire, j'ai joué au Need for Speed, j'ai joué Colin McRae, j'y jouais, Verali quand ça existait encore. Verali. C'est vieux. Je remonte au fur et à mesure dans le temps, mais je veux dire, j'ai toujours un petit peu joué au jeu de voiture malgré tout. C'est un très bon jeu de voiture pour jeu de voiture rallye arcade. Je jouais notamment avec Chauve sur Nintendo 64, un jeu qui s'appelle F1 World Grand Prix. Ouais. On en aurait tous les deux parce que dans ce jeu, tu pouvais très bien lancer une course où il n'y avait que deux voitures, donc les deux joueurs. Et le principe, c'est qu'on prenait un Grand Prix, je crois celui d'Allemagne si je ne dis pas de bêtises. Oui, le Nürburgring, c'est celui où il y avait de très longues lignes droites. Parce que l'ancien Nürburgring. Oui, voilà. Et alors le principe, c'est que comme il y avait de longues lignes droites, c'est pour ça qu'on l'aimait bien, on se mettait chacun en bout de ligne droite. On faisait du stocker en forme. Et on fonçait le plus rapidement, en fait, le plus rapidement possible pour foncer l'un dans l'autre. Et c'est le dernier qui restait en piste, qui pouvait encore rouler, qui avait gagné. Voilà, parfois on se retrouvait sur une seule roue, oui, c'est vrai, parfois, l'autre avait un certain avantage. Et on roulait, hein, l'autre venait de l'autre bout de la piste, mais nous on continuait à rouler sur une roue, à assister au milieu de la piste comme un grand clampin. C'était assez épique. Bref, c'était une petite partie. D'ailleurs, j'ai pas grand chose à dire dessus. Déjà, ça fait pas longtemps que j'y joue. Il est pas sorti il y a longtemps. C'est un bon jeu de rallye arcade, amusant pour ceux qui aiment bien, quoi. C'est fort impressionnant graphiquement. C'est super. Ça prend du temps, quoi. Parce que pour jouer à un jeu de rallye arcade, je suis désolé, faut du temps. Pourquoi ? Arcade, justement, faut moins de temps qu'une simu. Oui, mais bon, je me comprends. Bon, je trouve que tu vas me faire le plaisir de couper Angry Birds, s'il te plaît. Ouais ! Voilà, pour un jeu pour les gens qui faut du temps aussi. Tu veux en parler ? C'est chronophage, Angry Birds. Hein. Ah bon. On va peut-être laisser finir cette zone quand même. Tu avais autre chose Sur Dirt, non Non, mais je veux dire. Non, pas que je pense maintenant. Un film vu, un truc lu. On verra après. Quand je vais parler de Trio Flag, tu. Peut-être. Ouais, d'accord. Mais je sais pas si vous avez des questions sur Elle est Noire, vu qu'ils vous tentent tous les deux. Mais... Je verrai en l'essayant, je veux pas dire beaucoup plus. Pareil, mais... Par contre. Ce que tu as l'air de dire, franchement, il me tente bien. Dans les défauts. T'es arrivé loin dans le jeu Je l'ai fini. Bah oui, combien d'heures de jeu Une vingtaine, mais j'ai pris mon temps. Et j'ai pas. Ah ouais, donc c'est assez court. Ah, moi je trouve que ça va, ça descend quoi. Bah, une vingtaine d'heures. Quand ça dépasse, enfin pour moi à l'heure actuelle, on fera peut-être un débat un jour là-dessus, mais au moins dans les. Moi les RPG qui dépassent 30-40 heures, c'est trop long. Moi quand ça dépasse 16 heures, c'est une durée de vie raisonnable. Quand ça dépasse les 16 heures, pour moi ça va. En dessous de 16 heures, ça devient limite, je trouve. Ça dépend du jeu. Un FPS qui dépasse 8 heures, par exemple, c'est un FPS long. Ça dépend du jeu. Mais à partir du moment où il y a, dans le cas de Les Noirs, un scénario, une histoire, quelque chose à suivre, des quêtes, comme dans des RPG, je trouve qu'en dessous de 16 heures, c'est un peu, ça devient un peu juste. Mais bon, c'est mon avis. Hein. Chacun se fait son opinion. Le seul défaut que je dirais, c'est... Ça dépend du jeu, de toute façon. Vous y jouiez sur 360, j'imagine, tous les deux. Oui. Non. T'as une PS3 ? Pas encore parce que j'ai plus de 360 pour le moment et je ne sais pas encore. Bah bon, un des défauts sur 360 c'est qu'il est sur 3 DVD. Ah ouais ? Ouais. Que sur PS3 il est sur Blu-ray. Il est sur un Blu-ray. En plus, c'est un jeu qui a été développé. À la base, c'était une exclu PS3 quand même. Donc Tim Bondi l'a développé pour PS3 pendant des années. Comment ça se fait qu'il est sur 3 DVD ? Bah parce qu'il n'y a pas assez d'espace sur un DVD. Ouais, mais. Un Blu-ray, c'est énorme. Pour te situer, un Blu-ray, tu peux mettre 64 Go, un DVD, tu mets 4,7. Donc à partir de là. Non, t'en mets 8. Oui, 8,9 parce que c'est double couche. J'ai jamais vu de jeu Xbox qui tenait ça. Si, le dernier Final Fantasy, Forza. Les gros jeux sont toujours maintenant. Le DVD, c'est un gros problème pour Microsoft. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais je vais le dire vu qu'on en parle. Mais... Je crois qu'on en parlera dimanche, à mon avis, mais vas-y. Dimanche, donc Télécom, ils vont pas arrêter la pub. Ils essayent de pousser un nouveau firmware pour avoir des DVD normaux, mais un peu plus grands, genre 1 Go en plus, je crois, non ? Ah non, c'est pas ça, alors qu'on avait parlé. Mais... Bon, donc, des DVD qui ont quelque chose comme 1 Go en plus. Mm-hmm. Et c'est un firmware update qui n'est pas accepté par toutes les consoles. Ah, tu parles du DVD 10, là, de. Oui, si, j'ai vu. Enfin, c'est un DVD qui n'est pas accepté par. Le firmware n'est pas accepté par toutes les consoles. Mmh. Et donc, si ta console n'est pas acceptée, n'accepte pas le firmware, il te renvoie une nouvelle console gratuitement. Ah ouais. Enfin, tu leur renvoies l'ancienne et ils t'envoient une nouvelle. C'est bien, vu que la mienne est. Tu peux te renseigner. Ah, ça, je sais pas s'ils accepteront, mais. Ouais, bah, c'est pas de ma faute, ils font de la merde. C'est très difficile avec les consoles bidouillées. Ils ont beaucoup de. Oui, mais si elle m'avait pas claqué dans les doigts après 6 mois. C'est celle que j'ai, que j'ai réparée, que j'ai confiée pour réparation. Ouais, non, ils accepteront pas. Oui, mais je me doute bien. Il l'a désossé dans tous les sens. Mais bon, ça n'empêche que c'est sympa de la part de Microsoft de faire ça. C'est une console que Monsieur Chou a des problèmes avec, et m'a confié parce que j'ai un copain qui fait travailler dans l'électronique. Et... Mais... je l'ai vu démonter chez lui et il y avait des morceaux de ta Xbox un peu partout dans son appartement. Ouais, il a fait ça comme un chef. Parce que mais... eu de soucis. Bah oui, en attendant, voilà, elle fonctionne. Mais bon, c'est vrai qu'il. Quand tu vois le truc, tu dis. C'est risqué. Bon, je fais une aparté, mais c'est une personne chez qui j'ai toute confiance pour confier mes appareils, mais j'ai chaque fois peur quand je vois ce qu'il en fait. Je lui ai confié un disque dur une fois. Quand je suis revenu, que j'ai vu des morceaux de disque dur partout, surtout un disque dur qui est très fragile, les disques sont très. Je me suis dit, why? Et puis j'ai récupéré un disque dur qui fonctionne toujours à l'heure actuelle. Mais ouf, ça fait peur. Ça. Ouais. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Bon, bref, c'était une aparté. Mais le DVD, c'est un vrai problème hein, maintenant, comme taille. Mais voilà, ben. Bah, voilà, si non. Pour le moment, on va passer à Monsieur Chauve, peut-être. Si, je sais pas si tu as un sujet, quelque chose de. Mais comme vous l'avez remarqué, ils ont sorti Angry Birds sur Chrome. Ouais, je crois qu'on l'a tous remarqué parce qu'on a tous joué. D'ailleurs, je l'ai fini le jour de la sortie parce que je dois avouer que j'étais en formation informatique ce jour-là. Je suis en formation audio pour le moment et ils donnaient cours d'initiation à l'informatique. Ah oui. Donc, étant informaticien. Et Kirby a vraiment besoin de ça. Je me suis. Ben, en fait, ce qui se passait, c'est que je jouais à Angry Birds en reprenant le prof quand il faisait une erreur. Pour te situer la journée. Donc, j'ai fini le jour même le jeu Angry Birds. Ça m'a pris quelques heures de cours. Enfin, bref, vas-y. Ben voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu penses du jeu, vu que tu n'y avais jamais joué avant? Nous, on y avait déjà joué. C'est chronophage. C'est très chronophage. Mais c'est agréable. Oui, c'est très agréable. À part que je trouve qu'il commence à en faire, Rovio commence à en faire un peu trop sur les Angry Birds. Et j'ai l'impression qu'il tire sur le filon, donc c'est encore possible pour se faire un maximum de blé. Parce qu'il s'en fait que ça ne durera pas éternellement. Quoi. Ça me fait beaucoup penser au Yeti Sport il y a quelques années. Mais c'est le même genre de jeu et qui disparaîtra après un moment dans les méandres d'Internet, je pense. Mais il tire très fort sur le filon. Hein. Bah, c'est normal aussi. J'ai vu, ils sont en campagne de pub avec Samsung, là. Ils ont fait un accord avec le film Rio qui est sorti au cinéma. Enfin, ouais, j'ai vu. Mais bon, ça leur apporte du blé, ils vont même entrer en bourse, j'ai vu. Bah oui, tant mieux pour eux. C'est quand même un très bon jeu, donc. Ah, c'est excellent. Mais Yeti Sport était excellent à l'époque aussi, ça n'a pas empêché de disparaître. Mais il y avait aussi une surexploitation de Yeti Sport. Il avait sorti 8 ou 9, en version boîte. Ah, il y a 8 ou 9 hein, Yeti Sport quand même. Ouais, il les avait sortis en version boîte. Mais c'était des jeux de merde, quoi. C'était marrant en flash. Même en flash gratuit sur Internet, c'était marrant. Mais voilà, je trouve quand même qu'Angry Birds a un autre niveau de développement. C'est un autre niveau, c'est plus développé, mais c'est leur. Ça, je suis désolé, mais c'est le. Pour moi, c'est la même chose que les e-sports, c'est juste l'époque qui change. C'est tout. C'est qu'à l'heure actuelle. Ça me fait beaucoup penser. C'est qu'à l'heure actuelle, ils ont plus de possibilités de par les iPhones et les enfin, tous les smartphones qui sont beaucoup plus puissants, qui sont beaucoup plus. Ils ont plus de possibilités. Yeti Sports, c'était un bête jeu en flash développé par un amateur à la base, c'est tout. Ouais. Donc, moi, pour moi, c'est la même chose, c'est juste l'époque qui change. C'est pour ça que c'est mieux développé, c'est tout. Faut voir s'ils n'arrivent pas à développer un autre jeu qui sera très bien, quoi. Je pense qu'ils vont se faire sucrer par une grosse compagnie, par c'est quasi sûr. Une application qui va arriver un jour ou l'autre, qui va créer le buzz sur iPhone et qui va prendre, ce qui va supplanter Angry Birds, c'est qu'il va. Je pense que ça va passer comme ça. C'est possible. Je ne sais pas dire laquelle, peut-être Abduction qui est Abduction là, qui est assez sympa ou je ne sais pas, mais je pense que ça arrivera tôt ou tard parce qu'Angry Birds pour moi, là ils arrivent dans le moment où on peut considérer que c'est de la surexploitation et que les gens vont commencer à se lasser. Je pense. C'est possible. Bon. Mais bon, les gens n'ont pas l'air de se lasser des jeux Facebook, hein, pourtant c'est ce qu'on disait aussi avant. Ouais, c'est pas bon. En même temps, dans Télécom, on a même prédit la mort de Spotify, et pourtant chaque semaine, on a une news Spotify, et j'en ai encore une ce dimanche. Bah, faut dire leur. Donc, voilà. Bon, bref, on va pas débattre de Spotify, on parlera pour rentrer si tu veux. Chauve, ouais. Je vais te manger tes chips. Tu as autre chose qu'Angry Birds? Tu n'as pas vu un film, lu un livre, écouté un album, je ne sais pas. Quelque chose? Bah. Ce mois-ci, c'est assez cool. Enfin, c'est limité. À part le Tropico premier du nom dont j'ai parlé, mais sur lequel je ferai un article pour Bipot. Donc, tu peux peut-être nous dire rapidement ce que tu en as pensé. Bah. Ça date de 2001 déjà. Et me passer le paquet de chips si tu veux bien. Oui. Donc pour ceux qui ne seraient pas Tropico, c'est un jeu de gestion tout ce qu'il y a de plus classique où on incarne un dictateur des îles Caraïbes au début des années 50 qui doit développer son île, donc collecter des ressources et atteindre des objectifs qui sont définis par différentes missions. Mais ça a toute une atmosphère parce que c'est très Fidel Castro. C'est pas un peu humoristique ? Si, c'est très humoristique. Il y a moyen de flinguer les opposants, des trucs comme ça. C'est assez décalé. Avec la petite musique cubaine. Et donc là, en fait, le 3 est sorti. C'est une vieille franchise. Le 3 est sorti, je pense, l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je dirais. Aussi. Et ils ont réédité Tropico 1, le add-on de Tropico 1 et Tropico 2, que j'ai acheté pour 7€, je crois, sur eBay. Et voilà, donc... pour 7€ sur eBay, ça le vaut, quoi. Oui, ça, largement. Graphiquement, c'est dépassé, mais parce que ça date de 2001. On est moi, d'accord. Jamais... Entre amateurs de l'Olys, on est d'accord. C'est j'ai jamais pas été très regardant, non. Voilà. Maintenant, tant que le fun est là... A priori, c'était censé fonctionner que sur XP enfin, et version antérieure. J'ai réussi à le faire tourner sur 7. Maintenant, graphiquement, c'est tellement vieux que même sur mon portable, t'as 2 grosses bandes noires de... C'est la résolution, ça. Oui, je sais. De 4 cm de noir de chaque côté. Quand je joue à des, des vieux jeux Atari sur mon PC, j'ai plus que 2 bandes noires. Ouais, bah oui, j'imagine, mais voilà. Mais pour ceux qui s'intéressent, il est sur Good Old Games, plus simple que eBay. Ouais, quand même. En plus, il marchera directement. Sur quoi ? Good Old Games, GOG. Je connais pas. GOG.com. Je connais de nom, mais je n'ai jamais utilisé. Excellent site pour vous qui aimez bien les vieux jeux. Ah bah, moi, quand je veux vraiment. Mais vieux jeux, attention, vraiment vieux jeux. Donc, soit j'achète sur Brocante pour console, soit si sur PC, je vais sur des sites d'Abandonware, du style très bon site, losttreasures.fr. Qui est génial pour tout ce qui est Abandonware. Ils ont une base de données énorme. Il y a, je sais pas, 40 000 jeux. Ouais, mais bon, il y a toujours des petits problèmes et tout ça. Ah non, chez eux, franchement, ils expliquent chaque fois que quand tu télécharges le jeu, comment l'utiliser. En fait. Sur ce site-là, tu télécharges, en fait. Ouais, enfin, t'achètes. Hein. Ouais, t'achètes, mais tu télécharges. Ouais, et en plus, ça marchera. Enfin, le jeu est refait par eux, donc... Alors que Lost Treasure, c'est gratuit parce que c'est des Abandonware. Bon, bref, on va... Oh, il y a Total Annihilation. Ouais, non, mais Good Old Games, c'est vraiment excellent. Donc, Chauve, c'est dit tout, alors tu n'as pas vu de film spécialement que tu as envie de parler ou... Ben, j'ai vu aussi comme série, mais qui a déjà aussi 2 ans, Dead Set, mais j'en ai aussi fait un article. Ben, c'est pas grave, vas-y, c'est un complément d'article. Sur Bipod. Donc, une série de zombies, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est en anglais. C'est assez court parce qu'il y a 5 épisodes, hein, 45, le pilote fait 45 minutes et les autres font 25 minutes, je crois. Donc ça fait un gros long métrage. Tu vas me les copier juste après le. Passer la VHS que tu as enregistrée sur l'époque. La seule originalité, le petit plus plutôt, c'est que les protagonistes principaux sont les candidats de. Du Big Brother anglais. Big Brother. Mm-hmm. Et c'est dans la maison Big Brother. Ouais, enfin, il y a des scènes d'extérieur. C'est pas un huis clos, mais les personnages principaux, oui, viennent de là. Et c'est assez sympathique. C'est très très sanglant. Ils ont pas fait de. C'est filmé caméra à l'épaule. C'est du zombie moderne. Donc ça court. Il y a quelques petits trucs sympas. Ça, c'est le défaut que j'aurais à émettre, mais bon, c'est Moi, j'aime bien les deux aussi. Je n'arrive pas avec les deux zombies qui enfin, 28 jours plus tard, c'est excellent. Quoi. Ouais. 28 jours plus tard, c'est excellent, mais malgré tout. C'était le fondateur du zombie qui court. J'ai du mal avec les zombies modernes qui courent, avec les infectés, comme on les appelle. Ouais. J'ai plus de mal qu'avec les zombies qui. Dans le remake de Dawn of the Dead, il court ou pas ? Ouais, il court. Ouais, je trouve qu'il est mieux que l'original, moi, le remake. Moi, j'ai du mal. Le film est excellent. C'est les zombies en eux-mêmes qui courent, qui me dérangent. Ça rajoute une autre tension. Ouais, voilà, c'est ça que j'aime bien. Je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que t'as dit dans ton article, je crois. Le zombie, justement, c'est ça qui... C'est, il ne court pas, mais malgré tout, les crétins d'humains qui sont là-dedans finissent toujours par se faire attraper, mm-hmm. finissent toujours par... Ouais. Et justement, c'est cette tension de savoir qu'à un moment ou un autre, ça va surgir et que... Même si le zombie il ne court pas, donc il pourrait très bien le semer, ils finiront par se faire. Enfin, je sais pas. Mm-hmm. C'est toute cette tension, cette. Je crois que si les zombies avaient couru dès le début, il y aurait moins eu cette culture de se dire putain, on pourrait faire mieux qu'eux, tu vois. C'est totalement possible, mais moi justement, c'est ça que j'aime bien, c'est le côté on peut faire mieux qu'eux, mais comme ils sont tellement en meute, et ça, c'est un mal qui se propage à une vitesse ahurissante, les humains finissent quand même par se faire. te fait rattraper. Moi, c'est ce côté-là que j'aime bien. Bon, bref, c'est un autre débat. On fera peut-être un jour dans un BGS. Continue, chauve. Oui, donc, globalement, c'est très... moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est pas vraiment le même style, même si ça parle de zombies, mais je trouvais ça bien meilleur que... Walking Dead ? Oui, Walking Dead. Ben, j'espère, parce que Walking Dead déçu de la deuxième moitié. Oui, ça... Enfin, moi, je commence à savoir. Walking Dead, ouais, il exagère un peu. Peut-être tu l'as toujours pas vu ? Ah si, je l'ai si, vu. Si. Ah oui, c'est toi qui n'as pas vu Dead Set. Ouais, je me disais. Bah. Mais le début est bien. Le ouais. Jeu d'acteur de Dead Set est quand même un poil limite, quoi. Oui, mais bon, vu les personnages qui... Ils sont censés jouer des gros débiles, voilà, donc voilà, je comprends. Débiles, donc ils font les gros débiles. S'ils jouent des gens qui participent à l'émission. Mais il y a quelques personnes sympas, genre le producteur ouais. Complètement à la masse. Qui doit... L'animatrice de l'émission dans la série est la même que celle du vrai Big Brother. Et elle a pas un petit, c'est pas un petit caméo, quoi. Elle joue vraiment un rôle, ouais. Même si... comme j'ai encore écrit, on la voit plus souvent sous forme de zombie que... Ouais. Voilà, zombie ou présentatrice de Big Brother, finalement, ça... C'est un peu... Et le logo est le même que celui de Big Brother, hein, je crois. Oui, avec une petite variation. Ouais. Et il y a aussi une scène que j'ai beaucoup aimée. C'est au début, je crois que c'est dans le premier épisode, quand les zombies, les infectés, commencent à envahir le studio de la production. C'est qu'il y a une grosse scène de carnage avec du Mika en fond sonore, une chanson de Mika toute joyeuse et relax. C'est pas celle-là, je sais plus laquelle c'est, mais j'aime bien le décalage entre les deux, j'ai trouvé ça assez marrant. Donc voilà, ça c'est court, ça se regarde. Moi j'ai regardé, bah oui, c'est un gros ça se regarde vite fait, quoi, 2h30 en tout. Ouais, à mon avis 2h30. Bah c'est court pour une série. Mais oui, les Anglais font déjà quelque chose de plus court. Donc, bah, généralement, oui. Je voyais, j'ai rediscuté récemment de IT Crowd avec quelqu'un que je vois tous les jours. Enfin bref. Et c'est vrai qu'au final, c'est court, mais au moins, je vais pas dire intense, mais ça vaut le coup d'œil. Mais chaud, j'avais juste. J'ai quand même envie d'avoir, parce que j'ai deux sons de cloche en fait, vis-à-vis de cette série-là, donc j'hésite à la regarder. Mm-hmm. C'est la série de Kennedy, justement. Ouais. Toi, apparemment, tu as plutôt apprécié. Enfin, ça ne t'a pas... Oui, Stetson non, m'a clairement dit, c'est de la merde. Mais j'aimerais bien voir la vie de Stetson. Mais donc, j'ai pas bien vu avoir, ouais, justement, tout, j'aimerais avoir deux avis. J'ai regardé le début et ça c'était mal joué. Non, c'est pas mal joué. Moi, j'ai trouvé ça mauvais, quoi. C'était... Mais je te dis, j'ai même pas fini le premier épisode. Hein, donc peut-être ouais, que ça s'améliore après. Moi, je trouve justement que c'était, au niveau interprétation, c'était quand même vachement bien foutu. Et les acteurs principaux, du moins, ils ont vraiment fait un effort, de gros effort pour coller au personnage, notamment celui qui joue John Kennedy, qui reprend assez bien ses mimiques, ses intonations, et aussi sa gueule, quoi. Même chose pour celui qui fait son frère ou sa femme. C'est vraiment, je saurais pas dire les voilà, acteurs. Si tu connais pas les originaux, ça ouais, peut pas dire, mais franchement, c'est très très ressemblant. Bon, oui, c'est pour ça ne fait pas tout, mais même en général, je trouve que c'est assez bien joué. Et puis il y a Tom Wilkinson, je sais pas, celui qui faisait le docteur dans Eternal Sunshine, là, celui qui faisait des. Oh, Eternal Sunshine, j'adorais ce film-là. C'est un des rares Gondry que j'ai bien aimé. Pourtant, je suis pas. Un des rares quoi ? Michael Gondry. Un des rares Gondry que j'ai bien aimé. Pourtant, je suis pas généralement fan de Gondry, mais là. Ah bon, bref, continue. Et non, moi j'ai trouvé. Enfin, sur le plan cinématographique, j'ai trouvé ça quand même plutôt bien foutu. Maintenant, historiquement, c'est là que ça s'est attiré pas mal de critiques. Ouais, il paraît que c'est assez. C'est l'interprétation, quoi, peut-être, non ? C'est assez compliqué. Historiquement, non, il n'y a pas de grosses fautes. Enfin, je suis pas spécialiste, mais voilà. Je me connais vaguement. À part l'assassinat où il montre clairement que John Kennedy a été assassiné par un seul homme, alors que même maintenant 75% des Américains n'y croient pas. Donc si dans les 75% d'Américains, il y a quand même quelques dizaines de millions de gros blaireaux, donc ça c'est un peu du foutage de gueule. Mais sinon pour le reste, c'est assez, au niveau événement politique, c'est assez comment dire, réaliste, enfin Ça reflète bien l'époque. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est une série en 8 épisodes, donc tu ne résumes pas le mandat d'un président des États-Unis sur une série de 8 épisodes. C'est un sujet trop complexe. Et il y a aussi beaucoup de scènes, beaucoup de scènes privées où là, forcément, il n'y a pas de vérification possible. Et là, c'est vrai que ça les met pas un peu en image assez négative. Bah si, mais bah, en même temps, c'est un John Kennedy, c'est un gars enfin, qui a sur beaucoup de biopics, c'est vendeur de mettre une image négative d'une célébrité. C'est un gars qui a une image de mythe comme ça. De, ouais, de, voilà, de c'est grand, un mythe aux US. De grand défenseur voilà. De la paix, mais en fait, casser, un... casser le mythe, c'est un petit peu le, c'est un peu vendeur aussi d'un côté. Mais on sait maintenant et on le sait de plus en plus que en fait, c'est un. Hein, c'était un trou du cul qui trompait sa femme tous les jours et qui était accro à la drogue, enfin aux antidouleurs, beaucoup de choses. Une question à ce niveau-là quand même aussi, est-ce que, parce que moi j'ai bon, c'est des films, des biopics, genre celui sur Coluche, celui sur, je sais pas ce que, enfin bref. Sur Sarko. Sur Sarko, on en a parlé dans le café, ce qui va arriver. Mais bon, ouais, il est là, il est sorti. Parler. Oui, il est sorti, mais bon bref, j'ai pas envie d'aller le voir, enfin soit. Mais est-ce que c'est pas aussi le un peu vendeur, comme je le disais justement, dans ces biopics de casser un peu l'image d'un mythe et d'aller dans les côtés sombres. Et... Bah, parce que j'ai regardé celui sur Coluche ça récemment. Ça fait une autre vision aussi, c'est pas inintéressant. C'est une autre vision, mais c'est un peu un côté racoleur, non? Pour faire, ouais, bien pour sûr, attirer le public, attirer le chaland. Ça dépend. Attirer les lecteurs du Nouveau Détective. Et... Dans ce cas-ci, je trouve que... Ça se prête bien. Que la remise en question du personnage était justifiée. Quoi. Joli, le lever de pull tout en continuant la phrase. Hein. Donc, mitigé, quoi. Niveau cinématographique, c'est bien foutu, je trouve, même si c'est parfois il y a quelques longueurs. Niveau historique, ben voilà, vous apprendrez pas l'histoire en regardant ça. Mais, ça vaut le coup d'œil, je trouve si que ça ne mérite pas le monceau de critiques que ça s'est attiré. Surtout, beaucoup de critiques avant même qu'ils ne sortent, quoi. Bah, ouais, mais il y a eu beaucoup de problèmes avec sa diffusion aussi. Ouais, aussi, ouais. Parce que moi, je voulais la voir, et puis j'en ai parlé à Stetson, quand on était au cinéma une fois, et il m'a dit clairement, c'est de la merde. Donc, mais je t'ai dit que j'avais pas vu beaucoup, hein. Oui, mais voilà, mais bon, à partir du moment où il me dit le début, c'est de la merde, j'ai pas eu envie d'aller plus loin. Mais bon, c'est pas la série d'un... Alors que je voulais quand même la regarder, parce que les Kennedy, moi, c'est... Pour moi, elle a été fort marketée ici, on entendait à la radio tout le temps, plus que... À mon avis, il l'avait acheté il y a bien longtemps, bien avant qu'elle soit diffusée. Et il voulait pas... Peut-être, ouais. Parce que, enfin, c'est une toute petite série aux US, quoi. C'est diffusé sur une petite chaîne pourrie. Ouais. Donc, à mon avis, c'est surtout qu'ici, ils ont essayé de recouper un petit peu ce que... recouper leur perte. En faisant un peu de marketing. Mm-hmm. Mais bon, voilà, un avis différent que... C'est de la merde. Mais tu dis pas que c'est excellent, c'est acceptable non, quoi, pour toi. Ça va quoi, il y a des qualités et des... C'est la chasse. Des défauts. Oui, c'est ça. C'est le seul qui dit que c'est la chasse, mais je suis sûr que c'est lui. Bah bref, je trouve que tu m'as donné envie quand même de jeter un coup d'œil, parce que c'est quand même une période qui m'intéresse. Maintenant, je les ai en anglais non sous-titrés. C'est pas grave, ça m'intéresse quand même. Mais d'accord. On rediscutera après de ton oncle qui est aux États-Unis, qui te copie des Betamax. Oui, on parlera. On parlera hors antenne. Ça n'a rien à voir, mais je suis très déçu sur Good Old Games de ne pas trouver Carmageddon. Oh, alors là par contre, c'est décevant. En fait. Va sur Lost Treasure si tu trouveras Carmageddon. C'est vrai que c'est vieux, c'est très vieux Carmageddon. Mais c'était génial. Oui. Surtout quand ils ont dû mettre le sang vert parce qu'on ne tolérait pas que ce soit rouge et que ce soit du réel sang. Donc les gens s'est mis vert dans Carmageddon. C'est point à quoi? C'est lost-treasures.fr, je crois. Ouais. Mais cherche au Google, tu devrais le trouver. Ou tu cherches ou c'est abandonware-fr.org, il y a les deux adresses. Lostreasure.com. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est parce que là, c'est un truc sur du folklore égyptien. Mais cherche abandonware. Oui, je vais aller sur Google. Abandonware-fr. Point quelque chose. Ouais. Mais il va y avoir un nouveau Carmageddon par un studio indé. Et Duke Nukem arrive enfin aussi. Duke Nukem, pour moi, ça a jamais été très bon de base. Non, mais bon. On l'attend depuis tellement longtemps, en plus ça a l'air tellement marrant et fun que... Le seul point positif de Duke Nukem pour moi, c'est que c'est un vrai studio qui l'a récupéré. Il est effectivement sur Abandonware. Bah oui, bien sûr qu'il y est. Même Demo Emanant est présent sur ce site. Ouais. Je t'ai dit, c'est la mec de l'Abandonware. Mais bon, l'Abandonware n'est pas vraiment légal, il faut bien l'expliquer. Je ferai peut-être un sujet un jour là-dessus, mais comme les émulateurs... L'abandonware, ils partent du principe qu'il est plus commercialisé depuis X années, donc ils peuvent le distribuer gratuitement. Mais ils n'ont aucun accord d'éditeur. Par exemple, LucasArts est venu rouspéter pour des jeux qui dataient de plus de 10 ans, ils les ont retirés. Mais LucasArts est difficile. LucasArts, oui, c'est très difficile. Voilà, donc ils acceptent de les retirer quand même. Donc ils se respectent à une charte quand même, ils se confortent à une charte, mais c'est pas pour autant légal, quoi. Par contre, il y a certains éditeurs qui diffusent en abandonware certains jeux. Par exemple, GTA, le premier est diffusé en abandonware et le deuxième aussi. Ce qui est normal aussi, après 10-12 ans. Mais par exemple, je te dis, LucasArts, il est venu rouspéter pour des jeux qui dataient des années 90. Mmh. Mais LucasArts refuse même sur GOG. Hein. Il n'y a pas Monkey Lucas Island et tout ça. Mais quand, sur GOG, il y a une wishlist. Mmh. Et les... quand un jeu est assez haut, ils essayent de l'avoir. Et Carmageddon n'est pas trop haut. Je vais voir s'ils n'ont pas de moi maintenant. Beast and Bumpkins. Bon, bref. Chauve, tu as autre chose à... Bon, putain, ils l'ont pas non plus. Tu as autre chose à nous transmettre comme ça, ou... C'est joli de transmettre comme ça. Non, pas spécialement, non. Bon, Et toi donc, donc c'est à moi parce que j'ai beaucoup de choses à dire comme d'habitude, mais je vais aller très vite. Enfin, je vais essayer. J'ai beaucoup de coups de cœur en fait, c'est ça le problème. Comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses, essayé beaucoup de choses, vu beaucoup de choses. Ben, moi, je vais vous parler. Et son coup de cœur principal, je vous le dis déjà, un petit teaser, c'est Tree of Life. Non, vraiment pas. Mais vraiment, vraiment pas. Bon, je vais commencer par une bande dessinée, pour changer. Mm-hmm. Même si je reviendrai dessus, à mon avis, dans le podcast bande dessinée, j'avais envie quand même d'en parler un minimum. Voilà, donc je la montre. Qui coûte 41 euros. 41 euros pour une poignée de psychotropes. Ah, c'est pas le prix. C'est une BD de David Mourier, qui est un gros geek, on va dire, hein, qui est animateur sur nos lives, sur internet, sur... Attends, je sais ce que je veux dire. Sur Ankama.com, etc. C'est le geek par excellence. Hein, il collectionne les jouets, il adore les jeux vidéo, il va dessiner, faire la BD, le cinéma, enfin bref. Et en fait, dans cette BD, il est auteur de BD, il fait beaucoup de choses. Hein, il est animateur, il est acteur, il est auteur de BD, enfin, bref, scénariste. Et il avait déjà fait une BD avant. Mais 41 euros, une BD qui préparait déjà dès le début, bien avant celle qui est sortie, donc malheureusement j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et dans celle-ci, dans 41 euros pour le palais de psychotrope, en fait, il raconte simplement sa psychanalyse. Ah oui. Parce qu'en fait, les geeks à l'heure actuelle, c'est très fashion, vous le savez, c'est très à la mode. Ouais. Mais il y a quelques années, parce que bon, lui est un peu plus vieux que notre génération, c'était tout le contraire. Uh-huh. C'était un peu des parias, un petit peu des. Ouais. Et donc, lui, il a. On va dire entre guillemets assez mal vécu. Il le vivait bien d'être geek, mais vis-à-vis de la société, c'était assez. Mm-hmm. Il s'est retrouvé un peu en dépression. Et il raconte cette dépression dans un petit carnet. Vous voyez, le format est très original. Mm-hmm. Vous pouvez aller voir sur internet. Hein, ça se présente comme un petit carnet de notes. Et en fait, cette BD, je l'ai acheté sans. Parce que j'entends beaucoup de. C'est ça que tu lis en cours. Oui, voilà. Je l'ai lu en cours de communication. Exactement. Oui, tu m'as parlé d'une BD qui ressemblait à un carnet de notes. Mais cours de communication, bon, bref, je ne vais pas expliquer ici. Stetson, arrête de péter, s'il te plaît. Donc, cette BD, ça s'appelle pas de mine, je l'ai acheté parce qu'on m'a beaucoup conseillé, et c'est génial. Je vous dis franchement, c'est... J'ai adoré ça. J'ai passé un super bon moment à lire. Donc en fait, ça se compose d'abord de sortes de collages assez anarchiques, avec des images dans tous les sens, des petits gribouillages, comme un petit carnet de notes qu'il aurait publié, en fait. Donc ce côté-là, bon, on aime ou on n'aime pas, ça, je comprends qu'on n'aime pas, il n'y a pas de souci, même si, en lisant un peu, en comprenant un peu le fond et l'histoire, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis après, au milieu, ça se transforme tout d'un coup en des planches de gags, mais de gags assez noirs. Et en fait, il montre sa psychanalyse et les différents rendez-vous qu'il a eu avec son psy. Et 41 euros, c'est le titre parce que c'était le prix de la séance et qu'à chaque fois, il gagnait qu'une poignée de psychotropes pour oublier qu'il déprimait. Ouais. Et bon, je vais vous lire un petit exemple ici pour vous dire pourquoi j'aime. Bon, l'exemple n'est peut-être pas très probant sorti du contexte, mais... Bon, en même temps, on a l'habitude. Un rapide petit gag chez le psy. Donc, on voit David Mourier assis dans le fauteuil du psy qui dit « On m'a dit je t'aime, j'ai débandé. On m'a dit je ne t'aime plus, j'ai bandé. Ma bite n'est pas vraiment très constructive. » Voilà, c'est ce genre d'humour un petit peu toujours limite. Mais honnêtement... Ça doit te plaire. Je pense que ça lui plairait. Ouais. C'est vrai, en plus. Ça a pas l'air de payer de mine, mais quand on le lit de bout en bout, c'est... On se prend dans l'histoire et dans l'histoire de ce gars et c'est extraordinaire. Et je note que ça a été vu dans Envoyé spécial. Ça, il l'a mis parce que... Oui, bon, je voulais pas expliquer l'anecdote ici, je voulais expliquer dans notre podcast, mais c'est pas grave. Puisque Stetson demande, je vais l'expliquer. Donc le principe, c'est que ce gars-là est un temps très populaire pour les geeks en France, vu qu'il travaille sur nos lives et sur Internet, sur Ankama, qui sont les éditeurs de Dofus et autres... Mm-hmm. vu qu'il était populaire, il a été contacté par l'équipe de France 2, d'envoyé spécial, pour faire un reportage sur les adolescents. Il y a le terme très... Voilà, bon. Et il se doutait un petit peu de ce que ça représentait, mais il a fini par accepter en voulant essayer de montrer un bon côté de la culture geek. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'il l'explique après, il l'a expliqué dans plusieurs interviews, les gens, le journaliste d'envoyé spécial qui arrivait ici, qui arrivait chez lui, a tout fait pour arranger l'histoire à sa sauce et pour montrer qu'en gros c'était un gros débile et que tous les geeks étaient des gros débiles. D'accord. On peut voir le reportage. Par exemple, il lui a ouvert la porte normalement. Le gars lui a demandé de mettre un caleçon de super-héros parce qu'il en avait un pour réouvrir la porte et pouvoir filmer l'entrée avec lui en caleçon de super-héros, par exemple. Ok. Donc, résultat, il s'est quand même prêté au jeu bon gré malgré, mais en négociant certaines choses, et notamment le fait de pouvoir mettre sur sa BD pour... un petit peu le touche d'humour vu dans Envoyé spécial. D'accord. Et le journaliste a accepté. Voilà pourquoi c'est écrit sur. Voilà, c'est très résumé parce que lui il explique beaucoup mieux et toute une histoire derrière. Mais... grosso modo, c'est ça. Donc voilà, je reviendrai dessus de toute façon un jour, mais franchement, je m'attendais pas à ça du tout. Et je l'ai acheté un peu par. Parce qu'il voulait un truc qui ressemblait à un carnet. Non, parce que j'avais envie de lire un truc et que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses dessus. Et franchement, c'est vraiment, je conseille aussi, c'est une très bonne BD, c'est bourré d'humour et on passe un super bon moment à la lire. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur des choses un peu plus intéressantes pour mes compatriotes ici présents. Bah. N'est-ce pas ? Je suis pas contre, moi. Tu n'es pas contre, tu n'es contre rien, c'est ça ? Non, mais ce genre de BD, ça peut me plaire. Alors franchement, en plus, c'est... honnêtement, je m'attendais pas à ça, mais c'est très très drôle, quoi. Franchement, si t'es un temps un peu geek, en plus, tu te reconnais dans plusieurs choses. Et, je suis pas du tout geek, quoi. Non, du tout. Du tout, du tout. C'est pour ça que t'es là, en fait. Hein. Exactement. D'accord. Je suis un petit peu... En fait, on a inversé nos rôles. Maintenant, c'est lui, le geek. Bon, alors je vais faire justement une news qui va plaire à Chou. Tu veux mon téléphone pour... Bon, ça va. Pour l'envoi, je vais faire une news qui va plaire à Chou. Je sens que ça va... Je sais pas s'il a déjà entendu parler ou pas. C'est un jeu vidéo qui devrait arriver très bientôt. J'ai pas les dates de sortie. Mais, Pac-Man Non. Et qui devrait, je pense, te plaire. Donc, nous qui aimons bien les jeux un peu oldies et les jeux de moi maintenant, par exemple, qui est un jeu de gestion, ouais. On aime également la saga des Anno. Tout à fait. Anno 1602, 1503, 1000, tout ça. Oui. Surtout 1602, d'ailleurs. Hein. C'est la base, oui. Voilà. Et ben, Ubisoft prévoit ici, en fait, de sortir... je ne sais pas la date, mais ça pourrait très bientôt sortir. Anno 2070. Donc c'est le principe de Anno, transposé dans le futur, en fait. D'accord. Et moi, je ne suis pas très science-fiction. Enfin, Ah, parce que moi, ça m'a fait bander. Moi, c'est justement, ça m'a fait bander. Ça m'a fait bander, moi. Moi, pas à ce point-là, mais... Si, moi, je peux être vulgaire, ça m'a fait bander. Voilà. Donc, chers auditeurs, si vous n'aimez pas la vulgarité, éteignez ici, mais j'ai bandé ferme, j'ai eu une trique d'enfer. Quoi ? Non, mais voilà, bon, les Anno, c'était. Voilà, c'est une série culte. Ah, mais pour ça moi. Peut être très bien, hein, mais. C'est une série culte pour moi et transposée dans un univers à la Star Wars, enfin, futuriste. C'est un rêve, quoi. Je pense que si c'est aussi bien produit que les premiers Anno, si le fun est toujours aussi présent, oui, que tous les Anno, mais bien que le dernier, personnellement, j'ai trouvé un peu. Ça devenait trop. Trop complexe, ça se voulait trop intelligent pour ce que c'est, trop. Bah, il a l'air très. Trop de données, trop beau, de. En tout cas. Mais, très beau, mais trop de données, trop de d'informations. Tu devais limite tenir à côté de ça un carnet de notes pour ta compta. Bah, ça n'a jamais été facile comme jeu. Ça n'a jamais été facile, je le concède. Mais, là, mais les jeux de gestion un petit peu exagérés, hein, dernièrement. Le dernier était fort excessif, j'ai trouvé. Mais... pour les fans de Football Manager, je crois que c'est devenu. Faut vraiment s'y connaître en foot pour arriver à jouer. Voilà, c'est le même à genre. Football Manager. C'est devenu tellement compliqué, complexe que si t'es pas un matheux, t'es fini, quoi. Ah, bah, alors qu'avant, tu pouvais prendre un minimum ton fun, même si t'es même ton pied, même si t'es pas matheux, quoi. Ton fun ou même ton pied. Oui, ça. Mais lui, il me tente beaucoup plus que les anciens nanas. C'est le rhum qui m'achève, là, pour l'émission. Donc voilà, bref, c'est Anno, moi, me tente énormément. Et, pour, et s'ils reviennent avec le côté fun d'Anno 1602, 1503, je fonce. Et il devrait sortir Q4 2011, donc fin d'année. Ah ouais, j'avais pas lu ça, donc tu m'apprends une bonne nouvelle, alors. Ça donc, fait... après avoir joué à L.A. Noire ici, cette période-ci, Duke Nukem, quand il arrivera, Diablo 3 en fin d'été... je finirai l'année par Anno, d'accord. Voilà mon résumé pour la fin de l'année. Chauve, tu avais quelque chose à... Oui, ça fait très longtemps que je suis plus trop l'actualité jeux vidéo, mais Ubisoft avant, enfin il y a quelques années, je parle de ça il y a quelques années, ils avaient quand même pas une superbe réputation. Ils n'ont toujours pas vraiment une superbe, enfin peut-être ça vient de marquer, mais ils n'ont pas une réputation. Réputation, ça veut dire quoi une réputation? Oui voilà, c'est à l'époque en quel sens tu prends réputation. Bah beaucoup de mauvais jeux. Quoi. Non mais d'accord, non à ce moment-là non. Mais moi je prends des réputations dans le sens que c'est un éditeur un petit peu, pour m'expliquer, qui tire fort sur tout ce qui est, enfin qui aime bien tout ce qui est DLC, qui aime bien ou pas plus que les autres. Donc, mais il tire fort sur ses licences par contre. Ouais. Mais bon, il a quand même Assassin's Creed et Splinter Cell, c'est leur deux grosses licences. Ouais. Avant, ils avaient aussi. Et ils ont le lapin crétin aussi, je me trompe. Ouais, enfin, moi je parle de vrais jeux. Donc c'est pour rire. Ils ont quand même distribué, ici ils distribuent pas mal de gros jeux, hein. C'est eux qui distribuent les Resident Evil, je crois, et Final Fantasy en Europe. C'est le troisième éditeur indépendant au monde. Non, Ubisoft est quand même un très bon. Mais je crois que tu parles de l'époque, toi, où il y a peut-être 10 ans, sortait des jeux genre Tintin sur PlayStation, oui, voilà, qui était une catastrophe monumentale. Mais ce qu'il y a eu en France, enfin chez nous aussi, mais. C'est qu'ils avaient, je crois, si je me souviens bien, racheté de nombreuses parties de Game One à Canal+. Mm-hmm. C'était devenu actionnaire majoritaire. Donc, résultat, tout ce qui était Game One et autres ont dû... Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais je crois que c'est ça l'histoire. Ont été obligés, en fait, de faire des reportages spéciaux et de donner de bonnes critiques sur des jeux merdiques, comme la licence Tintin, par exemple. Et bon, ça n'a pas plu dans nos contrées, et Ubisoft s'est forgé une très mauvaise image à cette époque-là. Mais enfin, leur plus gros studio, c'est Ubisoft Montréal. C'est celui qui a fait les derniers Prince of Persia. Il y en a qui étaient pas mauvais l'année dernière. Assassin's Creed, Splinter Cell. Et sinon, bah, c'est à eux qu'appartient toute la licence Tom Clancy. Donc, ils ont acheté tout le catalogue. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont de bonnes choses. Ils ont racheté pas mal de trucs, mais. Au final, ouais, ils se retrouvent avec un bon catalogue. Mais ils exploitent fort leur licence, par contre. Mais ça, c'est normal. Alors, le jeter la pierre. Tous font ça, donc ils sont pas pires qu'EA ou bien moins pires qu'Activision. Quand une licence marche, ils vont pousser, c'est normal. Hein. Ils ont moins tué leur licence qu'Activision, hein, par exemple. Les champions de la. Le plus gros. Pour moi, je pense, si je me trompe, mais le plus gros studio actuel qui continue à bien exploiter ses licences, c'est quand même Blizzard, non? Bah, Blizzard, ça fait partie... C'est Activision Blizzard, ça fait partie d'Activision, oui, mais d'accord, mais on prend vraiment que le studio en lui-même, c'est quand même le seul qui essaie de garder... Le problème de Blizzard, c'est qu'ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a aucune difficulté pour eux... C'est vrai aussi, mais ils essaient quand même un minimum d'attendre avant de sortir les jeux, que les jeux... Ouais, mais c'est connu que Blizzard ne sort pas de mauvais jeux, c'est pas parce qu'ils font pas de mauvais jeux, c'est juste parce qu'ils les sortent pas. Mais j'attends comme Diablo 3 depuis tellement longtemps que je crois que quand la bêta sortira. Il est pas encore sorti celui-là. J'ai joué l'année dernière, ça me paraît tellement. Diablo 3, il est prévu, la bêta est prévue apparemment pour fin de cet été. Mais c'est pas encore sûr. Mais c'est aussi le côté de bizarre, c'est qu'ils font attendre et ils s'en foutent quoi. Putain, ça sort quand c'est prêt. Moi je suis. Et j'en connais un qui est encore plus impatient que moi, Chauve le connaît, Xavi pour ne pas le nommer. Ah ouais. Il joue encore Diablo 2 à l'heure actuelle. Oui. Ça sera 12 ans, Diablo. Il y a énormément de joueurs. Il y a toujours pas mal de. Il y a une énorme communauté encore, Diablo. Tu sais, StarCraft, c'était pareil avant que le 2 sorte. Hein. Ouais. Mais quand le 3 sortira, à mon avis, il y a pas mal qui vont migrer, mais Diablo 2 est encore très très actif sur les communautés en ligne. Enfin bref. Mais ouais, sinon, ouais, je trouve que Blizzard gère bien ses licences, mais ils ont la facilité pour le faire. Quoi. Ouais, aussi. Bon. Peut-être pour payer pour essayer de clôturer un peu tout ça, parce que je veux juste aussi parler de Portal 2 quand même. Que j'ai fini. Valve aussi gère assez bien ses licences. Ouais, c'est vrai aussi, tiens. Et pas que leur licence, ils ont pas mal de. Enfin, si, c'est partie de leur licence, mais le coût des musiques gratuites. Oui, mais Valve gère bien toute sa communauté. Ils ont bien, ouais, une bonne communication, je trouve. Donc, bref, j'ai fini Portal 2 il y a. Combien de temps maintenant? J'entendais parler cette semaine, 2 semaines. Ouais, 1 semaine ou 2. Et honnêtement, waouh, quoi. Je me suis. Ça faisait très longtemps que je m'étais plus pris. Autant sur un jeu au point de vouloir à tout prix le finir, enchaîner les niveaux le soir en rentrant. C'est bien simple, parfois je rentrais chez moi à 23h et je commençais à jouer jusqu'à 3-4h du matin, même pas 7h le lendemain quoi, pour le finir. Mais c'est franchement, t'as jamais essayé Portal, chose? Non. Ni le 1 ni le 2? Non. Il faudrait. Parce que c'est honnêtement, c'est des jeux. C'est bourré d'humour déjà, c'est une grande force je trouve dans Portal, et les dialogues sont exceptionnels. les voix, peut-être ça ne me contrôlera pas, les voix et les dialogues. Les voix sont excellentes. Par contre, moi, je dirais que les dialogues et les blagues étaient mieux dans le 1, où oui, c'était plus recherché. Oui, voilà, mais si tu prends, c'est normal. C'est un 2 aussi, c'est jamais. Faut pas ils l'ont un petit peu simplifié, quoi. C'est ils normal. L'ont rendu plus. Mais dans l'ensemble, la saga Portal, ouais, ouais, c'est réputé pour ça. Les dialogues, les voix, les ambiances, c'est extraordinaire. Ah oui, les voix sont très bien, les ambiances sont excellentes, les musiques sont excellentes. Bon, le problème, j'ai vu un commentaire, j'ai fait un article dessus sur le blog, et j'ai vu, sur le site, j'ai vu un commentaire de Thomas qui disait qu'il n'a pas aimé Portal 1, qu'il avait trouvé fort linéaire. Ouais. Et c'est vrai que le problème de Portal, c'est que ça reste beaucoup des énigmes qui se succèdent. Mais bon, pour recentrer Portal 1, c'est quand même un jeu qui est sorti dans un add-on, il était sorti dans l'Orange Box. On pouvait l'acheter à part sur Steam, mais c'est pas vraiment un gros jeu. Moi, quoi. Donc, Box, de toute façon, mais... C'était logique qu'il soit fort linéaire, fort court, il durait genre 2 heures, 3 linéaire, heures. Mais justement, c'est ça que j'ai envie de dire, linéaire, oui et non, je suis pas totalement d'accord, parce que voilà, il faut savoir à quoi on joue, malgré tout. Effectivement, ça peut être... C'est un jeu de puzzle, en fait. Mais voilà, le truc, c'est que on arrive dans une salle, il y a une énigme, on la résout, on passe à la salle suivante. Au final, c'est ça. Même si dans Portal 2, il y a un petit twist au milieu qui fait changer un petit peu l'histoire. Mais on garde la même structure d'une salle. Voilà, et je trouve même que le 2 est plus linéaire dans le sens où il y a moins de manières de résoudre une énigme. Dans les manières de résoudre l'énigme, mais par contre, je trouve justement que dans l'histoire, les aspects où il y a justement des il y a plus de twists dans le 2. Oui, de twists dans l'histoire, mais surtout de... Comment je dis, de cinématique active, entre guillemets. Ouais. Dans de moments où il se passe quelque chose dans l'histoire, on est dans la cinématique, on est de toute façon obligé de suivre un chemin parce que c'est celui de la cinématique, mais on interagit quand même avec le décor, avec l'histoire. Donc je trouve que quand même le 2 a cet avantage-là d'avoir plus de... Mais le 2 est plus un vrai jeu dans le sens longueur, finition. Même si étonnamment, beaucoup de gens ne voyaient pas comment on pouvait faire un 2 à ce jeu-là. Ouais, ils ont très bien... Et l'acteur qui joue, bon, c'est Wheatley, c'est un petit robot qui vous accompagne au début. Ah, c'est un acteur anglais. Vous pouvez lire l'article sur Bipod, vous comprendrez de quoi il s'agit. C'est le co-créateur de The Office en Angleterre, donc il est vraiment excellent. Et Steven Merchant. Tout franchement dans ce jeu, moi j'ai vraiment. C'est encore un jeu très chronophage d'ailleurs. Ça, il faut pas nier. Quand on commence sur une énigme, on n'a qu'une envie, c'est de la finir. Ouais, c'est pas très long, hein, ça dure 6-7 heures, quelque mais chose comme ça. Parfois, il y a des énigmes, étonnamment, et c'est pas les plus dures, étonnamment, où tout d'un coup, on va se prendre la tête. Mais pour moi, c'est limite un défaut du 2, parce que il y a des zones qui sont tellement grandes que si tu trouves pas le seul endroit où tu peux résoudre, c'est un peu chiant. Alors que le 1... Tu vois, j'ai pas trouvé, moi, étonnamment. J'ai pas trouvé de zone si grande. Il y avait quand même quelques zones grandes. Je trouve qu'il y avait des zones un peu trop grandes. J'aurais pu te dire exactement, mais... Enfin, je trouve que le... Peut-être quand tu arrives dans les... Quand tu es rejeté dans le sous-sol et que tu as les trucs, l'ascenseur, etc., que tu te retrouves dans le début du... Dans ces zones-là, ouais. Oui, là, c'est un peu plus grand, mais... Je trouve que t'as toujours des... Mais j'aimais mieux le 1 au niveau des énigmes parce que c'était plus dur... Au niveau des réflexes, il fallait beaucoup plus jouer. Ici, tu jouais beaucoup plus sur l'inertie de ton personnage en passant de portal en portal. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Que dans le 2, on n'a pas ça. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi, de toute façon, sur les énigmes, mais je trouve que le 2 a ses avantages quand même. Le 2 a plein d'avantages, c'est une plus longue histoire. Ils ont chacun leur... Donc, moi, si je peux vous donner un conseil, jouez au 1 et au 2, n'hésitez pas, faites les deux si vous voulez. De toute façon, le prix du 1 sur Steam... Le prix où ça coûte, et en plus, c'est pas des jeux qui, au final, prennent... In fine, prennent des heures et des heures. Le 1, c'est 2 heures, hein, quelque chose comme ça. Donc ça peut aller très vite si on réfléchit suffisamment bien. Et en plus, comme on disait, Valve gère très bien sa communication. Ils ont notamment proposé ici les musiques du jeu gratuitement en ligne, en déclarant, quand même, le patron a déclaré, si je ne me trompe pas, qu'il en a marre de tout ce système payant et de DRM sur Internet et que. Il voulait faire un pied de nez aux maisons de disques et que lui il proposait tout en gratuit. Et... Donc, ouais, il y a un pack pour les deux sur Steam et ça fait 54 euros. Ah ben voilà, donc vous avez le 1 pour 4 euros. 54 euros les deux jeux, n'hésitez pas. Ou faites comme moi, regardez après un oncle aux États-Unis qui peut vous envoyer une copie ISO du jeu. Ça marche aussi. Mais bon, il y a du coop dans le 2. Pour celui-là, honnêtement, achetez-le parce que, voilà, comme dit Selton, il y a du coop en ligne qui peut être génial, je pense. J'ai pas encore essayé, mais. Et bon, Steam est vraiment. Enfin, Steam, au début du jeu, quand il s'est sorti, on voyait pas trop l'intérêt. Pour. Je chauffe à mon avis perdu, mais. L'intérêt d'avoir un logiciel si. Perdu. gros et un peu lourd, quoi. Pourtant, Steam, maintenant, a du succès. Ouais, et vraiment, est devenu vraiment pratique, quoi. La liste d'amis, c'est facile de trouver quelqu'un pour jouer en coop. Alors, voilà, donc pour 54€ les deux, moi, je l'ai dit foncé. Et alors, pour terminer cette émission, je vais passer le Tree of Life, en fait. Je vais pas en parler ici, on en parlera assez dans le 24fps, je pense, qui va arriver. Donc, bref, pour moi, si vous voulez avoir Tree of Life, arrivez une demi-heure en retard, si pas trois quarts d'heure. Parce que franchement, la première demi-heure est très chiante. Voilà. Il faut être prêt à accepter la première heure, on va si dire. Si vous y allez dès le début, attendez-vous à contempler pendant une demi-heure. Et soyez prêt à ça, franchement, parce qu'il n'y a pas autre chose. Et c'est dommage, parce que moi, j'ai bien aimé la deuxième partie, voilà, vraiment. Parce que ça gâche un peu, c'est dommage parce que ça gâche un peu justement la partie qui a suivi. Mais on en parlera dans, dans le 24, je pense. Voilà, moi, j'ai fini pour moi en vrac alors. Je ne sais pas si moi vous aussi. Avez... Oui, Stetson, c'est bon? Oui. C'est parfait. Alors, avant de clôturer l'émission, j'ai une mini surprise pour mes deux collaborateurs. Un petit jeu? Non, pas un petit jeu, malheureusement. Ça pour le prochain. On est déçus. C'est ta chaise. C'est étonnant que tu m'aies donné cette chaise-ci. Bon. On va trinquer d'abord pour votre Big Pot quand même. Si j'ai plus rien dans mon verre, j'ai tout fini, mais c'est pas grave. Santé. Allez, santé. Ça doit être très abominable dans les micros. Ouais, c'est pas grave. J'ai mon niveau qui sont montés dans le rouge. Bon, bref. C'est pas grave. Avant de terminer ce podcast, j'avais envie, j'ai une petite idée en fait cette semaine, un nouveau concept à incorporer dans Bipod. Il va te sodomiser en live. Ah, sec. Ça, je le fais en avec des graviers. Je le fais en antenne, il sait très bien. Non, ça te concerne toi, Stetson, celui-ci d'ailleurs. Cette idée commence par toi, malheureusement. Désolé, Stetson. Donc, je trouve que tu es tranquille pour le moment. Ça va. Donc, l'idée que j'avais envie d'incorporer dans Bipod, qui terminerait chaque podcast. C'est l'idée des défis. Il faut trouver un petit jingle là, un petit ta ta ta ta ta, je sais pas, n'importe. Bref. La musique d'interview. Ouais, voilà, peu importe. La vachette. Oh la vachette. Oh la vachette. J'ai perdu mes lunettes. Oui, Gilux. Bon, ouais. Ça existe toujours, Interville? Non, je pense pas. Je crois pas. Mais c'était bien, c'était marrant. On était jeunes aussi. Voilà, oui. Pour Boyard, Interville quand j'étais jeune. Bon, bref, on va revenir sur le sujet. Donc, c'est l'idée des défis qui terminerait chaque émission. Donc, le principe. C'est que chacun à notre tour, on propose un défi à un autre. Mmh. Donc le défi, c'est de regarder, lire, jouer, peu importe, faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire pour la prochaine émission. Okay. Donc par exemple, ici, moi, je vais commencer, je vais proposer un défi à Stetson, qui devra l'exécuter pour la prochaine émission et nous donner son avis en fin du prochain BGS, le mois prochain. Et si on refuse? Et tu n'auras pas le choix. Ah, nos auditeurs si. T'écoutent. On a le droit de refuser. Non, nos auditeurs t'écoutent quand pour même. Pour le fun, non. Non, pour le fun, c'est justement ça l'intérêt. Et pas lire un bouquin de 800 pages. Et alors, une fois que. Voilà, comme j'aurais donné un défi à Stetson, ben, si la semaine prochaine. Mais voilà, ben, t'as un intérêt à pas refuser. Si la semaine prochaine tu l'as exécuté et tu lui donnes ton avis, ben, si t'as pas aimé, on s'en fout. Et ben, tu pourras proposer un défi à nous deux. Soit t'as chaud, soit t'as bon. Mais pourquoi moi? Voilà. Je pensais qu'on faisait un roulement. Et je pense que ça peut, voilà, ça peut être marrant aussi d'amener à découvrir des choses qu'on ne connaît pas spécialement. Donc, mon défi pour ce podcast-ci, pour inaugurer... Et pourquoi moi en premier? Parce que je pensais à toi. C'est plus gros. Parce que Chauve a plus peut-être de goût en commun avec moi, que surtout à ce niveau-là, tu vas voir. Donc, mon j'ai défi peur. Pour Stetson, pour le prochain BGS, sera de regarder une anime, simplement, une série animée. Mais quoi, ça veut dire combien d'épisodes? Alors, la série que j'ai choisie pour toi, tu m'as choisi une série. Non, pas 128 épisodes d'Olivier Tom, ne te tracasse pas. Le fait, moi. Pas 400 épisodes de One Piece ou 600 de Naruto, je ne sais plus combien, ne te tracasse pas. C'est une série courte que je t'ai choisie. Mais j'ai pris ce défi-là en me disant, bon, t'es pas spécialement friand des animations, t'en regardes pas spécialement. Et je me dis, ben voilà, un petit défi pour t'amener dans le monde même de pas. L'animation. Jamais vu de hentai, si tu veux chercher sur Google Stetson, la série que je t'ai choisie, c'est une série en 13 épisodes, hein, qui s'appelle Paranoia Agent. Et c'est une série très... Comment expliquer? Très particulière, mais j'ai pensé en fait que ça pourrait te plaire. C'est surtout ça, c'est pour ça que je l'ai choisie. Parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être te plaire. Donc voilà, je vais te passer les épisodes. Bon, légal, bien sûr, j'ai les DVD, hein, tout le monde, c'est ça. Évidemment. Évidemment, c'est logique. Hein. J'ai acheté le coffret, il est là sur l'étagère. En VF, j'assume. Non, mais aussi titré quand même. Hein, ouais, tu sais. Genre, moi je prendrais en VF. Ouais, c'est ça quoi. Et donc voilà, si tu veux savoir, c'est de Satoshi Kon, celui qui a fait Paprika. Je sais pas si t'as peut-être Non. Non, t'as pas entendu parler de paprika? Jamais. Chauve. Paprika, non? Bah, les chips, ouais. Vous êtes vraiment décevés, les enfants. Hein. Memories, paprika, Minimum Actrice, tout ça, non? Perfect Blue, peut-être. C'est plus connu, ouais, chez nous. Ça me dit quelque chose. Avec une chanteuse, actrice, une idole, pardon, japonaise, qui se fait persécuter. Une espèce de serial killer, et en fait, qui se rend compte regardé. Que c'est dans son imagination et que c'est elle-même qui commet les crimes, mais non? Non, alors j'ai pas vu. Mais là, j'ai rêvé la fin, c'est pas bien. En fait, si vous voulez pas savoir la fin, n'y c'est ça, quoi. Je vais plus le regarder, du coup. Mais c'est excellent, franchement. Perfect Blue, même si je t'ai révélé Paprika et Perfect Blue, je te conseille d'aller voir. C'est une atmosphère toujours un peu glauque, un petit peu spéciale, un peu. Satoshi Kon, c'est vraiment un grand. C'était, malheureusement, mais un grand maître. Donc, bref. Je t'ai choisi donc par Renewal Agent, qui est une série de 13 épisodes. Je vais te les passer. Et donc, pour le mois prochain, ton défi. C'est de les regarder. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de regarder les 13 épisodes. Mais j'ai pas le choix de l'accepter. Si tu veux proposer un défi au show ou à moi, t'as pas le choix. C'est de regarder les 13 épisodes et de nous donner ton avis dans le prochain BGS. Bon, 13 épisodes, ça va. C'est raisonnable. Pas... C'est 20 minutes par épisode, ouais. C'est raisonnable. Hein. Ouais, bah ouais. Ça va. Ça fait 3 dans heures. Dans un mois, il y a moyen, quoi. Même si tu regardes pas les 13, au moins essayer, quoi. Au moins commencer. Si ça te plaît pas, t'arrêter peut-être à 6 ou quoi, mais au moins essayer. Et comme ça, si le mois prochain, tu nous donnes ton avis, tu les as vus, je vois, parce que moi je les ai vus, donc je connais l'histoire, attention. Hein. Si je vois donc que ça veut dire que je peux vous faire regarder de la TV réalité. Par exemple, tu choisiras le défi pour un de nous deux. Tu choisiras, tu prends un de nous deux et tu choisis le défi. Oh. Non, va te faire foutre. Ah, mais je sais déjà. Va te faire foutre. Je pense que ça peut être très fun. Hein. Je pense que je te mettrai jamais qu'une saison. Hein, je pense que chaque mois, on peut s'amuser, je pense. On peut s'amuser à donner des défis aux autres. C'est une bonne idée, mais... Il vient de le regretter, là, donc. Il aimait bien au moment où j'ai dit que c'était pour toi et que c'était pour moi. Il aimait bien. Mais et là, maintenant, la théorie, il aime moins. Hein. Il hésite. Ouais, bah, c'est dégueulasse. Enfin, on en reparlera dans un mois, mais je sens que ça peut être fun, ces petits défis. Donc voilà, tu donneras ton avis sur cette série animée le mois prochain, dans le prochain BGS. Voilà, donc on va clôturer ici cette émission. Et on n'a pas de jeu. On n'a pas de jeu cette fois-ci, mais c'était une émission. C'était à toi de le faire. Hein. Non, mais je l'ai dit, c'était à toi de le faire. Bah, ouais. Ouais. Arrête de vous battre. J'en ai fait un magnifique la dernière fois. C'était à moi, mais j'ai oublié, donc voilà. Je ne voulais pas suivre tellement il était bon, en fait. C'est ça, il avait peur de la comparaison. En plus, c'est le premier jeu que je gagnais. C'était un BGS un peu spécial, donc on va pas... C'était un BGS un peu particulier pour vous introduire le nouveau. J'ai bien aimé ce mot introduire dans cette émission. Oui. C'est mon mot fétiche. Très sexuel aujourd'hui. Voilà, donc pour vous introduire ce que vous voulez, c'est mais surtout hein, les hormones remontent. Oui. Donc, longtemps, hein. Les enfants, pour rappel, pour nos auditeurs, l'adresse c'est bipod.be ou .fr ou .eu. Chauve. Com. On n'a pas le .com. Je sais. Merci. Donc bipod.be. Ou .fr, .net, il y en a plusieurs, mais pas .net. Pas .net. EUFRB. Bi-pod.net, on l'a par contre. Enfin bref. .be, retenez celui-là. Bipod.be, donc c'est notre nouveau blog où on partage tous nos podcasts, toutes nos créations. C'est un peu notre laboratoire, donc pour le moment, vous verrez plein d'évolutions, de nouveaux concepts qui naissent, qui arrivent, qui disparaissent peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à faire un tour, il y a quelques émissions, je pense, qui commencent à gagner un peu en qualité, en crédibilité. Et un petit peu de contenu aussi rédactionnel, on poste quelques articles, on a un article sur Portal 2 parce que je viens d'en parler, je vais parler de Dead Set, de Kennedy, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour, à nous laisser des commentaires, et à laisser 5 étoiles sur iTunes pour notre podcast, tant qu'à faire, hein. Tant qu'à faire. Il n'y a pas de mal à se faire de la pub, n'est-ce pas? Voilà, donc sur ce, on va rendre l'antenne parce que moi je commence un petit peu à avoir trop d'alcool dans le sang et à plus savoir parler. Je pense que je ne suis pas le seul. Donc, ben, on vous dit alors au mois prochain. On verra ce que c'était on a pensé de Paranoia Jeune. Et ben, bonne soirée, bonne journée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et à dans un mois alors. On again. Ciao. Salut. Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? Like you. maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short sighted life left. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe.